27 février de l'année 2025. Voici la date où est produit cet enregistrement en compagnie de Mona. Donc, bonsoir, Mona, ça va bien? Oui, bonsoir David. Oui, je vais bien. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, pareillement. Par contre, au moment où on se parle, le Canada ne va pas bien. Nous sommes à quelques jours, si la tendance se maintient, d'imposition de droits tarifaires de 25 %. Donc, c'est prévu pour le 4 de mars. Ça a été reporté. À l'origine, c'était prévu au début du mois de février. Et pour ce qui est des gens qui nous écoutent en Europe, eh bien, les droits tarifaires que les Américains veulent imposer ici, veulent faire la même chose pour l'Europe, c'est-à-dire imposer également des droits de 25 %. Présentement, on est dans une grande tension médiatique par rapport aux médias de masse officiels, à savoir que si ces droits tarifaires sont imposés, il est possible qu'il y ait une récession économique au Canada, donc que l'économie tourne au ralenti. Donc ça, c'est l'un des sujets naturellement par rapport à la politique au niveau fédéral lié au Canada que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi. Les développements récents de l'intelligence artificielle qui touchent à présent les domaines des conférenciers dans le domaine du supramental, à savoir, il existe présentement un robot conversationnel par rapport à Bernard de Montréal, par rapport également à Marc de Lassalle et aussi Isovée Saint-Clair. Donc, ça n'existait pas avant. Et là, il y a des gens décédés qui, à travers le robot conversationnel, ben, on peut bénéficier de l'enseignement ou de l'instruction. Donc, et le développement de l'intelligence artificielle est vraiment présentement en vogue. Ça se déploie à une vitesse exponentielle. Il y a un autre sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Sinon, également, ben, l'actualité dans le domaine aussi plus économique, dans le sens qu'on voit que l'or continue de monter. Puis en même temps, ben, les actifs, que ce soit le SP500, Nasdaq, ben, ils sont présentement à la baisse à cause de l'instabilité politique sur l'imposition des droits tarifaires. Le domaine de la crypto qui m'intéresse beaucoup, j'ai eu des crypto-monnaies qui ont eu des corrections importantes, Near Protocol, Injective, Bitcoin, Ethereum. Là, c'est mon côté, comment dire, à faire face à l'instabilité du marché dans le sens des corrections de 50 %, faut être fait solide là, pour pas Faites désespérer fort. exactement là, parce que c'est un marché qui est très violent, à différence de la bourse qui habituellement c'est pas des corrections aussi importantes. Donc il y a beaucoup de sujets, donc à la fois politique, technologique et également économique que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Mais juste avant, je veux rappeler aux gens qui nous écoutent que tu donnes toujours des cours de yoga et également là, de pilates thérapeutique. Donc, pour les gens qui nous écoutent présentement et qui seraient intéressés là, à suivre des activités avec toi, donc peux-tu nous rappeler la manière de procéder? Ben, c'est toujours à travers mon courriel sur mon site internet à yogasanctité.com de me contacter par courriel. Puis je peux le faire en privé, semi-privé, sur Zoom ou en présence. Et je fais aussi de l'instruction supramentale privée. Donc, sous forme de consultation individuelle. Exact, oui. Donc, ça, c'est pour les annonces. Donc, par rapport à toi, c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de comprendre que quand je fais des enregistrements sur YouTube et que je reçois des invités, naturellement, je ne leur donne pas de cachet. Par contre, je leur donne de la visibilité. Et pour moi, c'est un plaisir, si ces gens ont des activités à caractère professionnel, des annoncer. Et aussi, ce serait des gens qui prennent des contributions financières, des dons, de le faire aussi. Donc, c'est sûr que, comme je l'avais déjà affaire à Berthold, si à un moment donné, tu veux recueillir des dons ou quoi que ce soit, tu es la bienvenue aussi, là. Non, pas de don pour ma personne, je vous remercie. C'est pas nécessaire. Donc, c'est bien correct. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on ajoute à la liste vers la fin là, Oui. ou plus tard. L'importance d'être bien présentement est très centrée. On est dans un chaos, hein? Et c'est pas fini, ça va être de pire en pire pour quelques mois. Oui. Alors, c'est un sujet qu'on pourra aborder plus tard, là, mais j'aimerais qu'on le mette à l'agenda. Certainement. En fait, pendant que tu es là, je veux juste m'assurer de quelque chose parce que pendant que tu parlais, je viens de réaliser que dans le coin gauche, c'est marqué Zanshi Aikido. Est-ce que tu Ben es. oui, je suis toujours sur la page du dojo de mon conjoint. Mais est-ce que tu es à l'aise que ça apparaisse à l'écran? Ben, pas du tout. C'est correct pour toi? Oui, Oh, pour mon parfait. conjoint aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste que je voulais m'assurer au niveau confidentialité. Merci. Fait que c'est bien correct. Fait que c'est sûr qu'en effet, l'important, c'est d'être bien parce que présentement, en tout cas, on est à l'aube d'un chaos économique important dans notre relation entre le Canada et les États-Unis. Mais juste avant, je voulais mentionner aux gens qui apprécient au fil du temps les enregistrements que je rends publics que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir des contributions financières. Et vous allez avoir les informations à ce sujet-là en bas de l'enregistrement présent. Donc, s'il y en a qui s'intéressent de me faire une contribution via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, donc toute l'information est là. Et je mettrai naturellement aussi en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui les coordonnées là, par rapport à Mona, s'il y en a qui ont envie de entrer en contact avec toi pour faire du yoga, du pilates thérapeutique ou même de bénéficier d'une consultation en matière de conscience supramentale. Donc, c'était correct pour les annonces ou tu avais d'autres choses à rajouter? Ben, pardon. Juste une petite parenthèse dans l'instruction supramentale. Dernièrement, j'ai quand même du monde avec qui je travaille. Puis, il y a une chose que je veux préciser. Il y a du monde qui n'ont pas d'affaires du tout dans la démarche. Quand on n'est pas capable d'agir sur une prise de décision, c'est peut-être pas le temps de venir me voir. Parce que je me rends compte avec le travail que je fais que les gens qui sont pas prêts à agir, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils sont pas capables d'agir. Un exemple, un pattern psychologique, quel qu'il soit, là. Puis qu'à un moment donné, on identifie le pattern, puis la personne, on arrive à dire, ben là, la position serait d'agir de telle façon ou d'essayer telle action, agir, hein. Et là, ça se passe pas, puis ça tourne en rond, ça tourne en rond. Personnellement, je mets fin à ça assez rapidement avec aujourd'hui. Parce que ce n'est pas du monde qui sont prêts à aller dans cette direction, ce que j'appelle le supramental, prendre une décision puis agir. Ça reste à aller voir un psychologue, c'est mieux à ce moment-là, tout simplement. C'est Oui, ça que je bien, voulais c'est faire comme sûr, parce que c'est parenthèse. correct aussi, c'est dans le sens que toi, tu n'as pas de temps à perdre avec du monde qui Bien, veut ça fait perdre du niaiser ou temps qui aux gens, s'écoute définitivement. parler ou qui se complaisent dans un rôle de victime puis se réfléchissent là-dedans, parce Exact. qu'il y a des bénéfices secondaires, dans le sens que des gens qui se définissent à travers le problème et ça leur permet d'avoir de l'attention de d'autres personnes. Derrière ça, il y a des mécanismes psychologiques qui sont assez sournois qui vont amener la personne à se complaire dans un état d'impuissance. Exactement. Et l'impuissance, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, j'ai eu des gens avec qui j'ai dû couper, là, parce qu'ils ne sont pas capables d'agir, puis ça tourne en rond. Puis ça devient de pire en pire parce que la parole, on parle, automatiquement on est testé, puis on n'est pas capable d'agir. Fait que là, le problème devient de plus en plus gros, puis les gens vivent énormément d'impuissance. Moi, ce que je dis aux gens, c'est aller voir un psychologue, c'est pas fait pour les cochons. Bien, c'est parce que là, ça me faisait penser dans le domaine de la psychologie. Les gens qui travaillent avec une approche comme par exemple la psychanalyse, puis là, ils passent leur temps à s'analyser, c'est quoi que tu as fait dans le passé, etc. Il y a des gens qui vont faire ils vont utiliser une approche d'introspection analytique, puis ils peuvent aller sur le divan du psychologue pendant 5 ans, pendant 10 ans, parler de leur inconscient, puis parler de leurs problèmes d'enfance refoulés, mais pendant ce temps-là, ils n'agissent pas concrètement dans l'ici maintenant pour régler leurs problèmes, tu sais. C'est ça. Ben, la psychanalyse, je ne connais pas bien, mais la Ah, ben moi, psychologie, je je connais l'ai. mieux. Les psychologues, ben, Oui. j'ai travaillé avec des psychologues quand même dans ma vie quand j'étais plus jeune. Ils sont rendus quand même. Mais on parle de la psychologie, de ce qui est Ouais, ben c'est psychologique, parce que ça loin. dépend, là. Je veux dire, la psychanalyse a été marquée par Sigmund Freud, également Carl Gustav Jung aussi. C'est deux des figures marquantes. Mais le point, pourquoi j'ai décroché, parce que j'ai quand même étudié là, la psychanalyse personnellement. C'est qu'à un moment donné, j'avais une amie, elle avait été voir un psychologue Ça a coûté au-dessus de 100 $ de consultation. Elle perdait ses cheveux. Puis lui, il a dit, ben, ton érotisme est attaqué. Ta capacité de séduire parce que tu perds tes cheveux. Donc, c'est son interprétation, parce que souvent, c'était lié à dans le fond, à la sexualité, pulsion de vie, pulsion de mort, des concepts de base utilisés en psychanalyse. Fait que moi, ce que j'aimais pas de la psychanalyse, c'est l'interprétation qui est faite où on va donner des symboles sans que la personne soit nécessairement partie prenante. Elle ne se sentait pas nécessairement menacée dans sa capacité de séduire, sa perte des cheveux ou en tant que femme. Puis l'autre, il vient dire ça. Il a créé un problème. Ben c'est ça là, c'est parce que des fois je me demande s'il veut pas se créer des consultations, puis finalement Ben il moi, les est. psychologues que j'ai consultés, David, j'ai pas eu de souci là parce qu'ils répondaient pas à mes questions. En fait, aujourd'hui, l'approche est plutôt en psychologie, c'est de faire répondre la personne. Mais ça reste dans le volet psychologie. Il y a une limite à ça, on le sait. On n'est pas là pour l'expliquer aujourd'hui, mais pour la psychanalyse, je sais pas. J'ai pas eu de psychologue, moi, mettons, je parlais d'un pattern psychologique, jamais la personne a parlé pour moi. C'est Mais c'est ça plutôt. que j'aime pas, c'est que l'interprétation, je te donne un exemple, l'interprétation en lien avec les symboles qui sont supposés être universels de Carl Gustav Jung. Donc, si quelqu'un fait un rêve, puis il voit dans le fond une personne âgée, il va dire, ben, c'est l'archétype du sage qui s'est présenté à toi, qui représente l'aspect sage en toi-même. Mais ça, c'est un sens extérieur à la personne, un peu comme quelqu'un qui va aller étudier ses rêves. En se réveillant le matin, en tapant sur Google les symboles, s'il voit une colombe dans le rêve, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Pour moi, c'est des niaiseries dans le Ça, je suis sens. d'accord avec toi. Je trouve ça Ben, c'est ça. niaiseux Mais tu as du monde qui se font de l'argent avec ça. Ils font des aussi. consultations, ils chargent au-dessus de 100 $ de l'heure, puis là, ils racontent ça aux gens, puis la personne est fascinée. Ah! Ça veut dire qu'il y a un volet d'un sage qui me livre un message, puis blablabla. Ouais, mais. C'est comme la personne, elle devient comme mystifiée par rapport à ça, puis ça crée de la curiosité aussi. Le plus important dans les rêves, David, s'ils ne sont pas récurrents, là, mettons que les gens se souviennent de leurs rêves, moi je ne me rappelle plus, mais je rêve pas souvent que je me souvienne en tout cas, mais c'est l'état émotionnel dans le rêve qu'il faut regarder. Ce n'est pas des symboles, c'est comment on se sent dans le rêve. Si on a peur, si on vit de la frayeur, on vit-tu de la colère, on est-tu en train de se battre? C'est ça qu'il faut regarder, puis qu'on peut coller à notre réalité présente en général. Entre autres, ben en tout cas, je trouve Entre ça plus autres. pertinent de faire ça que de dire, ah ben, je vois une colombe dans un rêve, ça veut dire que c'est un symbole de paix. Ah, oui, Ben oui, ah, mais je veux dire, il y en a qui c'est à ce stade-là. Moi, je trouve ça totalement aberrant, mais bon, c'est ma Mais perception des choses. Mais je suis si tu veux d'accord. rire, Oui, vas-y. vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, pardon. Non, non, ben c'est bien Vas-y. correct. Mais je suis d'accord avec ton approche que si tu consultes des gens, ben les gens, il faut qu'ils soient prêts à se mettre en action. Tu sais, ils ne sont pas là pour se raconter auprès de toi pendant 5 ans ou 10 ans. Ben surtout pas la victime. Moi, les victimes, je peux dealer avec ça un certain temps, négocier avec ça comme coach. Mais à un moment donné, c'est ma job de faire voir la personne qui est en. Je suis pas là pour être fine en passant, là. Il y a des gens qui m'ont traité dernièrement, là. Il y a des gens qui m'ont dit, t'es trop rough pour moi. Ben là, excusez-moi, là, mais je suis pas là pour être complaisante. Je suis là pour faire voir à quelqu'un qui me paye que. Une entité qui vient, ou une pensée, ou une obsession, ou un pattern, puis de le regarder, de prendre du recul, puis d'être capable d'agir après sur qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça. Si la personne n'est pas capable de le faire, puis que continuellement tourne en rond, se présente souvent comme. Là, c'était rendu qu'il y a des gens qui étaient victimes de lui contact, de l'astral. Quand tu es rendu que tu es victime de l'astral, puis à un moment donné, là, non. C'est pas du monde prêt à faire la démarche dont je parle, mais ça veut pas dire que c'est des idiots, c'est pas ça que je dis là. Je dis juste que c'est une question d'être prêt à passer à un niveau différent. Puis je dis le mot niveau, là, puis j'aime pas tellement ça, c'est comme hiérarchisé, puis là, j'entends des gars, ils disent, ah, je suis de ce niveau-là, moi, là. Tout le temps, une comparaison. Là. Mais c'est pas un travail pour des gens pas prêts à agir, parce que c'est encore pire, c'est ça que j'essaie d'expliquer, ça devient encore plus violent pour eux de travailler avec moi, puis là, ça devient fou raide. Fait que j'ai pris la décision dernièrement d'éliminer certaines personnes à cause de ça, même. Et j'apprends aussi à travers les années en passant. Mais oui, mais c'est ça, mais tu mets tes limites par rapport aux gens qui te consultent, puis à mon avis, c'est bien correct, c'est sain de ta part. Il y a du respect de soi aussi, je veux dire, là-dedans, Oui, là. oh, moi, ça me met en vibration. Quand les gens sont trop dans la victime, je deviens inévitablement très en colère. Quand je dis une colère, c'est vraiment solide. Et puis, là, les gens, ils reçoivent ça comme une charge négative, mais moi, c'est plutôt électrique. C'est pas de la rage. Mais la personne n'est pas capable de la saisir, la vibration de colère. Puis là, ça devient encore plus victime. Puis là, ils sont victimes de moi. C'est parce que C'est s'il encore plus drôle. interprète la charge vibratoire puis la réfléchit, là, à ce moment-là, dans le fond, ces gens-là peuvent être récupérés par l'astral, puis ils vont te Totalement. polariser C'est négativement. ça. Puis en même temps, tu as les résistances qu'il peut avoir par rapport à l'entité maîtresse qui peut chevaucher la personne, qui va tout faire pour l'empêcher d'accéder à un taux vibratoire plus élevé. Exact. Parce que Exactement. Exact, parce que la colère mentale crée un état vibratoire de vide mental et l'astral n'aime pas ça parce que l'astral se nourrit du bruit, du désordre, du chaos puis de la vampirisation énergétique de la personne. J'aurais pas mieux dit, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Puis ça sert pas la personne non plus, c'est ce que je dis. Le pire, c'est que ça se tourne contre la personne, la charge encore plus lourde vers l'autre personne qui n'est pas capable d'agir. Fait que ça aide personne, là. Je peux me protéger. Moi, je me protège, c'est sûr. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça a un impact encore plus négatif envers les gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action. Moi, c'est vraiment agir dans la vie, c'est pas de philosopher sur la question. Une fois qu'on a trouvé le problème, l'entité, on prend une direction, puis on passe à l'action, puis on étudie ce qui se passe, t'sais. Mais il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire, puis je conviens que chacun a son rythme d'évolution. Voilà qui est bien dit. Donc, sinon, je voulais t'amener à commenter. N'avez pas parlé du Canada, là? C'est ça exactement la situation du Canada. On se croirait quasiment dans un téléroman où on va connaître dans moins d'une semaine le dénouement, à savoir si cette fois, en ce début de mars 2025, Trump va réellement imposer des tarifs de 25 %. Comme il nous avait menacé pour le mois de février, puis là, il avait reporté, on a eu une période de sursis, ou c'est tout Est-ce simplement que du tu bluff. peux mettre en contexte le 25% dont tu parles? Parce que là, tu es complètement il applique un 25%. Il y a un contexte à cette condition. Quel est le contexte? Bien Qu'est-ce entendu, qu'il tu me fais bien demande? de me ramener à l'ordre. C'est que Oui. Donald Trump a demandé au Canada de sécuriser la frontière entre le Entre Canada autres. et les États-Unis pour éviter qu'il y ait des trafiquants de drogue, des gens qui vont amener du fentanyl en passant par le Canada vers les États-Unis. Ensuite, il y a la balance commerciale qui est négative par rapport aux États-Unis. Attends un petit peu. Il Oui. a demandé aussi au Canada d'investir 2% Dans dans l'armée l'OTAN. canadienne pour revamper l'armée canadienne qui est une sandwich molle, là, trop, trop, trop. L'armée canadienne, c'est pas une armée. Normalement, on investit ces 2% en principe, les ententes, c'est 2% de ton PIB Oui, pour que le dans Canada reste l'armement. dans l'OTAN, là, oui. Oui, bien c'est ça, ils font partie de l'OTAN, le Canada. Fait qu'il faudrait qu'ils respectent les règles de l'OTAN, mais ils ne le respectent pas. Puis la frontière, c'est la condition du 25%. Je te laisse aller pour Non, la non, mais suite, c'est là. correct. Tu fais bien de mettre les choses en contexte. C'est bien que ça soit clair. En fait, là, on est menacé. Par rapport à ça, il y a des gens présentement qui font du boycott. Donc, ils disent qu'il faut arrêter d'acheter des produits des États-Unis. Ça changera rien. Il y a François Legault qui a invité les gens à boycotter Amazon, parce que là, Amazon, dans le fond, vont fermer des points de dépôt au Canada. Boycotter le jus d'orange qui vient de la Floride. Oui, il y en a qui nous invitent à boycotter. Boycotter les voyages aussi aux États-Unis, que ce soit en Floride, à Orchard Beach. Lieu de faire sa job, le go, là, tu sais, hein? Premièrement, il y a une chose qu'on ne dit pas, là, c'est que les tarifs douaniers, le Canada en impose aux États-Unis pour l'acier, l'aluminium, tout ce qu'on envoie de l'autre bord, il y a des frais douaniers. Pourquoi Oui, que mais nous, on a c'est. le droit, puis que les États-Unis, c'était des gros méchants? Mais là, il y aurait une nuance à apporter. C'est parce que de ce que j'ai compris de Donald Trump, c'est qu'il veut imposer du 25 % de frais de douane mur à mur sur tous les produits qui sont importés du Canada, plutôt que certains, dans le fond, produits spécifiques, comme nous autres, on en impose là, par rapport aux Américains. Ben, c'est parce qu'on a moins de produits qu'on amène l'autre bord. Le Canada, là, c'est une goutte d'eau dans un océan par rapport aux États-Unis. Je suis désolée, on peut pas se battre contre ça. L'économie, c'est quoi, 10 fois plus gros? Je suis C'est au pas moins très 10 bonne dans les fois chiffres, là. plus, dans le fond, le produit intérieur brut des États-Unis versus le Canada. Par C'est contre, on a pas des eux qui vont ressources qu'ils n'ont souffrir pas. le plus, là, quand même qu'on vendrait tous les condos de la Floride, puis qu'on n'achète plus le jus d'orange, puis qu'on boycotte le tomate, n'importe quoi, là. Ça ne va rien changer de majeur pour eux en passant. Moi, j'ai l'impression que C'est nous qui non. allons souffrir de ça, C'est ça. Fait que principalement. moi, dans le fond, ben, j'étais curieux de t'entendre sur l'histoire du boycott, là. Donc, Ben, moi, je toi, trouve ça vas-tu les idiot, excuse-moi. boycotter? C'est idiot! Ça donne rien! Puis en passant, ils vont-tu le faire, les Québécois? Tu sais, on dit les Québécois boycottent, c'est quoi, 5 % des Québécois, 10 % des Québécois? Puis on est quoi, les Québécois, dans ce monde-là? Un petit monde de rien. C'est ça, je disais, on se pense bien fort, mais on est tout petit, puis on est déjà à genoux économiquement. Il va nous achever. Finalement, moi, ce que je dis, c'est que si jamais un jour, on a Marnie au pouvoir, le Canada, je vais faire rentrer Marnie, qui est une grosse. Mon Carney, tu veux dire? meurtrier. Marnie? Non, Carney. Carney, bon, je ne Ouais. sais même pas son nom, tellement il Pour m'énerve, là. remplacer Justin Trudeau, ouais. Qui est pire que Trudeau, en passant. Ça, c'est 51e. Ça va prendre même pas quelques mois, puis on va devenir le 50e État des États-Unis. On va être à genoux complètement. Fait que si les gens ne veulent pas être le 51e État des États-Unis, ils sont peut-être mieux de passer en crise avant d'élire cette merde. Les libéraux nous ont mis dans la merde depuis 75 ans. L'exercice du pouvoir au Canada puis aux États-Unis, ça a été fait pendant les 70 dernières années, 15 ans peut-être. Bertel serait meilleur que moi pour tout ce qui est choses Il y a une très bonne de connaissance précision là-dessus. historique, historique et encyclopédique, Berthold, c'est vrai. Oui, il est bon là-dedans, j'avoue. Moi, je n'ai pas la mémoire, mais je ne suis pas niaiseuse non plus, là. Je sais que c'est au moins 70 ans de libéralisme. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dans la merde. Ça serait Exact. peut-être le fun d'essayer autre chose, Ce qui est tu curieux, sais. Annick, ce que tu dis, c'est que ça me fait penser par rapport à l'or. C'est-à-dire, depuis les années 1970, les banques, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ils ont arrêté de faire reposer la monnaie sur l'or. Ben oui, comme ça, c'est devenu plus facile de frauder puis de crosser tout le monde, hein, la presse à papier. Ouais, exactement, la planche à billets. Fait que c'est sûr, un peu comme toi, moi, dans l'histoire de boycotter les produits américains, j'embarque pas là-dedans. Je crois que dans le fond, c'est comment dire, de canaliser notre énergie à quelque chose qui n'amènera pas un changement au second niveau. Ça changera pas vraiment la donne, je veux dire. On dépend des États-Unis économiquement. Le Canada tombe en faillite si on fait les comptes. Il faut vraiment le regarder, ça. Le Canada dépend des États-Unis. C'est nos voisins économiquement. Et la Russie aussi en passant de l'autre bord. Nos deux voisins, Trudeau lui fait la guerre. Hey, c'est le fun, ça. C'est idiot. Rennes net Bien, je veux sec. dire, il ne On fait s'en pas la sortira pas guerre si c'est. ouvertement, là. Pardon? Je veux dire, il ne fait pas la guerre ouvertement, là, avec la Russie. C'est plus qu'il disait qu'explique. Finançant l'Ukraine comme il fait, il Oui. vient encore de refinancer l'Ukraine Oui. de je ne sais plus combien de millions, gros ton. Hey, pompe-moi Puis, pas, je vais avoir les oreilles il rouges, je ne serai pas là. Mais il a dit, comme Emmanuel Macron, donc La crosse. le président de la République, qu'il n'excluait pas d'envoyer des soldats en Ukraine canadien. Ouais, c'est ça, juste un idiot. C'est pas un Oui, idiot, il fait tout pour nous mettre à terre. Trudeau ne travaille pas pour le Canada. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais les gens ne veulent pas le voir. Mais Trudeau n'a jamais travaillé pour le Canada, ni son père d'ailleurs, Pierre-Elliott Trudeau, qui d'ailleurs va être probablement. On va découvrir des petites choses sur Pierre-Elliott Trudeau, parce qu'il y a des gens qui ont des petites choses à dire sur Pierre-Elliott Trudeau, le père de Justin, supposément. Ben, c'est un peu comme pète puis répète. Dans les deux cas, ils ont endetté massivement le Canada. Je veux dire, le père puis le fils. Je pense que le fils va avoir dépassé son père en termes d'endettement par rapport au Canada, là. Ouais. Puis il bloque toutes les enquêtes. En passant, Justin, là, j'ai vérifié des informations là-dessus. Justin, moi, je posais la question à des gens qui sont assez brillants dans la situation, entre autres Maxime Bernier. Pourquoi qu'on n'enquête pas sa fondation, Pierre-Elliott Trudeau? qui, d'après certaines informations underground, il aurait augmenté de 347 millions en 8 ans. C'était-tu une Et que fondation à dans but non la lucratif, fondation, ça? dans, pardon? C'était-tu une fondation à but non lucratif? Ben là, la fondation, c'est toujours privé, je ne sais pas si c'est à but non lucratif. La Pierre-Elliott Trudeau, c'est la fondation PET, la OK. fondation Pierre-Elliott Trudeau. Oui. Est-ce que c'est sans but lucratif? Je pense pas, non. C'est privé. Fait. Mais il bloque toutes les enquêtes, puis il y a quand même des choses qui sont passées, qu'il y a des gens qui ont vu des choses, mais il bloque les enquêtes de la GRC. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est que s'il est sorti du pouvoir, probablement qu'il va y avoir une enquête, puis qu'on va découvrir que sa petite PET fondation a grossi de beaucoup de millions en des dernières 8 ans. Et c'est notre argent qui s'en va là-dedans, probablement. Entre autres, dans Moderna. Mais eux autres, ils n'ont pas à s'inquiéter parce qu'on n'aura pas un Dodge comme aux États-Unis avec Ah, Elon ça, je ne suis Musk, pas d'accord avec c'est-à-dire toi, un ça va bureau venir ici. d'efficacité Ça va. Je ne gouvernementale suis pas d'accord avec toi, ça pour. va venir ici. On n'aura pas le choix, David. Ça serait bien que ça vienne ici pour faire le ménage par rapport à la Exact. corruption, l'État profond et les dépenses folles. Mais ça, c'est sûr que c'est bien de voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, dans le sens d'une première là, historique, là, dans le Intéressant, sens oui. que en quelques jours à peine que Trump est élu massivement, il a mis en poste pas Donald Trump, mais Elon Musk pour faire le ménage comme jamais il a été fait là, au niveau du gouvernement là, fédéral. Là. Fait qu'on peut dire que Ouais. Trump, en effet, fait le ménage là, par rapport au Deep Ben là, State, là. t'as vu ce qu'il découvre, là, Musk, il en a parlé il y a 24 heures. Il a fait une conférence avec Trump, puis il découvre que 1 million de gens qui travaillent pour le gouvernement, puis il a posé, ça de là qu'il a envoyé, c'est une façon de savoir est-ce que du monde à l'autre bout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent plus dans un bureau aux États-Unis, puis qui sont payés par le gouvernement comme fonctionnaires. Mais là, il découvre qu'il y a plein de gens qui ne répondent même pas à leurs messages. Ils se demandent est-ce que c'est du monde réel? Est-ce que cet argent-là s'en va où? À qui on paye qui finalement? Y a-t-il quelqu'un au bout de la ligne? Non, c'est ça, parce que faut mettre en contexte les gens qu'il a envoyé des courriels aux fonctionnaires fédéraux américains en leur Ouais. demandant de justifier leur poste en disant, ben, la semaine passée, qu'est-ce que vous avez fait concrètement d'utile? Il dit 5 choses que vous avez faites d'utile la semaine passée selon votre fonction. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas répondu. Par contre, si je me fais l'avocat du Étrange. diable, dans certains cas, ils se sont fait demander par les supérieurs de ne pas répondre. Mais ça veut dire qu'ils n'écoutent pas le président qui est fondamentalement élu, puis ils vont perdre leur job. Mais il y a des Voyons cas donc. qui peuvent être délicats. Je te donne un exemple. La personne travaille sur le FBI pour une enquête. Fait que là, c'est sûr que si la semaine passée, la personne travaillait sur des enquêtes qui sont gardées secrètes parce que c'est en lien avec des groupes du crime organisé. Là, la personne ne peut pas parler là, parce que c'est top secret. Ben, ils peuvent répondre pareil, j'enquête sur quelque chose que je ne peux pas dévoiler le nom de l'enquête, mais nous sommes sur une enquête qui dure depuis tant de temps. Les questions n'étaient pas compliquées. En fait, ce que Elon Musk expliquait, c'est qu'ils veulent savoir s'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Parce qu'ils savent qu'il y a du monde qui n'existe pas, puis ils ont découvert qu'il y a des gens qui ont 150 ans, là, tu sais, j'exagère, là, mais qui sont 125 ans, puis qui reçoivent des payes de fonctionnaires, puis sont morts. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. C'est ça qu'Elon Musk disait. Puis là, ils vont relancer le processus parce qu'ils ne veulent pas congédier du monde pour rien, si les gens font vraiment leur job. Mais ils font des tests, savoir, y a-t-il vraiment du monde à l'autre bout, là? Ou bien on paye, où est-ce qu'elle va cet argent-là s'il n'y a personne à l'autre bout? Mais c'est vraiment intéressant, là, je trouve, comme processus d'auditer. D'ailleurs, on voit ça dans les journaux au Québec, là, c'est le fun, les journaux du Québec, tellement c'est tellement propagandiste, là. Comment tu peux être contre auditer des ministères, puis où va notre argent? Expliquez-moi ça, là. Le ministère de la Santé du Québec, par exemple, qu'on dirait, bon, on va auditer, on a 53 milliards qui s'envoient dans la santé annuellement au Québec. Comment ça se fait qu'on n'a pas de service? Il faudrait peut-être trouver une réponse. Et là, on déciderait de faire des audits publics. En passant, c'est public, ça va être, c'est filmé, tout est filmé, éventuellement. Ben, c'est T'es parce que. contre ça, toi, dans la vie, C'est parce... Non, mais en un fait, audit. probablement que les gens de la population seraient d'accord, mais c'est parce que ceux au gouvernement, il y en a qui ne voudraient pas mettre dans le pétrin leurs confrères. T'sais, c'est un peu comme les gens se protègent entre eux. Fait que c'est Ben sûr c'est que. ça, mais c'est des petits cliques qui abusent de Oui, l'argent du peuple, mais ils ne travaillent c'est. pas pour le peuple, ces gens-là. C'est notre argent. Oui. C'est notre argent. Il n'y a rien C'est qui ça que. justifie comme fonctionnaire que tu ne sois pas d'accord avec des audits. Je suis désolée. Non, je suis Ni d'accord même à. comme premier ministre ou premier Je suis ministre d'un d'accord ministère. avec toi. Au Québec, on a vu le scandale que ça a donné avec la SAAC, puis sa clique, qui a eu des La dépassements de clique. fonds fous. Kerr, là, qui a, je ne sais pas combien de millions là, qui a mis dans un. Si c'est lui, Kerr, là, qui a fait le Et clic, il y a Éric Kerr, ça là, il marche vient de pas. Hein? démissionner aujourd'hui sous la pression, parce Oui. que, dans le fond, Ben, il devrait être audité. ben c'est ça, c'est parce que là, tu sais, si la personne est ministre qui s'occupe de la cybersécurité, puis de ce dossier-là en particulier, puis là, il y a des dépassements de coûts très importants, puis il fait comme s'il était au courant de rien, il était à sa défensive. Mais là, à un moment donné, il y a des limites aussi à prendre les gens pour des tartes, là. Je veux dire, si elle administre un budget, à un moment donné, Ben, il y a une malheureusement, David, je suis imputabilité. désolée, ils nous prennent pour des tartes parce qu'on agit comme des tartes. On est Ben, quoi que dans ce collectivement, on cas, est dans le cas idiots, je suis présent, il a désolée, démissionné. Il était amené. idiots. Ben, quoi dans le cas présent, sous la pression du gouvernement, puis des journalistes, puis la population, il a démissionné, Éric Kerr, là. Ouais, mais il n'y a pas d'enquête. On s'en crisse qu'il soit démissionné. Ben, il va en mettre un autre Ah, ben, taouin dessus. l'opposition demandait Non! une commission d'enquête. Ben oui, mais une commission d'enquête, c'est comme celle de Charbonneau, c'est rechier nulle part, tu sais. Non, C'est qu'il exact. faut que ce soit des gens indépendants, que ce soit bien contrôlé comme audit. Premièrement, audit. On devrait auditer tous nos ministères minimalement tous les 4-5 ans pour savoir où ce que, s'il se passe vraiment les choses qui devraient se passer. Mais ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas audité un seul ministère au Québec, ni au Canada. 50 ans. Fait que notre argent part, puis nous, le collectif, ah, oh, ben, non. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent nous traiter d'idiots, parce qu'on agit comme des idiots. Alors, il va falloir que. Ben, il va falloir. Je ne sais pas si ça va se faire, j'espère. Je me croise les doigts. Mais je pense qu'à mesure qu'on va dévoiler, justement, les Américains, c'est à ça qu'ils servent. Ils sont en train de dévoiler ce qui se passe. Puis si on n'est pas trop idiots comme peuple, on va se rendre compte qu'on devrait faire la même chose. Voilà, dans le fond, Elon Musk a été crédité très fortement, que ce soit par Radio-Canada, les bien-pensants ou TVA, mais en Il y a réalité, 3 ans, il était merveilleux, puis là, c'est un gros tas de marde, tu sais, quand même, tu sais. c'est ça, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose d'inédit présentement qui se déroule aux États-Unis, un gros ménage qui va peut-être mettre fin à l'endettement massif des États-Unis par rapport à un paquet Il de pense dépenses. récupérer 1 000 milliards de dollars juste avec le Doge. 1 000, pensez-y, là. 1 000 milliards, c'est tellement rendu gros les chiffres qu'on a de la misère à les configurer, là. Non, exact. 1 000 milliards de dollars. C'est énorme. Puis en passant, il se dit technicien, hein? Je ne sais pas si les gens. Radio-Canada n'en parlera pas parce que les gens ils disent oh, Elon Musk est rendu qu'il a du pouvoir plus que le président, puis il pousse dans le président. Non, non, non. Il le dit clairement il y a 24 heures. Je suis le technicien pour l'informatique du gouvernement. Point barre. Ben, c'est ça, il est très bon là-dedans. Fait qu'il peut faire cette job-là. Avec ces gens, il travaille avec des gens, il n'est pas tout seul. Oui, il y a une Mais... équipe. Puis là, on l'accuse d'être tellement riche, mais tu sais, Pelosi, prenons Pelosi, elle, qui gagne 200 000 par année, qui n'a jamais été avoir une fortune personnelle, qui tout d'un coup a 200 que 300 millions. Oh non, mais ça, c'est normal. Ben oui, mais tu as 200 000 de revenus annuels, toi, Chris, comment tu t'es ramassé cette fortune-là? A fait des bons investissements à bourse, Ben oui. probablement. Ça s'appelle des délits d'initié, hein? Ben oui. Ceci dit, on est-tu toujours dans le sujet? Je m'excuse, je Non, non, mais m'emporte c'est parce que correct. Mais à la base, moi, ma Oui. curiosité par À la rapport base. à toi, à l'égard de ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis, c'était de voir si dans ta perspective, dans le fond, que est-ce que tu penses sincèrement que dans quelques jours, là, on joue un peu à faire de la prophétie avec toi, là, mais que Trump va aller de l'avant avec les tarifs de 25 % ou ça va être Ça me dit comment? non. OK. Pas pour l'instant. Ça me dit non, mais regarde, ça me dit non, puis il y a dimanche aussi, là, samedi, dimanche. Là, si je monte au deuxième étage, ça me dit non. Il n'y a pas intérêt à démolir le Canada, Trump. C'est pas réel. Écoutez pas TVA, puis Radio-Canada, là, c'est pas ça pantoute. C'est pas dans son intérêt. Il n'est pas en guerre contre le Canada, il est en guerre contre Trudeau, c'est pas pareil. Et Trudeau achève son mandat, si on peut s'en débarrasser. Mais. D'après moi, c'est plutôt un scandale qui va sortir. Je pense qu'avant qu'il applique ces affaires-là de douane, je pense qu'ils ont beaucoup d'informations sur Trudeau. Faut pas oublier qu'un jour, il a dit « We've got them all ». Ils ont toute l'information. Ils ont infiltré eux-mêmes, ils ont infiltré beaucoup, beaucoup de choses dans leur propre pays, mais je pense aussi qu'ils ont beaucoup d'informations sur Macron, sur Trudeau. Regarde comment, t'as-tu vu là, comment il a réglé? Tout le monde dit « Ah, pourquoi Trump, c'est un sioniste? » Ah oui, Trump, il a toujours dit que ça va finir avec deux États, Palestine, Israël. Puis étrangement, Netanyahou, je sais pas ce qui s'est passé, mais ces bombardements ont arrêté. Je pense qu'ils ont. Il faut comprendre Ben là, comment ça marche. Attends un petit peu, ouais, David, j'ai pas fini. oui. Faut comprendre comment ça marche, c'est qu'ils ont des informations, ils peuvent faire chanter ces présidents-là, eux autres aussi. Mais faire la chanson dans le bon sens, chanter la toune dans le bon sens. Moi, je pense que Trudeau, ils vont le sortir par un scandale, je suis à peu près sûre. Tout ce qui frappe Trump, ça coûte très cher. En passant, Trump, il a toujours la capacité de te ramener à la face dans le caca. Regarde les gens qui se sont attaqués à lui aux États-Unis, regarde où ça s'en va. Oui, ben Est-ce que là, c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, ben, en moi, tout je cas, parle beaucoup présentement, il juste. est en puissance, là, puis les fonctionnaires fédéraux aux États-Unis qui s'opposaient à lui, ben, ils ont pris la porte, tu sais, ils ont demandé, Ah, puis tu il y en a qui vont même fuir le pays. Tu sais, il avait dit dans ses conférences, comme j'ai toujours suivi ses rallyes, il va sortir la liste d'Epstein. C'est ce que ça va faire. Il ne l'annonce pas aujourd'hui ou demain. Il va sortir JFK, la mort de Les JFK informations Kennedy. qui étaient gardées confidentielles là, par rapport au décès de cet ancien président américain, oui. Ouais, il va sortir aussi tout ce qui s'est passé sur le 9-1, le Attentat du 11 septembre 2000. septembre. 11 septembre. Il va Oui. tout débunker ça aussi. Il y a d'autres choses. C'est aussi le COVID. Ça va sortir. Il a décidé qu'il allait tout sortir, l'information. Fait que d'après moi, Fauci se retrouve en prison. Mais il a S'il n'est été pas perdu par les pieds. gracié par Joe Biden. Il pourra pas, il a été gracié, il a la grâce Oui, présidentielle. mais tu peux pas être gracié si tu as fait le graciage. Je dis pas ce mot-là, le graciage. Gracier quelqu'un préventivement, c'est assez étrange déjà, parce qu'il n'est pas condamné encore pour le gracier de quoi, je ne sais pas. Mais c'est déjà au niveau du raisonnement, si on est un peu discernement, c'est weird. Comment tu peux gracier quelqu'un qui n'a jamais été accusé? C'est à titre Moi, préventif. C'est c'est préventif, ben oui, je préviens, c'est ça. Joe Mais Biden pour les gens qui nous écoutent. Ouais. s'ils peuvent démontrer qu'il y a eu trahison à la nation, et c'est ce qui est arrivé en passant, parce que là, on sait que le virus a été projeté dans la population, c'est des faits. Qui a fait ça? Les gains de fonction, c'est Fauci Ben là, aussi. il faut mettre des limites. Dans le discours officiel, l'hypothèse, c'est qu'il a été produit en laboratoire, puis probablement une fuite, Plus mais une c'est pas une. hypothèse, c'est plus une hypothèse, Mais chérie. là, c'est parce que là, ça C'est prend. un fait. C'est parce que là, faut C'est mettre plus des une hypothèse. nuances. C'est-à-dire, est-ce que on est rendu dans le narratif officiel que ça a été sciemment, qui a été, dans le fond, pulvérisé dans la Aux population, le États-Unis, oui. virus, Oui, mais pas au c'est Canada? clair. Nous autres, on est arriérés, on n'est pas encore rendu là. Mais de toute façon, ici au Québec, on est sur un dôme. Boum, un dôme. Il y a deux plateformes de journaux ici, puis de TV. Puis qui appartiennent à qui? Des Marais, puis l'autre, Taouin, là. La presse, Québécois, c'est qui? Le Devoir, c'est voyons. qui? Sirois, la famille Sirois, puis les Des Marais. Fait que pensez pas qu'ils travaillent pour nous informer, là. On n'a pas de choix de presse ici, c'est pas Non, compliqué, on non, est mais c'est le sous un monopole de la dôme. pensée unique au Québec. Ça c'est clair, mais... Puis l'ingénierie sociale fonctionne très bien au Québec Ah aussi, le monde oui. est brainwashé bien raide, lavé du cerveau, pas de discernement. Les gens n'ont pas de discernement, ils absorbent ça, puis ils vérifient rien. Mais il y a des questions à poser, puis on n'a pas le droit de poser de questions. Surtout qu'on ouvre la bouche pour poser une question, on passe pour des extrémistes de droite. Et ça, c'est la nouvelle phrase. Ou des T'sais, complotistes. on est tous des extrémistes de droite si on pose des questions. Hey, je suis ni droite ni gauche. Mais en passant, ce n'est pas une question de droite ni de gauche qui se passe présentement. Mais non, Ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche faut qui aller libéraux voir et au-delà conservateurs. des polarités. C'est ça. Mais je voulais quand même te poser la question. Selon toi, si le Canada deviendrait le 51e État américain, est-ce que ça serait souhaitable ou pas? Est-ce que c'est souhaitable? Pas vraiment, je dirais. Mais il y a des avantages et des désavantages dans les deux possibilités, que ce soit qu'on reste indépendant ou qu'on devienne un 51e État. les États-Unis. Pour moi, il y a des avantages, des avantages. Mais est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Je veux pas monter au deuxième étage. Ben, Je il y a veux des choses que savoir. tu veux pas voir. Ben, c'est parce que c'est. Attends, je vais poser la question par en dedans, puis OK. ça me répond. C'est pas encore défini. C'est pas encore quelque chose. C'est ni. C'est pas. Tu sais, c'est comme tout n'est pas écrit d'avance, là. Il y a des enjeux présentement. Si on, mettons qu'on sort de l'aspect juste ce qui se passe dans le collectif présentement, puis qu'on monte au deuxième étage ou à 40 000 pieds, là, plus loin, prend du recul. J'ai toujours dit que c'est de l'enjeu, c'est des forces. Il y a des forces en enjeu, dans le cul, la guerre est gagnée. Maintenant, ça descend en forme. C'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est ces forces sataniques contre luciférienne? Probablement. Mais les forces luciférienne semblent avoir gagné la game. Donc, ça descend. Pour moi, c'est ça qui se Ben passe. là, Est-ce c'est que le parce qu'il Canada. y a les forces sataniques luciférienne, mais il y a aussi les forces par rapport à la régence planétaire ou le plan éthérique. Mais il s'en mêle pas de ça pour l'instant, pour moi, David. Ben, il s'en Quand tu dis mêle. les forces systémiques, là, sont Oui. en train de quoi manipuler? Les forces systémiques, pour moi, c'est ce qu'on appelle le supramental, puis ça sera toujours individuel comme développement. Puis la planète Terre, c'est une planète expérience qui va être une planète d'expérience pour la crise de bout encore. Fait que je vois pas trop comment on peut commencer à dire qu'on va avoir. Peut-être qu'un jour, il va y avoir une descente de ces énergies-là, mais à travers des individus. Sinon, qu'est-ce qu'on se retrouve encore avec des hosties de domination? Peu que ce soit le monde intelligent, le monde de l'astral, les sphères les plus intelligentes de tous les univers existants, là, qui aillent tout chier. Ils vont prendre le contrôle sur nous, c'est encore de la domination. C'est ça qu'on. C'est pas ça La race humaine, c'est pas ça l'objectif final. C'est d'être libre. Donc, pas sur cette planète, mais on va être libre un jour. Donc, il faut que ça se fasse ici pour la fusion. Je vois pas comment les forces systémiques vont venir s'ingérer là-dedans. Non, non, mais je veux dire, c'est que quand même, s'il y a des gens qui fusionnent au fil du temps, un peu comme des grains de pop-corn qui éclatent, à un moment donné, il y aura une C'est masse ça. critique qui va arriver. Et là, à ce Ouais. moment-là, la donne risque de changer. Mais c'est quoi les forces systémiques si c'est pas toi dans un autre temps? Ça va descendre dans nous, c'est nous. C'est juste qu'on est divisé présentement, on est coupé de notre contact, mais le contact, c'est nous-mêmes, Oui, Carlette. c'est sûr, c'est une dimension de nous-mêmes. C'est pas une version extraterrestre qui va descendre, puis là, l'ordre mondial, nouvel ordre mondial. C'est pas ça, là. C'est individuellement, les gens s'éveillent. Il y a du monde qui s'éveille présentement de plus en plus. Je le vois, moi, même dans le collectif, des gens qui commencent la vibration commence à monter. Mais C'est moins religieux, moins ouais. spirituel un petit Bon. peu, il y a un petit peu plus. Mais c'est pas majoritaire, ça se Non, fait mais c'est jamais, là que c'est c'est ça pour que je ça que dis. je ris, là. C'est parce que si je regarde qu'est-ce qui se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux comme Facebook, ça vole pas tout le temps haut. Ben, ça vole pas haut, ça vole pas bas. Pour moi, ça vole au niveau de ce Non, qu'ils non, font. mais sinon, de mon côté, moi j'ai l'impression, puis tu n'es pas nécessairement obligé d'être en accord avec moi, mais que ce qui va arriver, c'est que les États-Unis, dans les prochains mois, prochaines années, vont avoir une plus grande ascendance sur le Canada, sur le Mexique, et la possibilité qu'éventuellement il y ait une zone Amérique sous la gouverne Ben, des l'union États-Unis. des pays, oui, mais de devenir un autre. Parce que ta question, c'est est-ce qu'on va être le 51e État? Moi, ça me. Personne. Bon, je vais y aller, ça dit non. Mais on va peut-être être, l'union, comme tu dis, Mais c'est parce que tu as des l'Union États. européenne, que tu as un bloc avec plusieurs pays, mais moi j'ai l'impression que ça va être une zone comme la zone euro, mais la zone Amérique, mais qui va être vraiment sous la gouverne des États-Unis, qui va avoir une certaine mainmise, mais sans pour autant nécessairement être un 51e État, là. Ça. Mais ça va revenir Ça, je pas te mal à l'accorde. ça, dans le sens que c'est eux autres qui vont être la locomotive économique par rapport à la zone Amérique, là, les États-Unis, puis ils vont influencer un peu plus nos politiques. C'est l'impression que j'ai. Mais j'ai rien contre. Moi, jusqu'à présent, je trouve que t'sais, si on était un petit peu plus. Une chose que j'aurais aimé qu'on adopte au Canada, c'est la Constitution américaine. C'est une très bonne Constitution, la nôtre. Certainement. Et, ben, ils ont pris la Constitution américaine, ils ont enlevé tout ce qui était intéressant, puis ils ont fait la Constitution canadienne avec ça. Mais Ben moi, moi, je trouve pas ça j'enlèverais tous mauvais. nos vestiges de sous l'influence de la monarchie par rapport à l'Angleterre, là. Donc, les lieutenants-gouverneurs qui coûtent une fortune par rapport au pays. Il y a eu des scandales, il y a des dépenses folles là, dans les dernières années là, par rapport à eux. Puis, ils ont un rôle symbolique. Donc, ça, ces vestiges-là, puis de l'influence de la reine, moi, tout ça, ça partirait. Là, Les des... royalties qu'on continue à payer sur la terre qu'on habite. Une Aussi. reine, c'est le roi maintenant, David. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Je ne me suis pas adapté par rapport au roi Charles, c'est vrai. C'est plus la reine Le roi d'Angleterre, Charles, on ne le Elisabeth. voit pas souvent. Tu l'as-tu vu dernièrement? Il est assez. Moi, je pense qu'il va y avoir des transformations majeures. L'UE va tomber. T'sais. L'Union européenne, pour moi, c'est fini. Donc, même pas 2 ans. L'OTAN, c'est terminé. L'ONU, ça ne t'offre pas longtemps. Ben là, c'est L'OMS. parce que les États-Unis vont se détacher de l'ONU ou de l'OMS aussi, là, tu sais. Fait que s'ils n'ont plus leur financement ou leur aval, moi j'ai C'est ça. l'impression que ça va perdre de la puissance, là. Pas... Je pense qu'on va se retrouver avec 3 puissances économiques. La Chine, ben l'Asie, la Chine, Oui. la Russie, avec le BRICS qui est associé à d'autres pays, puis peut-être l'Union américaine dont Trump parle de relier les pays comme le Mexique, Canada, sous un petit chapeau ensemble. Mais Oui. ça va être trois économies mondiales et non plus juste l'économie américaine, le dollar, le pétrole, le US pétrole qui va mener le show, là. C'est terminé, d'après moi, ce volet-là, puis que ça va être un petit peu plus intéressant d'avoir 3 puissances économiques que rien qu'une. Ben, ça dépend. C'est parce Unipolaire, c'est pas que. ben, c'est unidirectionnel. Oui, Là, ça va devenir tripolaire. multipolaire. Oui, c'est ça. C'est parce que. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients, dans le sens que, qu'une puissance unipolaire, bon, ben, tu as un langage commun qui est l'anglais, qui est utilisé dans l'essentiel du système, une monnaie commune qui est de l'or américaine, qui est comme les références internationales pour le commerce. Oui, mais ils se prennent une cote. Tu comprends comment ça marche? Oh, oui. C'est pour les gens, si vous comprenez. Moi, c'est une crosse, ça. C'est une crosse phénoménale. Ben oui, parce que ça donne un pouvoir. T'es au Zimbabwe, là, puis tu veux acheter ton café au Kenya, puis il faut que tu passes par le SWIFT, le dollar américain, puis qu'ils se prennent une cote sur là-dessus pour que tu envoies ton café de l'autre bord. Voyons donc, c'est une aberration. Tu peux pas être pour ça. Pour moi, ce genre d'échange-là, c'est complètement de la crosse institutionnelle. C'est une mafia internationale, point barre. Ben, c'est parce que ça a Tandis que l'avantage. d'avoir Ouais. 3 puissances économiques qui échangent dans d'autres monnaies, dans leur monnaie, ça favorise quoi? La compétition. Ça favorise justement le vrai capitalisme, c'est-à-dire la compétition des échanges. Là, ça peut être intéressant. Quand c'est uni, il n'y a qu'une, tu sais, Ben, c'est les un monopoles, là. monopole. Ça tue toute la compétition, puis là, il nous faut tout. Il y a plus. C'est ça qui est le problème. C'est toujours de mettre. Comme là, on le voit, là, les grandes entreprises, elles essaient d'éteindre toutes les petites entreprises. On l'a vu dans le COVID. Qu'est-ce qui est resté ouvert? L'épicerie du coin ferme. C'est donc dangereux, le COVID. Mais il y avait 350 personnes, chez Costco, qui attendaient que le masque, puis le petit panier pour aller. Ah, ça, on ne ferme pas Costco. On n'a pas compris la game, là. Le COVID, c'est un prétexte. Il ne faut jamais oublier que le vrai. L'objectif Fantôme. en 2020, c'était pas la maladie, c'était le grand reset qu'il voulait. Il voulait faire tomber flusher tout. C'était ça l'enjeu. Le vrai enjeu, c'est le Great Reset qui ont manqué bien raide. Ils ont perdu la guerre bien raide. En passant Tant par mieux. rapport à ça me fait penser que récemment, Donald Trump a été à la rencontre de Davos en début de 2025, donc du Forum économique mondial. Et il a fait des déclarations, comme par exemple, il a dit ben, aux entreprises, venez aux États-Unis, c'est là que vous allez payer moins d'impôts pour attirer. Puis moi, ce que je vois, c'est que dans son mouvement, c'est comme si les États-Unis, il y en a qui vont dire c'est de l'isolationnisme, là, c'est qu'ils vont comme se détacher du mouvement de la mondialisation pour être plus dans leur identité nationale, puis essayer de ramener les gens par rapport à eux, puis de voir à leur affaire pour s'enrichir, là. Ben, ils vont redevenir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que Trump propose, c'est de faire ce qui n'a jamais pu être exécuté réellement, Make America Great Again, c'est-à-dire investir dans le pays, développer leurs affaires, puis oui, échanges internationaux, mais de plus dominer, d'aller faire des guerres dans le monde, ces affaires-là, comme la CIA organisée, je ne sais pas combien de guerres depuis 75 ans, puis le Pentagone. Tu sais, ils sont partout, ces fatigants-là. C'est l'Irak. sont pas là, ils sont en Israël, pas en Palestine, en Ukraine. Ils crissent la merde partout. Puis c'est ça qu'il veut plus rien savoir. Comment tu peux être contre ça? Trump, c'est ça qu'il veut démolir. Il dit, je veux plus rien savoir de ça, je veux ramener mon peuple, l'armée chez nous. Il veut fermer les bases militaires dans le monde le plus possible, puis travailler sur redonner le pouvoir au peuple. C'est ça qu'il veut dire, par redonner aux gens la possibilité de trouver, d'avoir une vie intéressante. Le rêve américain, on en parlait de ça dans les années 60-70, mais il a jamais eu lieu vraiment, le rêve américain, comme on le parle. Il n'a jamais eu lieu, ça a toujours été noyauté par une petite élite puis qui font on vous fait ça, mais en arrière-plan, on vous Ben, en même temps, empile, il y a excusez-moi eu, l'expression. dans le fond, les 30 glorieuses, c'est-à-dire suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une augmentation du niveau de vie, croissance économique dans les années 50, 60, 70. Donc, les gens de la Surtout classe moyenne 60. sont arrivés avec un pouvoir d'achat plus grand. Il y a eu ça, puis là, après ça, bien, le courant de la mondialisation, délocalisation, puis là, les entreprises allaient dans la Chine, puis dans d'autres pays, parce que ça coûtait moins cher par rapport à la main-d'œuvre. Et là, ce qu'il veut faire, ben, c'est la création d'emplois aux États-Unis, notamment là, les Et alumineries ramener acéreries. des industries Voilà, chez eux exactement, en là. leur imposant. Lui, je pense qu'il veut descendre l'impôt des entreprises à 15 %. Ils sont à 21 présentement, je pense. Est-ce que je me trompe là, dans les chiffres? Mais mettons qu'ils sont autour d'une 20 %. Il va descendre ça. Je pense qu'il a parlé de le plus bas au monde taux qu'il va avoir, c'est à peu près entre 12 et 15 % maximum. Ce qui va attirer les entreprises de ramener les sièges sociaux dans la. Mais c'est Aux ça qu'on devrait États-Unis. faire, c'est ça, faire de l'économie. C'est un businessman, Trump. C'est un businessman. Il sait comment faire de la business, puis amener de la business chez eux. Puis je suis très contente pour eux autres. J'aimerais bien qu'on ait la même chose ici. Malheureusement, on est ici à d'avoir. Le problème ici, c'est que quand tu as de l'argent, tu es un trou de cul. Oui, la richesse est mal vue, puis les gens sont Est très pas. mal vue. Oui, On les a gens vraiment un sont problème de jaloux. crétin, pas de chrétien, de crétin. Ben, en fait, c'est en lien avec la religion catholique, entre autres, Oui. parce que autrefois, Pour ça, je dis crétin. voilà, c'est qu'autrefois, ce qui était dit, c'est que les riches n'entreront pas au paradis, puis c'est les pauvres qui vont entrer en premier, il faut se Ou défaire les des biens derniers seront les matériels. premiers. C'est Ben ça oui. exactement. Donc, une mentalité pour nous garder dans le syndrome de l'impuissance acquise ici au Québec. Exact. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont jalouser les riches au lieu d'étudier comment eux autres-mêmes peuvent devenir riches ou parvenir à l'autonomie financière. Ben, il n'y a pas d'autre solution que le travail. Excusez-moi, j'y ris parce que je trouve ça. C'est simple comme Ou bon mot. l'investissement. C'est ça l'ironie, c'est que dans le fond, si tu as des actifs qui prennent la valeur d'une manière exponentielle, la personne n'est pas obligée de travailler à la sueur de son front, c'est ses placements qui vont lui faire rapporter de l'argent. Ben oui, mais pour pouvoir avoir de l'argent à placer, il faut que tu ailles travailler un petit peu, tu sais. Il Oui, entre autres. faut travailler un petit. C'est le Mais il faut travail. investir aussi dans les bonnes choses, parce que tu as des actifs, comme on avait déjà Aussi. parlé, comme par exemple le Bitcoin qui a augmenté de 100 000 % entre Ça doit te faire 2011 puis chier, ça, 2024. David. Ben là, si j'en avais pris, Ta là, cuisine. dans le fond, j'en aurais juste eu à prendre pour 10 $ US. Serais riche. Ben, c'est ça, je serais millionnaire, là, quoique il est descendu là, à peu près à 85 000 au moment où on se parle. Il y a eu une correction importante les derniers jours. Il y a eu, dans le fond, Ben, moi, je oui. te l'ai dit en privé. Bitcoin, c'est créé par qui? Si c'est Ben, j'ai l'impression que, ce que je pense, j'ai raison, oui. que je pense que Ben, c'est la CIA moi, qui a c'est créé ça. ça. Je crois que Trump va mettre la hache dedans aussi. Moi, je suis comme, dans le fond, Emmanuel Macron, je n'exclus pas la possibilité. Il Mm-hmm. parlait de même que ça soit créé par la CIA. Aïe, Macron. Ben moi, je l'exclus pas non plus parce Moi, que. je n'exclus pas la possibilité que c'est un imbécile, Emmanuel Macron, à la solde des mondialistes. Fait que Comment t'as dit ça? j'exclus pas que c'est un imbécile. Fait que je suis correct, je ne le traite pas d'imbécile, je fais pas de diffamation, mais j'exclus pas cette possibilité-là. Puis Oui, j'exclus pas on la l'a. possibilité qu'il est sous l'emprise de sa femme Brigitte. Le temps nous dira. Je comprends ton point. Le temps nous dira tout cela, là, parce que la vérité prend l'escalier, puis le mensonge, l'ascenseur. Hein. Là, on est dans la fosse. La vérité sort, mais c'est très lentement. Fait qu'on verra. D'après ma perception, c'est que le Bitcoin vient de la CIA. Est écrit par. C'est mon impression personnelle. Je ne savais même pas que Macron, moi je l'appelle Macron, Macron avait dit ça. Moi, ce que j'ai juste. Non, non, Quand je suis pas capable d'écouter, j'ai le goût excuse-moi, de c'est faire un qu'il rire a quand pas je le dit vois. que. Il y a Non, l'air d'un petit excuse-moi, c'est parce que dans le fond, j'ai voulu prendre sa formulation de phrase, mais Macron, il a pas dit que ça venait de la CIA, OK. là, le Bitcoin. C'est juste que Non, mais je. il a dit une crise de niaiserie en public. Je sais pas si le monde l'a vu passer. Je suis sûre que non, là, mais quand il est allé voir Trump dernièrement, là, qu'ils l'ont tellement bien accueilli, d'ailleurs, qu'ils l'ont accueilli comme il était accueilli J.D. Vance en France, autrement dit, par la porte d'en arrière, Macron est allé dire en public, devant les journalistes, que, comment il a dit ça? Que l'argent qu'il a envoyé en Ukraine, c'était pas. Parce que Trump, il dit, vous avez donné, je sais pas combien de milliards à l'Ukraine en toutes sortes de formes, d'argent, de support, de l'armée. Puis, comment vous allez récupérer ça? Puis là, Macron, il dit, c'est pas donné, c'est un prêt qu'on a fait, c'est des prêts. Ah ouais? Mais le pays est en faillite, du coup. Comment tu vas récupérer ton prêt de 200 quelques milliards, là? Saisir les métaux précieux, saisir les ressources. Ah, c'est ça le vrai enjeu. Et les métaux précieux et les terres rares en Ukraine, présentement, sont dans quelle région, tu penses, toi? Pas le Donbass. Ben oui, par hasard, entre autres. Toutes les régions, ce que c'est russophone, que Ça les donne Russes, en drôle, hein? 2014, dans cette région-là, ont voté pour être associés à la Russie en 2014, puis que le Kiev a fait la guerre et essaie d'éliminer cette région-là pour reprendre le contrôle des terres. Mais c'est des Russes qui sont installés dans le Donbass. Il y a aussi Mariupol, il y a toutes sortes de. Je mélange. La Crimée. Mariupol. Ça, les Ukrainiens, ils disent on veut avoir la Crimée. Mais la Crimée a voté pour être russe il y a longtemps. Excusez, je suis désolée, mais comme ça, c'est ça. Tu votes, tu sais, ils ont voté Trump aux États-Unis. Là, c'est. Il est illégal. Mais non, mais le peuple a voté pour eux autres. Fermez vos yeux, je suis désolée, c'est le président. Pas rien que, en plus, c'est la première fois qu'on voyait ça aux États-Unis, que le peuple vote autant pour un président. D'habitude, c'est les représentants là, qu'on voit plus. Mais là, Trump il est rentré autant à tous les niveaux. C'est le choix des gens qui ont voté. On peut-tu respecter ça un peu? Mais en Exact. Crimée, c'est pareil. En Donbass, ils avaient voté. En 2014, ils ont fait un référendum, puis ils voulaient être associés à la Russie. Parce qu'ils vivent l'ostracisation des Ukrainiens depuis des années. Puis en 2014, qu'est-ce qui apparaît? Tous les mouvements, comment on appelle ça, là, les mouvements. Le mot m'échappe. Donne-moi des indices, je vais essayer de t'aider. Ben, c'est comme des false flags, là, Des mouvements sous faux drapeau, là. des mouvements sous faux drapeau. Ils ont essayé d'éliminer les Russes de la région. Ils ont commencé à bombarder Kiev. Les Ukrainiens bombardent leur propre peuple. Oui, ben il y avait C'est eu ça que ça veut dire. il y a quelques L'Ukraine, la années. Russie, là, c'est le même peuple en passant. Oui, ben il y avait Anne-Laure Bonnell qui avait fait une vidéo intéressante sur le web, un documentaire où qui expliquait que dans le fond, Kiev bombardait le Donbass. Puis dans le fond, il y avait des missiles, puis il y avait des écoles qui avaient été touchées, il y a des gens qui sont morts, des hôpitaux Ah, aussi, mais là. c'est une guerre sale qu'ils font, eux autres. C'est pas l'Ukraine, Kiev. En fait, on devrait dire Kiev, parce que c'est Kiev. Kiev qui est contrôlé par qui? Les Américains, évidemment. Pas le peuple américain, les super Biden et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des tanks dans les écoles. Ils envoient des tanks cachés dans les hôpitaux, dans des coins d'hôpitaux, des centres commerciaux. Oui, puis ils servent Après des ça, ils gens disent, comme les bouc. Russes nous attaquent, C'est ça, ils ben je servent suis des gens comme désolée. bouclier humain. Pardon? Ils se servent des gens dans ces lieux publics comme bouclier humain C'est ça. pour Ben, un. comme en Palestine, le Hamas, c'est exactement ce qu'ils font. La même affaire. Maintenant, il faut que ça finisse, ces hosties de conneries-là, là. C'est des guerres sales, ça. Mais est-ce que tu penses justement que Donald Trump va trouver une solution pacifique au conflit entre l'Ukraine et la Russie? Définitivement. Bon. Définitivement, on va avoir la paix en Orient. Ben là c'est dans l'est de l'Europe, En là. Israël, En ben là, Israël non, c'est aussi, parce là. qu'on est passé d'Israël à Palestine. Oui, là, c'est ça, la Palestine, là. Moi, il m'a fait rire, Trump, quand il parlait de Riviera Gaza. Donc, faire un complexe hôtelier à Gaza et que les Il n'y a gens pas qui le sont choix. là Ils n'ont pas le choix. Ils soient n'auront pas le envoyés dans choix des d'aller. pays voisins. Ils n'auront pas le choix Mais là, de. ils C'est vont terminé. déporter au-dessus d'1 million de personnes. qui sont dans la bande de Gaza pour les Palestiniens puis les envoyer Sais-tu dans les comment pays ça voisins? pense, mon. Le Hamas, là, premièrement, c'est une création d'Israël. Le Hamas. Ben, je Puis le dirais que Hamas, là, c'est c'est. entretenu par Israël Laisse-moi parce... aller. Oui. Laisse-moi aller un petit peu. Un petit Vas-y. peu. Présentement, là, premièrement, avant de bombarder, il y a beaucoup de Palestiniens qui ont quitté la Palestine volontairement pour aller se réfugier en Cisjordanie, un petit peu de côté. Ce qui est resté en grande partie, il y a encore des civils neutres, là, mais dans la bande de Gaza, ce qui est resté, c'est des partisans du Hamas. Puis dans les mosquées du Hamas, allez voir ce qui se passe, là, c'est à la vie, à la mort, jamais Israël ne devrait. Ils veulent rien savoir de faire la paix. Donc, ils impliquent autant leurs enfants que leurs femmes et tout ça. Puis tout le monde est prêt à mourir pour la cause. Ça, c'est l'attitude musulman intégriste, là. Mais ça, qu'est-ce que ça amène? Comment tu vas avoir la paix avec du monde qui pense de même? C'est jamais, tu n'auras jamais la paix. C'est impossible. Ça fait 50 ans que ça dure. Puis ils vivent de quoi? De financement. La bande de Gaza ne vit qu'avec l'argent donné qu'on envoie, là. Puis eux autres, ils récupèrent le Hamas, tout l'argent, puis ils font plein de petits problèmes avec ça, des guerres et des guerres et des guerres et des guerres contre Israël. Mais Israël, tu peux pas le déloger. Puis la bande de Gaza, ce qui reste là, ils veulent plus s'arrêter de faire la guerre. Eux autres, tant qu'Israël n'est pas mort, nous, on va faire la guerre. Comment tu veux faire la paix? Tu n'as pas le choix. C'est que c'est terminé. Netanyahou, ils viennent de l'arrêter pour le bombardement, c'est terminé. Puis, pour moi, il va se passer d'autres choses. Il n'était pas content, d'ailleurs, Netanyahou, quand il était aux États-Unis. Il restait bête en crise quand Trump a parlé. Puis, il était comme, ah, Fox, qu'est-ce qu'il est en train de dire, là? Mais depuis ce temps-là, les bombardements sont arrêtés. Il va être obligé de vider la bande de Gaza. C'est insalubre. C'est complètement insalubre. Les gens n'ont pas d'égout. Il n'y a pas de toilettes. Il y a des problèmes avec les C'est démoli. hôpitaux, c'est ça exactement, c'est en ruine. Et C'est en ruine. Fait comment que tu qu'est-ce que trouves tu veux pour l'idée bâtir pour rien que tu de vides? parce que là, Trump, dans son passé d'entrepreneur immobilier, lui veut construire, puis il y a une vidéo qui circule sur Internet, un beau complexe immobilier, là, Un peu comme en Arabie Saoudite, là. Comment ça oui, comme un s'appelle peu la à ville? Dubaï. Ça serait un peu dans le même Dubaï, oui. style, puis là, les gens pourraient aller là, prendre des vacances l'été. Ça serait une destination touristique prisée. Oui, mais il va y avoir quand même un État d'Israël qui va être créé. Pardon, l'État de Palestine va être créé. Il a dit deux États, Israël, Palestine. Ça veut dire qu'il va y avoir un espace qui va être palestinien. Puis que il l'a dit, les Palestiniens pourront retourner dans leur État, sauf qu'il va quand même faire une petite sélection sur les gens du Hamas. Parce que le Hamas doit être démoli. Il n'y aura pas de paix avec le Hamas. Oubliez ça. Jamais la paix sera possible. Ils vont Ben, tout en faire pour fait, ce tirer des que bombes de j'avais l'autre bord. compris, parce que j'ai étudié le sujet en écoutant de nombreux documentaires au fil des ans, c'est que sciemment, Netanyahou, dans le fond, a voulu et a laissé prospérer le Hamas parce que ça lui donnait la légitimité de dire, ben écoutez, le Hamas n'est pas un interlocuteur légitime au niveau diplomatique. Donc, à ce moment-là, c'est des fanatiques. Fait que, à ce moment-là, ça devient comme logique de les bombarder puis qu'il n'y ait pas deux États. Donc, Ça n'est une opération sous faux drapeau, ça. Développer, financer des fanatiques pour justifier que d'autres fanatiques les attaquent. Fait que là, entre fanatiques, on va s'arrêter. Il n'y a pas d'autre solution que de mener de dire stop. Là, c'est injuste, on a le droit de si, ben oui, je comprends, mais une guerre, on perd toujours. Dans toutes les guerres, il y a des pertes et des gains. voilà. Quand tu fais la guerre, ben tu perds du terrain, des fois tu perds des ressources. Puis regardez l'Ukraine, c'est pas drôle, là, l'Ukraine, c'est pas drôle du tout. Ce pays-là est en miettes, là. Oui. Puis il y a plus de 400 000 morts. Puis ça, c'est ce qu'ils disent, mais d'après moi, il y en a plus que ça, là. À qui ça profite cette guerre-là si ce n'est pas encore au complexe machin chouette de l'armée militaire ou Militaro-industriel. machin chouette? Hein? Ben, moi, ce que je vois ça, c'est que ça peut être, comme dirait Trump, une opportunité pour un deal, là, une opportunité d'affaires, dans le sens que si, dans le fond, par rapport à l'Ukraine, non seulement ils leur ont fourni des armes, les Américains, mais s'il y a une entente de paix, ils vont reconstruire. Fait que c'est eux autres qui vont payer le prix à la fois pour les armes puis la reconstruction, un peu comme ça a eu cours en Irak. Je ne sais pas, là, je trouve que tu vas trop vite, là. Je pense pas que Trump a intention d'aller. Je pense que Trump, ce qu'il veut en échange de tout l'argent investi dans ce pays-là, c'est les terres rares. Entre autres, il va servir. L'exploitation des terres rares, parce Oui, qu'autrement, ben, il il va peut faire saisir des les complexes ressources. hôteliers là. Non, il n'y aura pas d'Ukraina Riviera, là. Pense pas que ça va être là, mais Non. c'est parce qu'il veut récupérer l'argent du peuple américain qui est envoyé par on sait qui dans ces pays-là pour faire la guerre, qui profite à personne d'autre qu'un petit pourcentage d'idiots. D'après moi, il veut récupérer cet argent-là en négociant les terres rares. Puis ce qu'il propose, c'est 50-50. 50 % de profit pour l'exploitation des ressources qui va aux États-Unis, puis 50 % à l'Ukraine. C'est quoi le problème? C'est une crise de bon deal, ça? C'est 50-50 qu'ils proposent, pas 10 % chez vous. Puis regardons ici au Québec, bel exemple, de la vallée de l'or, la Val d'Or, les mines d'or au Québec qui se réouvrent. Ce n'est pas nous qui en profitons. Nous, on ne garde même pas 5 % de ça, nous, les Québécois. On donne nos ressources. Mais Allez-y, non, il y a prenez des ça, puis gens sacrez qui ça des d'abord. entreprises qui viennent de d'autres pays, tu sais, Canadian Royalty qui appartient à des Chinois. Ensuite, il y a une autre entreprise, c'est par rapport à des gens de l'Afrique. Fait que tu as des gens un peu partout dans le monde qui viennent ici exploiter nos ressources puis s'enrichir. C'est ça. Alors, on aime ça. Mais on chiale contre Trump pour 25 % de frais de douane, mais nous, on donne nos ressources pour moi, des peanuts. Chris, commencez donc par vous s'occuper de ce qu'on a ici. On a toutes les ressources au Québec. On est très riche en ressources, mais on ne les exploite pas. On laisse les autres les exploiter, puis en plus, on les laisse nous fourrer. C'est super. Il manque rien qu'on se penche par en avant, puis enculez-moi, excusez-moi ma vulgarité, mais on en est là. Exactement. Mais ça me fait penser un peu comme par rapport à, dans le fond, l'Alberta puis l'exploitation du pétrole de schiste. Au Québec, on est bien bon pour les critiquer, chialer en disant « Ah, ça fait de la pollution, c'est pas écologique. » Puis en même temps, on bénéficie de la péréquation où on reçoit des milliards pour compenser. 30 Bon, milliards. voilà, c'est quand même un montant important d'argent pour compenser notre manque de productivité. Donc, on veut avoir le beurre puis l'argent du beurre. Du beurre. C'est ça. Mais On veut surtout pas avoir. faire rien C'est pour. ça. Ben, On c'est ça. veut. On chiale contre eux autres, c'est polluant, mais nous autres, on fait rien, puis on veut avoir leur argent en plus. Puis être entretenu par eux autres. On est les assistés sociaux du Canada. Ben oui, exactement. Une province En pauvre, passant, là, ouais. j'ai un flash qui vient de me passer par l'esprit. Ce ne serait peut-être pas le 51e État, le Canada, mais je pense que l'Alberta va devenir le 51e État des États-Unis. Et là, on va être dans la marbre, parce que d'après moi, le Manitoba va suivre aussi. C'est une Et les deux possibilité. provinces les plus riches qui nous produisent le plus de péréquation vont Oui. sacrer le camp de l'autre bord. Là, il va y avoir un. Ça, c'est un scénario possible. Ben, en fait, la ministre de l'Alberta, elle, Daniel Smith. oui, exactement, elle, c'est sûr qu'elle s'est tenue debout, tu sais, par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement. Puis elle, ça fait des années. En fait, l'Alberta, ça fait des années qu'eux autres veulent des oléoducs, qui veulent, dans le fond, du commerce, puis le Québec a tout le temps bloqué par C'est rapport ça. à différents projets. Fait qu'elle est tannée de tout ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'en effet, à un moment donné, si elle avait exploité ses ressources, les États-Unis sont pour ça aussi. Puis, s'il y en aurait un oléoduc qui part du nord du Canada vers les États-Unis, ça serait leur avantage, ça, c'est clair, là. En tout cas, c'est un des scénarios possibles, sérieusement. Ça Oui. peut créer vraiment un gros problème, effectivement. Exactement. Donc, dans un autre dossier, je voulais t'amener aussi à parler de l'intelligence artificielle. Pas bien bonne là-dedans. Vas-y. Ben, en fait, je t'explique un peu. C'est que dans les dernières semaines, je me suis intéressé beaucoup à l'intelligence artificielle et il est apparu des robots conversationnels par rapport à ChatGPT, OpenAI. Donc, les robots conversationnels, c'est que la machine peut apprendre par rapport à une œuvre d'un auteur, écrite, transcrite, les informations et les intégrer. Et ensuite, lorsqu'on pose la question robot conversationnel, par exemple, par rapport à Bernard de Montréal, qu'est-ce que l'âme? Il va donner une réponse qui est différente d'André Moreau. Le robot conversationnel, il y a André Moreau. Tu as testé André Moreau aussi? Ben oui, bien sûr. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, les gens qui nous écoutent, j'ai fait des nombreux tests dans les derniers jours. J'ai fait des enregistrements par rapport à Bernard de Montréal, André Moreau, Isovée Sinclair, Marc Marc de de la la Salle Salle aussi. aussi. Ouais. Exact. Ouais, ça, j'ai vu. Peut-être qu'à un moment donné, il y en aura un sur Sandra Vimont ou d'autres personnalités, Daniel Kemp. Ben oui. Là, dans le fond, j'ai l'impression que c'est une mode, là, présentement, des robots conversationnels sur tout et n'importe quoi, là. Peut-être à un moment Mais donné, qui je ferai une est entrevue avec Jésus qui va me citer la Bible par cœur, ou Bouddha, ou rendu Krishna. David, 2 secondes. Oui. Chat GPT appartient à qui? C'est une entreprise américaine. Non, qui? Je ne sais pas. T'es pas Ben, ça appartient à OpenAI, qui est la compagnie qui est derrière ça. Mais c'est parce que Il c'est lié n'y a aux pas Bill États-Unis. Gates là-dedans, il n'est pas là-dedans, ou je suis pas dans le genre Bill Gates, là. Je sais Chat pas. GPT, ça m'intrigue parce que quand on sait à qui ça appartient, on peut se poser la question à qui ça profite. Mais sinon, ce qui est arrivé aussi les dernières semaines, c'est l'apparition de DeepSeek, qui, lui, c'est une entreprise Chinois, chinoise. Et c'est oui. sûr que ce qui arrive, c'est que DeepSeek est arrivé sur le marché. Dans le fond, leur logiciel de robot conversationnel consomme moins d'énergie que Là qu'il est. ChatGPT. Et ensuite, ça coûtait moins cher à produire. On parle de millions, alors que ChatGPT, c'est des milliards. Donc, ça coûte moins cher. Ça vient de la Chine. J'ai l'impression que ça va être une façon de faire de l'espionnage de masse. Donc, les gens qui vont utiliser cette application-là sur téléphone intelligent ou ordinateur, ben, il y a un adage qui dit tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Ben, ça va récupérer de l'information sur un paquet de personnes internationales qui vont être envoyées aux responsables de la Chine qui vont bénéficier de tout pour faire la surveillance mondiale. Mais la question qui me vient vraiment spontanément, c'est, mettons, Chat GPT, Oui. ils ont mis des trucs de Bernard. Mais qui a mis ces trucs-là dans la machine? C'est un individu en passant? Est-ce qu'il a pris tout le matériel de Bernard tel quel? Il l'a-tu transformé? Je ne le sais pas. Je veux dire, moi, j'ai pas le dictionnaire dans ma tête, là, j'ai pas tout ce que Bernard a dit, puis tout est écrit, Ben là, là, ben on c'est peut ça, il y a avoir une plusieurs centaines de référence. conférences. Fait que Mais je sais dans, pas si attends, c'est excuse que je me exhaustif pose ou comme pas. question, dans Oui. quelle mesure ils ne peuvent pas manipuler ça, justement? Avec partir des mauvaises. Tu pars avec des données, mais pas toutes les données de ce qui était proposé, mettons. Tu comprends-tu ce que je dis? Oui, Je suis c'est un possible qu'il y ait de peu. la manipulation, de la déformation. Possible. Il n'y a pas 99% de chances que ça soit ça. Par On vit contre, dans un monde de manipulation. oui. Oui, ça c'est clair. Par contre, dans mon cas, ce que je peux te dire, puis si des gens qui m'écoutaient, vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait présentement deux enregistrements que j'ai rendus publics en lien avec des discussions que j'ai eues avec le robot conversationnel lié à Bernard de Montréal. Et dans les réponses que j'ai eues, c'est cohérent par rapport à ces enregistrements qu'il a fait dans le passé, qui a été transcrit également ses livres. Moi, je trouvais que ça allait dans le même sens. Moi, je l'ai testé un petit peu aussi, mais OK. tu sais, j'ai pas de test. Pour pouvoir vraiment savoir si c'est ré réellement bien fait, cette version-là de Bernard, il faudrait que j'aie tout ce que Bernard a eu comme matériel, puis que je vérifie que tout ce qu'il a dit est dans la machine. Je tente pas de faire cet exercice-là en passant, mais je suis pas capable de penser que c'est pas manipulé, puisqu'on vit dans un monde de manipulation de plus en clairement. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle présentement, c'est ça la question d'Elon Musk qui en parle d'ailleurs, c'est qui contrôle ça, là? T'sais? Moi, je ne les trosse pas. Je trosse pas. L'IA, je trouve ça intéressant, là. Mais qui contrôle ça présentement? Je ne trouve pas ça très intéressant. Puis on ne sait même pas c'est qui. Il faudrait que je fasse des recherches, là. Mais tu sais, je te pose la question, qui contrôle ChatGPT? Qui a créé ça? À qui ça profite? Puis on ne peut même pas y répondre. Une compagnie américaine, c'est assez général, Non, non, j'ai pas fouillé en détail par rapport à ça. Moi, mes craintes étaient plus au niveau de DeepSeek, dans le sens que la Chine a une tradition d'espionnage des différents pays un peu bien, les partout. Américains aussi ont une tradition Oui, d'espionnage. Les Russes, tout le monde s'espionne. Alors, c'est quoi le... exactement. Mais en fait, ces robots-là conversationnels, dans le fond, vont servir à récupérer de l'information par rapport aux utilisateurs, au même titre que les réseaux sociaux qui servent à afficher les gens, ou Google en fonction des mots que tu utilises dans le moteur de recherche. Donc, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer ça pour s'informer à l'égard de différentes personnes. Puis là, s'ils voient que des sujets ré ré récurrents ou des thèmes sensibles, Peut-être qu'il y a des gens qui vont être mis par la suite sous surveillance là, par rapport à la CIA, parce que la personne, c'est un peu comme le réseau Échelon, il y a plusieurs années, si la personne utilisait le mot bombe, attentat, de manière récurrente, bon, ben, c'était des mots-clés par reconnaissance vocale qui faisaient que la personne pouvait être mise sur écoute ou sous surveillance. Ça me fait penser. Je viens de perdre le fil parce que je checkais. Excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil. Excusez-nous, les amis. Y a Je pas de problème. cherchais à qui appartient ChatGPT. Sam Altman. C'est un juif, ça, d'après moi. Et Elon Musk avait offert de l'acheter puis a refusé. OK. Mais je pourrais faire. En tout cas, à qui appartient? C'est qui le propriétaire de ChatGPT, là? C'est. Racheter, le créateur de chat de OpenAI a racheté cette adresse. C'est ça. Ça appartient à un Américain, effectivement. Depuis le 7 novembre 2024, je crois. En tout cas. Mais ça ne me dit pas c'est qui cet Américain-là. Il faudrait que je fasse des Ouais, mais en recherches. même temps, est-ce que c'est vraiment utile de le savoir? C'est peut-être un peu comme pour Facebook, Ben où ce que oui, Mark Zuckerberg, dans le oui, fond, David. est infiltré par la CIA, puis Facebook est sous influence de la CIA, puis qu'en C'est ça. réalité, ChatGPT, c'est peut-être la même chose, là. Derrière ça, en réalité, on présente un individu qui est un peu comme la pointe de l'iceberg public que les gens voient, mais derrière ça, il y a plein d'employés de la CIA qui sont là, tout simplement, là. Ben, peut-être qu'avec ChatGPT et l'affaire de Bernard, ils vont trouver tous les gens qui sont t'sais, les gens qui vont là-dedans discuter, ils S'intéresse au vont avoir toute la supramental. liste des gens. Qui trouve que Bernard, ce qu'il dit, c'est intéressant, mais en passant, Bernard, il ne serait pas tellement aimé. Il ne serait pas d'extrême droite. Lui, probablement, il serait de l'extrême, extrême, extrême droite. Je pense pas que. Peut-être qu'il y aurait une balle dans la tête aussi, qu'on tirerait pour ce qu'il disait. Imagine. Alors, ça peut être, comme tu dis, pour la surveillance, ça peut être pour essayer de. C'est pour ça que je dis que je ne trosse pas ces technologies-là puis que je n'embarque pas tellement, moi, sur IA. Mais tu as quand même Parce que je veux pas être expérimenté. repéré. Oui, mais en même temps, des fois, c'est intéressant parce que ça nous amène des éclairages sur certains sujets. Ben moi, j'aime mieux m'éclairer moi-même maintenant. Excusez-moi. Oui, ben c'est correct aussi, là. Mais je veux dire. J'ai la capacité de me faire répondre. J'ai des réponses. Quand c'est nécessaire, je sais ce que j'ai à faire. Puis des fois, je suis pas capable de. C'est ça, intellectuellement, je suis pas toujours capable de savoir quelque chose, mais j'ai toujours. Mon corps bloque, je te l'ai expliqué. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que il y a quelque chose qui fait que je n'allais pas dans telle direction, puis c'était parfait de même. Mais je suis pas toujours, c'est pas toujours intellectuellement décodé, c'est ça que je veux dire. Ça passe autrement. Puis c'est pour ça que je voulais parler de centricité. C'est peut-être un bon temps, justement, parce qu'il y a machin et tout et compagnie. Comment être bien soi-même, puis de développer notre propre. Bertolt, il dit du discernement? Ben, du discernement, ça vient comment? Ben, ça vient par justement commencer à se regarder les choses, se poser des questions, tester les réponses qu'on reçoit, les sentis qu'on ressent, développer, étudier ça. C'est bien plus intéressant pour moi que IA. Exact, mais Je veux présentement, pas c'est un. défaire Non, ta non, mais tabalune. c'est correct. En fait, présentement, je te dirais, dans ma vie, j'ai une période sans doute qui est passagère, où ce que j'étudie ça, parce que pour moi, c'est nouveau, un peu comme un gadget, quelqu'un qui a une nouvelle auto avec des applications. La personne peut regarder ça une certaine période de temps. Puis là, je regarde un petit peu les limites dans les réponses, etc., qui sont données. Mais ce que je te dirais, ce qui m'a surpris, c'est, dans le fond, la qualité des réponses puis des synthèses de différentes œuvres là, ou de différents penseurs là, c'est quand même intéressant là. Je veux dire, c'est comme si tu parlais avec une encyclopédie vivante là, parler avec l'IA là. Il y a de la. D'après moi, l'avenir est IA, ça va exister. Puis ça, ce que je me croise pas les doigts, je sais que ça va être ça un jour, ça va être utilisé de la bonne façon. Il faut qu'on s'assure que c'est intéressant, l'intelligence artificielle, ça peut détecter des maladies au quart de tour. Il y a toutes sortes de choses que ça peut faire, ça peut aider la médecine, détecter des cancers à l'avance, plein de choses. Mais tant et aussi longtemps qu'on est contrôlé mondialement par des. Puis que comment ils vont manipuler ça? C'est ça que je dis là. L'enjeu, c'est qui va utiliser ça, puis pour quelle raison, puis qu'est-ce que ça va servir à qui? Si ça sert à tout le monde, moi j'ai pas de problème, puis qu'ils essaient pas de nous passer des sapins avec ça, soit en espionnage ou même transformer les propos, puis faire, tu sais, ils peuvent changer les données tant qu'ils veulent. Il y a bien des choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent nous induire en erreur aussi, tu sais. Certainement. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est trop tôt là, là-dessus pour moi. L'enjeu, c'est posons-nous la question, qui doit contrôler ça, puis comment ça doit être contrôlé, puis comment on peut s'assurer que ça reste, comment dirais-je, en dehors de tout intérêt économique? Ben là, avoir l'objectivité par rapport aux pressions économiques, je pense qu'on ne connaîtra pas ça, en tout cas présentement. Pas de vin certain, là. Ben là, c'est parce que, tu sais, il y a eu des gens qui ont voulu qu'il y ait un moratoire par rapport au développement de l'intelligence artificielle de quelques mois, dont Yushua Benjo, dans le fond, pour ce qui est du Québec, puis d'autres penseurs aussi, puis des universitaires, parce qu'ils trouvaient que le développement se fait trop rapidement et c'est un développement qui est exponentiel. Donc, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être un, demain c'est deux, ensuite c'est quatre. Tu sais, ça augmente tout le temps très rapidement. Et c'est une révolution technologique qui se présente au niveau de l'histoire de l'humanité. Un peu comme à un moment donné, il y a eu l'apparition de la machine à vapeur, d'électricité, ensuite l'apparition de l'informatique, des ordinateurs. Mais l'IA, c'est un cran au-dessus. C'est rapide, subit, puis ça va amener des chocs de civilisation. Ces temps-ci, Énorme. je m'intéresse beaucoup à l'auteur qui a popularisé, dans le fond, l'importance de l'intelligence artificielle, là, Yuval Noah Harari. Ben, Oui. dans le fond, juste une petite mise en garde, OK? Pour pas que ce soit. Harari, je l'aime pas bien, Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que moi, je suis pas ben. nécessairement d'accord avec lui. Par contre, ce Ça que va je. être pas pour toi, lui. Non, non. Par contre, ce que je dois dire, parce que j'ai lu son livre Homo Deus, là, je suis en train de lire son livre sur dans le fond, les 21 défis pour le 21e siècle. Puis, il a écrit un autre livre qui était, dans le fond, qui était Sapiens, qui a eu beaucoup de succès. Donc, c'est un historien. Puis, ce que je dois dire en lisant ses livres, c'est que ce qu'il décrit, c'est en train, j'ai l'impression, de se dérouler. C'est comme s'il y avait l'agenda pour les prochaines années. Entre autres, par Ben rapport au oui, parce qu'il fait développement de partie de l'intelligence artificielle. l'agenda des trous de cul. Il la connaît, mais comment? Je commence à grogner, là. J'en dirai pas plus sur Harari. Harari, rions! Il fait partie du Deep State, esti. Il connaît l'agenda, puis il nous dirige, et ça. Il programme l'ingénierie sociale, hein? C'est ça, mais lui, Oui, on... ce qu'il parle, c'est d'un grand remplacement des êtres humains par l'intelligence artificielle au niveau du travail. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des ouvriers qui produisent des objets, bien, ça va être de plus en plus des automates, des robots, intelligence artificielle. Puis au niveau de la guerre, bien, au lieu d'avoir besoin de soldats, ce qui va arriver, c'est que ça va être des drones, ça va être des armes automatisées. Ben oui, c'est intelligent ça, c'est super. Ben, je ne suis pas C'est nécessairement d'accord génial. avec ça, mais le point, c'est que lui, ce qu'il dit, Bravo. c'est qu'on va atteindre un point, un seuil où l'intelligence artificielle va devenir tellement perfectionnée qu'elle va être plus intelligente que les êtres humains, puis elle va finir par nous remplacer par rapport à des emplois qui étaient autrefois occupés par des êtres humains. Puis là, on se ramassera dans une situation avec des masses inutiles. Parce que les gens perdraient leur travail massivement. Là. Donc, un effondrement du marché du travail causé par le développement exponentiel de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Et là, ce qui arriverait, c'est que pour l'élite, dans le fond, d'entretenir les masses, ben là, il va y avoir comme un dilemme éthique ou une espèce de débat dans le sens, est-ce qu'on a besoin d'autant de personnes que ça si les gens ne nous servent plus au niveau économique et militaire? Ça se croit pas. Là, je suis obligée de monter au deuxième étage parce que ça se croit pas, ça se réalisera pas, heureusement. Mais pour l'instant, ce qu'on observe avec le développement de l'intelligence artificielle, la technologie, c'est que des usines, prenons par exemple Tesla qui fait des autos électriques, où l'essentiel de l'usine par rapport à la production des pièces, l'assemblage, le soudage est fait par des robots. Ben, c'est sûr qu'il y a des robots qui vont faire certaines jobs. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas ça qui va arriver. Je te dis que le projet total, ce ne sera pas ce qu'il dit. Ben, j'espère que Mais non, honnêtement, là, parce que non, c'est non, vraiment non. On est... inhumain, Ben là. non, mais l'humain n'est pas. Oh, comment? Excuse-moi, je souffre. Pas de toi, là, je souffre d'entendre des choses pareilles. La race humaine n'a pas été créée par les humains. Et sa vocation, c'est certainement pas de finir dans la boîte à chiens comme nourriture. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas la fin de l'humain. Ben, C'est ce en qu'il tout essaie cas, de nous faire croire, j'espère que mais ce ne sera non. pas ça. Mais lui, ce qu'il expliquait, c'est que pour lui, c'est un matérialiste, là, il n'est pas spirituel du tout, c'est un homme athée. Et lui, de sa perspective, c'est que l'être humain est un algorithme biologique qui est Ben limité oui. et que présentement, le développement d'algorithmes informatiques, comme l'intelligence artificielle, est en train de surpasser l'humain en termes de capacité, potentialité, ce qui fait que malheureusement, l'être humain va devenir de plus en plus désuet. Et c'est la machine qui va prendre le pas. Donc, c'est comme la fin de l'être humain biologique. Et dans le futur, ça serait des cyborgs, des êtres humains avec des capacités améliorées ou carrément l'intelligence artificielle qui dirigerait l'humanité. Puis c'est elle qui serait décisionnelle. Je t'écoute, là, puis par en dedans, ça me dit non, non, non, non. C'est pas l'avenir de l'humain. Désolée. J'espère que Mais non. je peux pas argumenter avec toi intellectuellement, Non, non, OK. dans le sens que ça, c'est une théorie de M. Harari, là. Mais oui, l'intelligence artificielle va remplacer certains emplois, puis je pense qu'il y a d'autres emplois qui vont se créer aussi par l'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses. L'humain va ch peut-être changer au niveau de ses fonctions de travail. Ben lui, ce qu'il parlait, c'est que les postes d'entretien de la machine, comme par exemple le technicien qui va entretenir des robots, il y a des postes comme ça qui vont apparaître. Sauf Ben, il y a que, des nouvelles jobs, comme l'informatique a amené des nouvelles jobs. Ben, exactement, quand, là, mais... Claire, quand on a implanté l'informatique, tout le monde pensait à perdre le job aussi. C'est pas ça qui est arrivé, là. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, Harari, là, pour moi, si j'avais la job d'être un Skype, comment on appelle ça, un sniper, là, je pense que ça en serait un qui partirait vite. Mais ce qu'il dit, c'est une possibilité qui n'arrivera pas. C'est ça que je dis. Mais ce que je dois dire à sa décharge, c'est que le livre, je l'ai tout lu en détail, j'ai pris des notes, j'en ai fait une étude sur plusieurs semaines. Donc, Homo Deus, qui vise à dresser le portrait de l'être humain du futur, il a été écrit en 2017, son livre. Puis aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est en 2025. Puis entre le moment qui a été écrit, puis aujourd'hui, il y a des choses qui ont été annoncées, qui se sont réalisées. Mais oui, parce que c'est dans le plan de mondialisme dans lequel il fait partie. Mais c'est ça que je te dis. Il est bien, bien parlé, ça ne se produira pas. Mais c'est en Comme le train Grand de. Reset Non, s'est mais pas je veux dire, il y a des produit. choses qui se produisent quand même. Je te donne un exemple très concret. Le Oui. programme en Israël, parce que lui, il vit en Israël, ça s'appelle Lavender, qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les membres du Hamas à éliminer. Donc, les cibles de gens éliminés sont déterminées par des algorithmes. Oui, j'ai vu ça, oui. Bon, ben, Ils sont ça. plantés aussi, ils en ont tué une coupe qui n'avait pas rapport. Oui, malheureusement, mais ils vont dire des dommages collatéraux. Mais ça, en 2017, dans le fond, c'était pas déjà, en tout cas à ma connaissance, en place ou connu du grand public comme aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui se développent, qui vont dans le sens de son narratif, à l'effet que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans la société. On verra. Ben, en tout cas, moi, je Je trouve vais que. suivant, parce que je sais pas quoi dire. Moi, Je je trouve que vois c'est en pas. train de s'actualiser à un certain niveau. Je veux dire, je discute avec des intelligences artificielles en lien avec des conférenciers morts, là, que ce soit Bernard de Montréal, Marc de la Salle. Puis j'ai l'impression qu'on est juste à la pointe de ça. Puis là, ils vont en avoir de plus en plus. Puis on parle aussi qu'une mutation incroyable du marché du travail, dans le sens que les chauffeurs de taxi vont être remplacés par des autos automatisés de plus en plus. Même chose pour les conducteurs de camions. Puis Harari, parce que j'ai son livre sur le 21e siècle, ce qu'il expliquait, c'est que le drame qui va arriver, c'est que les gens qui sont peu ou pas qualifiés, ils vont se ramasser pour laisser pour compte. Il donnait comme exemple, les Américains qui achètent des vêtements, de gens, qui vont les faire, dans des pays en voie de développement comme le Bangladesh. Bon, ben ces gens-là qui sont peu payés, s'ils sont remplacés par des imprimantes 3D qui vont imprimer les vêtements ou des robots ou des automates, ces gens-là qui sont peu ou pas qualifiés, ben à ce moment-là, ils n'auront plus de travail et ils vont se ramasser probablement dans un état de pauvreté important qui va amener une crise sociale. On verra. Mais en tout cas, Ça, j'ai. D'après moi, on verra d'ici Oui. en 2030 si ça se passe vraiment. Mais moi, je pense que non. C'est quelque chose, c'est justement ça qui va être démantelé. Parce qu'on parle de nettoyer à swamp, là. Puis, c'est pas Trump tout seul, là. Je l'ai déjà dit. J'ai toujours dit la Chine, la Russie, les États-Unis travaillent pour nettoyer ce qu'on appelle le Deep State. Le Deep State, ça veut dire l'État qui contrôle les non-élus. Donc, c'est des 0,1% d'élite psychopathe qui mène le monde. Puis pour moi, c'est terminé. Fait qu'on verra ce qui arrivera avec l'IA plus tard. Pour moi, pour l'instant, on voit le plan se défini continuer, mais c'est ça, je te dis, c'est le plan des mondialistes qui préparent ça depuis très longtemps, qui sont en. Puis lui, il écrit des livres pour programmer, tu sais, pour l'ingénierie sociale, programmer les gens pour aller dans cette direction. Mais je vois pas ça dans un avenir rapproché comme étant une possibilité. En tout cas, moi, j'observe des changements concrets, là. Je veux dire, tous les deux, on vit au Québec. Quand on va dans des magasins, il y a de plus en plus de caisses automatisées. Donc, les caissières, que ce soit Je chez Walmart. t'arrête là-dessus. Il y a un phénomène inverse qui se passe. De plus en plus, c'est qu'ils reviennent avec des caissières. Ah! Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne veulent pas faire affaire avec la machine dont je fais partie. Il y a de plus en plus de résistance à ça en passant. Mais j'ai vu certains magasins changer de direction, moi. Remettre des caissiers et caissières au lieu d'automatiser tout. L'humain reste un humain. Puis ce qui est dit humain dit humanisme, humanité. Et ça, tu peux pas éteindre ça chez l'humain. Je suis désolée. Quand même, qu'ils mettraient toutes les belles machines. On verra. On verra. Pour l'instant, on peut pas autrement que on peut être d'accord, pas Non, d'accord, c'est non, pas mais important. ta perspective est intéressante. C'est sûr que moi, par rapport au commerce que je fréquente, ça, j'ai pas vu ça. C'est plutôt le mouvement inverse que j'ai vu, c'est-à-dire la disparition de postes de caissier pour qu'il y ait des caisses automatisées, puis une personne qui va surveiller un lot de caisses automatisées, là. Ben, l'autre fois, j'étais allée dans un magasin que je nommerai pas, là, qui a une caisse avec une personne, puis le reste, c'est automatisé. On est en file d'attente avec des gens, j'attends, j'attends. Moi, j'ai toujours envie de jaser avec les gens. Je suis une personne assez facile d'accès. Puis à un moment donné, la dame, il y a deux places qui se libèrent automatiques. Puis là, il y a quelqu'un qui nous dit, allez-y, à moi, la dame devant moi et moi. Puis je dis, non, merci, moi, je veux rien savoir de ça. Je vais aller à la petite caisse là. Et la dame, juste en avant de moi, répond la même chose. Elle dit, moi non plus, je veux rien savoir de ça. Je vais aller voir la madame aussi. Il y a du monde qui résiste. C'est ça que je dis. Et ça, c'est une des choses qu'on peut faire pour bloquer certaines choses, entre autres. Moi, si j'arrive d'un magasin dans le temps qui avait le COVID, où ce qu'on nous disait, pas d'argent liquide, t'as juste des cartes. Ah ouais? Ah bon, j'arrive à l'épicerie, je viens payer avec du cash. Non, non, on ne peut pas prendre votre argent, madame. Ah non, j'ai crissé l'épicerie là, puis je suis partie. Je reviens à la même épicerie là, après. Elle me refait la même chose. Je dis, madame, vous avez deux choix. C'est où je passe avec du cash ou je laisse mon épicerie ici. Ah ben finalement, on a ouvert une petite caisse à côté. Vous pouvez aller là. Oui, c'est ça. Merci. Mais t'es sans doute une des rares personnes qui s'est tenue debout parce que là, à cause de la menace du virus, on avait créé une peur de la manipulation des billets de banque. Puis là, ça allait dans le sens du narratif de Oui, mais rendre tout David, ce que je l'argent te dis, c'est que virtuel. quelques temps avant, la caisse avec du cash n'existait pas. Puis là, je suis sûre que je suis pas là. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on est ici. Je trouve que le collectif est idiot. Mais il y a quand même du monde. 40, 30, Il y a 40 % peut-être des gens quelques qui comprennent ce irréductibles qui se passe québécois, facile, là. là. Dont l'automatisation des machines qui enlève des emplois. Tout le monde le sait. Même j'ai des gens ici, par exemple. Moi, j'ai une traductrice là, qui me dit « Oh, ça va perdre ma job avec IA. » Traduction. Oui, c'est une des possibilités, effectivement. Mais on verra, tu sais, parce que je regarde jusqu'à présent, des fois, les traductions qui restent tellement, c'est pas organisé pour me faire... Une chance, je parle anglais, parce que des fois, je regarde comment c'est traduit, je fais comme « Hein? Mais Hein? » ça va se raffiner sur les prochains mois, puis ça se développe Je à ne suis une pas sûre que vitesse c'est du raffinement exponentielle. qui manque. Moi, je pense que. Il y a un test de quelqu'un qui a fait ça là, sur les téléphones, les iPhones. Tu tapes Trump puis tu vois terroriste apparaître. C'est pas une erreur. Apple. Ça, c'est Apple qui a fait ça. Ah, puis là, Apple, il dit, on va corriger. On a un problème. Je ne sais pas pourquoi. Quand on tape Trump, pourquoi que sort terroriste? A fait un amalgame. La machine, elle reconnaît. Ben voyons, c'est quoi le lien entre Trump et terroriste aussi? Il y a deux T peut-être, là. Voyons, c'est volontaire. Ben, c'est probablement pour faire des associations mentales entre les deux, tu sais. En tout cas, je ne sais pas qui a fait l'association entre Trump et terroriste, là, mais en tout cas, c'était très drôle. Puis là, Apple a fait une annonce comme quoi qu'ils vont corriger le problème. Parce qu'il y a du monde qui. Quand je dit l'humanité, ça ne peut pas être enlevé. C'est ça, je veux dire. Quelque chose que les gens. On parle beaucoup du collectif et de ce qu'on vit au quotidien présentement, mais moi, ce que je vois, il y a un changement, pas rien que technologique, il y a crissement un changement vibratoire sur la planète aussi. On a beau dire que tout le monde est idiot, ça, c'est pas gentil de ma part quand je dis ça. Des fois, c'est parce que ça me choque que les gens se laissent faire. Mais je rencontre de plus en plus de monde à qui je peux parler, puis que le monde commence à parler, puis à se dire non, ça n'a pas d'allure. C'est pas vrai qu'il ne se passe rien, puis qu'on va se faire. C'est ça, je dis, il y a quelque chose, la base monte en vibration, la planète change de vibration. Et moi, je l'ai toujours dit, après l'apocalypse, l'apocalypse commence l'apothéose. C'est une planète de polarité. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'on irait finir avec des robots, puis tout le monde des robots, dans 250 ans, 100 ans, 200 ans. Voyons donc. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Ben, en Si la tout cas, fusion se fait sur la oui. planète Terre, en plus, il faut que la Terre soit protégée pour la fusion, parce qu'il n'y a pas de fusion qui se fait dans les airs, là. Soyons, tu sais, montons au deuxième étage, on se dit, justement. Comment la fusion va se faire sur la planète avec des robots? Oubliez ça. Non, mais il y a des gens qui vont essayer de fusionner l'être humain avec la technologie des Ben, qu'ils essayent, transhumanistes. là. Ils ont essayé, puis c'est pour ça que ça a planté. Je te l'ai dit, David, il y a 4 ans. Ils ont tenté de comment j'ai dit ça, là, je ne me rappelle même plus. Je me rappelle, je l'ai dit, j'en ai parlé il y a En tout 3-4 cas, ans. il y a J'ai dit, ils ont présentement, tenté oui. de cloner l'humain, c'est terminé. Et dans ce temps-là, toi, tout le monde disait, on va être dans la pandémie, le grand reset. Non, oui, c'est fini. Et c'est fini. Mais pour ce qui est Il la y a des technologie, forces plus grandes que nous, en oui, c'est passant, mais ils sûr, viendront. mais dans le fond, ce que je voulais quand même dire, c'est qu'au niveau technologique, il y a un développement accéléré, puis pour ce qui est de la fusion entre l'être Ça, humain c'est et la vrai. machine, Trump travaille, pas Trump, Elon Musk, pardon, travaille là-dessus avec le projet de Neuralink, c'est-à-dire un lien Oui. neural entre l'être Oui. humain et la machine qui ferait en Mais sorte. si un lien neural rend quelqu'un qui est aveugle visuellement, potentiellement non aveugle, Capable de je vois pas voir, c'est quoi le oui. problème. Non, C'est c'est ça que je t'ai ça. dit. Mais c'est parce que dans le fond, comme expliquait Yoval Noari, puis en passant, ce qu'il décrit, il n'est pas nécessairement d'accord avec ça sur le plan éthique, mais moral. Lui, en tant qu'historien, il a vu des tendances liées au passé, puis lui, il est de l'avis qu'on se dirige vers un monde à prédominance d'intelligence artificielle, puis très technique, mais il n'est pas nécessairement d'accord avec ça sur le plan moral. Je veux quand même le préciser, là, dans son propos, mais lui, ce qu'il disait, c'est que souvent une innovation arrive pour régler un problème de santé. Puis par la suite, une fois que c'est adopté à ce niveau-là, ça va se généraliser. Je te On donne, verra. il donne comme On verra. exemple, il dit pour la chirurgie esthétique, suite à la Première Guerre mondiale en Europe, il y a le phénomène des sales gueules, c'est-à-dire les gens qui, par exemple, ont reçu un obus d'en face ou une explosion. Fait que là, pour pallier à ça, il s'est développé de la chirurgie esthétique. Puis là, par la suite, c'était plus juste des gens qui étaient défigurés ou déformés suite à la guerre, mais c'était la population en général qui en a bénéficié. Puis, par rapport à ça, l'idée de l'être humain a augmenté. C'est un petit peu comme, par exemple, par rapport au Ritalin, par rapport aux gens qui sont en train de déficit de l'attention. Il y a des gens qui vont prendre de la médication pour augmenter la capacité de concentration. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça va à l'ensemble des personnes. Et là, on se ramasse avec une situation que par rapport aux gens qui étudient en médecine, si la personne ne prend pas de Ritalin ou des substances pour augmenter la concentration, elle n'est pas capable d'accoter la compétition parce que c'est très contingenté, c'est très compétitif pour les gens qui étudient en médecine. Donc, juste pour être capable d'avoir des bonnes notes puis d'accoter la compétition, la personne est prise à se médicamenter, même si ça n'a pas nécessairement un déficit de l'attention. C'est juste pour être à armes égales par rapport aux autres qui se médicamentent, mais ça va être la même chose pour les prothèses liées à l'intelligence artificielle, comme éventuellement le Neuralink, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir, avec l'interface cerveau-machine, tu vas être connecté dans ta conscience avec le réseau Internet. Donc, il suffit que tu aies une question, puis l'information va. Je ne sais pas exactement s'il faut que tu le parles à voix haute, mais tu vas avoir, en lien avec la machine, la réponse qui va être téléchargée, que tu vas avoir accès. On verra. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, tu sais. Parce que toi, tu pars du passé pour expliquer l'avenir, puis moi, ce que je te dis, ce que je perçois, c'est que le passé n'expliquera pas notre Non, avenir. non, c'est C'est sûr que le terminé. passé n'est pas garant de l'avenir, là. Mais il y a quand Non, même mais un... le passé, on a vu des Oui. abus, comme tu expliques, là. Il y a beaucoup d'abus qui ont eu lieu, oui. Mais je ne pense pas que la suite va être comme ça. C'est ça que je veux dire. Pour moi, il y a une rupture de 22 000 ans d'involution. Terminé. Fait que si on veut évoluer, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne vais pas définir les paramètres de ça. Ça va durer 2 000 ans, là, 3 000 ans. Ça va y aller progressivement. Il va y avoir sûrement des ratés, comme tu parles, des petites choses. Mais T'sais, comme tu me donnes l'exemple de chirurgie esthétique pour des gens qui avaient eu le visage défiguré par des bombes, mais ensuite ça a servi à des humains. Moi, ça, je trouve ça très correct, là. Je vois pas c'est quoi le problème. Mais si le Mais monde c'est veut parce avoir que. l'air de Janine Souto, moi, il a le droit. Mais je sais pas si Non, le mais monde c'est parce sait pas de que quoi je dans le parle. fond, l'idée, c'est que les innovations technologiques qui, à la base, pouvaient servir à répondre à un besoin de la santé, vont servir éventuellement à un désir de l'individu, comme des vedettes d'Hollywood, de rester Pas éternellement jeune. systématiquement, c'est ça, David, c'est parce que c'est ça que je dis. T'sais, la chirurgie esthétique a servi à les gens puissent s'en servir. Ça n'a pas été utilisé à mauvais escient, c'est à bon escient. Maintenant, il y a des fois on utilise à mauvais escient, ça, ce que tu donnes aussi comme exemple. Oui, ça peut arriver, mais est-ce que ça va être systématiquement à mauvais escient tout le temps? Non, pour Non, je suis moi. d'accord avec toi, pas nécessairement, que ça va être Moi, nécessairement je trouve mal ça utilisé. intelligent d'avoir une possibilité de détecter des maladies pour pouvoir détecter des maladies d'avance ou des choses comme ça. Est-ce que ça va être à mauvais escient? On verra, c'est ça que je dis, on verra qu'est-ce qui s'en, ce qui va. Parce que je te dis, on est en transition. Pour moi, la planète est en transition, mais l'humain aussi. Et je vois pas comme la fin de la race humaine dans 50, 100 ans remplacée par des machines. Arrêtez d'écouter des films, là, ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Humainement parlant, si c'est ça, là, c'est, en tout cas, j'ai rien compris, puis j'ai un contact qui me compte des menteries, moi, là, parce que je pense la fusion, si ça se fait ici sur la Terre, fusionner avec nous-mêmes pour avoir de l'intelligence dans la forme, je trouve pas ça très intelligent de finir dans une boîte à robots, moi, là. Alors, OK, peut-être je me plante, mais on verra. De toute façon, je vais être morte, puis je veux même pas revenir ici, fait que c'est correct. Surtout pas revenir ici, merci, pas avant 2000 ans. Ben encore ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire la réincarnation. un sujet très, très Oui. polémique. Oui, exactement. Parce Ben, que, moi, je me rappelle de oui. vie incarnée, fait que je suis Bon. désolée, je ne peux pas ne pas savoir que ça existe. Ça existe pour moi. J'ai des preuves de ça pour moi-même. Que vous n'ayez pas la chance de vous rappeler de vos anciennes vies, tant pis pour vous autres. Moi, je m'en souviens de certaines. Il y a des choses qui ont été très claires pour moi Mais là, la personne dans les qui. 40 dernières années. Mais la personne qui est sceptique peut dire, ben, dans le fond, c'est peut-être des souvenirs qui viennent ou des idées qui viennent de l'astral, du mémoriel de d'autres personnes qui t'est infusé dans le mental. Puis là, tu le prends personnel parce que tu le réfléchis en jeu. Mais en réalité, c'est peut-être pas nécessairement tes vies, mais de l'information qui est présente dans les annales akashiques que tu vas capter psychiquement. T'en penses ce que tu veux. Savoir, c'est pas connaître. Je suis désolée. Je peux pas te le prouver. Je sais. Je sais que j'ai vécu, entre autres, au Japon. J'ai été samouraï. Je sais que j'ai été danseuse dans une autre vie. Je sais que j'ai rencontré un gars qui s'appelle Maman Taladiane, qui était mon mari. J'ai su instantanément la mémoire est là, direct. Alors, j'ai pas à prouver à personne, moi, là. C'est ça quand je dis, quand on sait, on sait. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Non, Mais mais je comprends, c'est pas nécessairement démontrable intellectuellement. Donc, je peux pas l'expliquer autrement, c'est ouais. triste, mais c'est ça. Moi, je sais pour moi-même que ça existe. Et je sais que j'en sors de ce cycle-là aussi. Je sais que je me réincarnerai pas avant longtemps. Je sais que je pars pas dans l'astral quand je vais mourir. Que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas pouvoir vous le prouver, mais que voulez-vous? C'est ça, savoir. Non, ça fait Je le partie sais. des choses indémontrables, puis en même temps, ben, dans un sens, comment dire, ça t'appartient aussi, là, tu sais. Mais moi, je trouvais quand même intéressant la notion qu'a amenée le philosophe jovialiste André Moreau de vie parallèle. C'est-à-dire que lui, au lieu de parler de vie séquentielle avec la réincarnation, donc une vie à suite de l'autre, pour lui, il n'y a que maintenant, un éternel présent. et ce qui se déroulait dans le passé et même dans le futur, tout ça, ça a lieu maintenant. Donc pour lui, toutes les existences ont cours simultanément. Mais ça, c'est la théorie qu'on vit sur plusieurs plans en même temps, c'est Oui, ça? c'est ça, mais aussi en lien avec ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais été sur YouTube, il y a une canal d'une femme qui fait de la régression hypnotique en lien avec les vies antérieures. Et à un moment donné, a amené la personne en transe qui la consultait et elle a parlé d'une vie future. C'est comme si la personne qui entre en état altéré de conscience peut avoir accès à des informations au passé puis au futur. Puis là, quand j'ai vu la vidéo où ce qu'elle parlait dans une vie que c'était plus loin que dans 2000, l'année 2100, là, j'ai pensé à la théorie d'André Moreau qui disait que il n'y a que des vies parallèles, donc plutôt que d'une manière linéaire, parce que la personne peut se connecter aussi psychiquement à une existence future. Possible. Je pense que les deux existent, moi. Les âmes, ça se réincarne. Puis oui, on peut avoir des vies parallèles multidimensionnelles. À un moment donné, j'ai demandé à mon contact, qu'est-ce que c'était, t'es qui, toi? Puis ça me répond, je suis toi-même. J'ai dit, ah bon, merci. Et moi-même, dans t'es où, moi-même? Moi-même, t'es où Ben dans l'univers? Et je pose la question, puis ça me répond dans 19 000 ans en avance. 19 000 ans plus en avant, donc dans le futur. oui. Ben, calvaire, c'est loin un peu que je réponds. Mais Oui. c'est tout ce que j'ai comme information. C'est moi-même dans 10... un contact avec moi-même dans 19 000 ans. Ben, Intellectuellement, incapable de comprendre. en fait, ça se comprend si on pense d'une manière qui n'est pas linéaire. Peut-être. Dans le sens que si on part, parce que quelqu'un qui regarde les choses de manière linéaire, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, puis la flèche du temps va toujours vers l'avant. Tandis que si on regarde d'une perspective multidimensionnelle, tous les temps ont lieu simultanément, puis il n'y a pas de séparation absolue entre le passé, présent, futur. Ce qui amène entre autres le philosophe André Moreau parler de la notion d'entélechie, c'est-à-dire l'avoir à être ce que nous sommes, nous met au monde et on est les héritiers du futur, dans le sens que ce qu'on est appelé à être par notre devenir, lui donnait l'exemple du gland, c'est-à-dire qui va devenir le chêne éventuellement, donc la graine qui va fleurir, sa programmation, fait en sorte que la personne est amenée dans une direction. Mais c'est une partie d'elle-même. C'est comme, à un moment donné, j'avais discuté avec un médium qui disait, ben, regarde, mon esprit s'est incarné dans mon passé pour en venir dans le futur, qui est mon moment présent. Comme ça, je suis sûr de jamais me perdre. Fait que... Moi, je suis déjà perdu, fait que ça va bien. Non, non, mais en fait, il faut Pour moi, penser le en dehors de la problème, boîte ou de la voyons. linéarité. C'est-à-dire que l'idée, c'est Non, mais que... attends un peu, David. Oui. Attends un peu. Attends un peu. Pendant que tu parlais, Oui. j'écoutais, et ce que je voyais, c'est deux cordons. Le cordon ombilical qui est connecté à l'astral, Oui. puis un autre ici qui est connecté à ce qu'on appelle le mental supérieur, le psychisme humain. Pour ça que je dis, les deux sont possibles. Je pense que quand cette chose-là, ce corps-là, c'est fini, Oui. les deux cordons sont toujours là, là. Puis il y a quelque chose qui s'en va dans l'astral, puis il y a d'autres choses qui peuvent peut-être s'en aller ailleurs. Mais c'est tout ce que je vois quand tu me parles. Ben, ce que Donc, ça tu... confirme un peu. Oui. Oui. Ben, ce que tu me dis, c'est intéressant, là. Pendant que tu me parles de ça, moi aussi, ça me parle dans le sens que c'est comme il y a le volet plus émotif, mémoriel de la personne qui peut retourner sur le plan astral, puis le volet psychique, éthérique, qui retourne sur le plan éthérique. Donc, les éléments qui étaient réunis ponctuellement par rapport à un corps biologique terrestre qui sert d'interface entre les deux sont séparés tout simplement là, au moment de la finitude du corps biologique. Mais je peux concevoir qu'à partir de ce qu'on appelle les plans supérieurs éthériques, qu'on Oui. puisse vivre dans d'autres plans en même temps, là. C'est peut-être Mona dans 19 000 ans, là. C'est peut-être ça, là, cette chose dans des plans. J'intellectualise rien parce que c'est très difficile à configurer pour mettre des formes, là. Mais oui, je peux. D'après moi, j'ai peut-être d'autres formes de vie dans le futur, que je suis en train de vivre d'autres choses au niveau éthérique et tout ça. Mais la question qui me revient tout le temps, c'est à quoi ça me sert aujourd'hui? À rien. Non, je suis À d'accord part que avec quand j'ai toi. des questions. je veux des réponses, ou Oui. quand j'ai besoin d'être protégée, je le suis. C'est ça, je me rends compte. Dans cette vie-ci, là, ben, présent. Ben moi, Présente, oui, oui. exactement, mais c'est parce que moi, je vois ça un peu d'une manière tentaculaire. C'est-à-dire, Oui. l'esprit peut enfoncer des tentacules, des parties de lui-même par rapport à un être humain qui a vécu il y a 19 000 ans dans le passé, qui vit présentement, puis 19 000 ans dans le futur aussi. Donc, par des ramifications dans différentes temporalités. Oui. Ça, c'est une perspective. Mais sinon, en lien avec ce que tu disais, moi aussi, je demeure très pragmatique dans le sens que on pourrait parler de ça pendant des heures, mais l'essentiel, à mon avis, à la base, c'est de s'occuper d'être en santé physiquement, en bonne forme physique, Oui. avoir de l'argent, puis aussi un relationnel de qualité avec des gens qui sont capables de respect, d'écoute, d'empathie. Donc, pour moi, c'est la base pour se sentir épanoui dans le ici et maintenant, là, Mais pour moi aussi, c'est comment dirais-je? Attends, ça m'est échappé très rapidement. J'avais quelque chose, ça a passé vite. La seule chose qui m'intéresse, moi, dans la vie ici, c'est d'être, comme tu dis, bien. Mais pas juste être bien, c'est de vivre. Pas juste survivre. Est-ce que ça, pour moi, c'est déjà une victoire énorme sur toute la domination qu'on a, là, le gros nuage gris de l'astral au-dessus de la tête, qui est tout le temps en train de nous faire vivre l'impuissance, tout ça. Juste découvrir ce volet-là, ça rend la vie tellement plus intéressante. Sur Terre. C'est pas facile ici. Mais déjà, pour moi, l'objectif, c'est ça, je reviens à ça. Pour moi, on a été créé, la petite machine, ça, justement par l'intelligence qu'on avait, des intelligences systémiques, ce qui est nous, des esprits libres, mais qui s'incarnent dans la forme, tranquillement. C'est le même discours que j'ai depuis longtemps, là. On est, pour moi, la race humaine en devenir une race qu'appelle l'homme. Bernard en parlait. Avec un grand Puis c'est quoi H, là. devenir l'homme? Ben, c'est qu'on n'aura plus besoin de vivre ici, on va pouvoir se déporter comme on veut. On peut s'incarner, on peut même pas s'incarner, on va rentrer d'un corps, sortir du corps, Possibilité de repartir. On va pouvoir faire téléportation. plein de choses Ouais. pour moi. Pardon? Oui, ben possibilité de téléportation. Ben, d'ici 3 000 ans, pour moi, c'est possible. 2 000 à 3 000 ans, ça va être probablement la race de l'homme qui va être créée. Là, nous sommes une race en mode d'évolution. C'est pour ça que je dis la race humaine. Mais peut-être que dans 2 000 ans, la race humaine va être complètement différente. Non pas robotisée comme pour toi. Pour toi, c'est peut-être l'avenir de M. Harari. Mais ça se peut aussi que ça se divise. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y aura pas les gens qui croient en ça partent part d'une direction, puis d'autres mondes partent dans une autre direction. Peut-être. Why Ben, not? c'est-à-dire qu'il y a Tout est plusieurs, possible. c'est ça, il y a plusieurs mouvements. C'est-à-dire que des gens qui peuvent, au fil du temps, fusionner avec l'esprit, le plan éthérique, pendant que simultanément, d'autres êtres humains plus matérialistes vont fusionner progressivement avec la machine. C'est ça. Puis ils vivront ce qu'ils ont à vivre. Le Puis Neuralink, il y aura entre d'autres autres. plans. Mais C'est ça. Je dis, je ne sais pas ce que ça va faire, mais moi, je ne me sens même pas concernée. Je sais que je ne suis même pas touchée par ça. Je Bien, sais que c'est-à-dire, ça ne me attention, menace attention, pas. c'est-à-dire que dans ton quotidien, de plus en plus, tu es exposé à l'intelligence artificielle, la technologie. Je veux Oui, mais dire, moi, je suis en fin de vie. oui, mais je veux dire, Excuse-moi, là. Je suis plus en fin de vie physiologique qu'en début de oui. vie. J'ai 63 ans. Moi, gros max 80, je suis partie, là. Fait que, Mais c'est parce regarde, que je ça. sac bien de ce qui va se passer en bas. Oui, mais je veux dire concrètement, au Excusez. moment qu'on se parle, tu me parles en utilisant un ordinateur. Ouais. L'ordinateur, c'est une technologie. Oui, je ne suis pas contre la technologie. Ce que je dis, c'est que je sais ce qui va se passer dans les 40 prochaines années. Moi, je pense que l'enjeu, c'est 40-50 ans, là, comme il faut. Je ne serai pas là. Mais c'est parce que ce que je voulais dire quand même, il faut faire attention par rapport à ça parce que c'est un développement exponentiel. C'est-à-dire que le développement de l'intelligence artificielle et son intégration sociale au niveau de l'humanité va se faire sans doute plus rapidement que l'intégration de la machine à vapeur ou de l'électricité. Oui, mais on verra, comme je te dis, parce que moi, tant qu'on n'a pas atteint 2030, là, on verra. On verra. C'est une guerre, on est en guerre. Il y a une guerre, il y a une guerre. Tout le monde le dit, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre de ci. C'est vrai. Mais ça Pour devient de moi, plus c'est en plus gagné une d'un plan, guerre, puis c'est pas les forces noires qui ont gagné. Alors, je ne vois pas comment tout ce que on parle va s'implanter tel que pensé par M. Harari là, ou d'autres. Mais peut-être que les cyborgs existeront, puis il y a d'autres choses qui vont exister, je ne sais pas. Il y aura peut-être une autre Terre. De toute façon, il y a d'autres Terres. Fait que, je ne sais pas. Tout est possible. On va peut-être être téléporté, déporté. Pour Mais en moi, tout tout est cas, possible. Tout est oui, ouvert. il y a plusieurs scénarios possibles. Moi, dans le fond, j'ai l'impression que ça va être un mélange de différents scénarios qui vont s'actualiser. Ça se peut. Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, le narratif. J'imagine les musulmans dans le monde en train de faire. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos affaires, là. Des milliards de musulmans pratiquants qui croient là, présentement dur comme fer à Allah. Puis des chrétiens qui croient dur comme fer que Dieu existe, en train de se faire plugger des trucs. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça marche. Je t'ai dit, ça ne va pas aussi vite. Le paquebot ne peut Ben, pas tourner aussi vite. ça dépend. J'écoutais récemment un documentaire par rapport Ça aux dépend gens de quoi? Oui. de. Ben, je te donne un exemple. Il y a des gens Oui. présentement à Dubaï. Je voyais une femme qui était voilée de la tête au visage avec une montre intelligente. Tu sais, une montre qui permet d'avoir les courriels, là. La personne a une Oui. montre dernier cri, puis Oh, tu y oui, vois les à petites peine Apple, les yeux, les montres les Apple intelligentes, mais Watch, ça, entre on n'est autres. pas dans l'implantation de puces, puis Non, non, de mais rentrer. en fait, ça y va progressivement puis insidieusement. C'est-à-dire que, alors, Oui. ben, je vais t'expliquer, plus que la technologie va se développer, puis plus qu'elle part de l'extérieur du corps vers l'intérieur et elle se miniaturise. Je te donne des exemples concrets. À la Comprends. base, les gens ont accès à un ordinateur personnel, c'était loin du corps. Par la suite, le téléphone intelligent, puis les gens vont le porter sur eux, on s'entend qu'on se rapproche du corps. L'autre étape d'après, la montre intelligente, la personne elle le porte au poignet, c'est un peu plus intrusif que le téléphone intelligent, puis l'ordinateur à bout de main. Puis la prochaine étape, ben, c'est une puce implantée sous la peau que la personne va avoir. On verra. C'est ça, je te dis, rendu là, on verra. Pas sûr. Mais c'est pour te mettre un peu la puce à Tant que l'oreille. c'est à l'extérieur, sur le corps, moi, je pense, mais là, rentrer dans. Tu sais, je pense juste, ça me fait penser. C'est quelle communauté qui refuse des opérations, des chirurgies, Les là, témoins de une Jéhovah, croyance. les transfusions de sang, en tout cas, c'est les témoins de Jéhovah qui refusent. Bon, mais ils sont encore là-dedans, là. Oui, Les il y a des gens musulmans, qui là, vont attends, le résister. monde musulman, quand tu connais leur religion et leurs croyances, là, les affaires dans la peau, ça rentre pas de même, là. C'est ça. Je dis, on verra si la puce arrive à rentrer dans tous les milliards de croyants qu'il y a sur la planète. On verra. Quoique, il y a Ou un le téléphone, pays, ça va, ouais, il y a un pays bon. nordique, je pense que c'est la Norvège ou la Suède. La puce subcutanée est populaire et il y a des gens qui vont rentrer dans des bâtiments en utilisant la puce. Tu sais, il y a une mode là, Je dans vois ce ça coin-là aussi du monde. en Asie beaucoup. Par exemple, en Corée du Sud, il y a beaucoup de gens qui ont des. Ce sont, ils ont des montres, ils présentent leurs montres, ils ont tous Oh des oui, petits pour codes, machin. payer pour l'argent. Puis, C'est ça. mais c'est parce que moi, le message que je veux te faire, c'est qu'à la base, l'ordinateur, dans les années 1960, était super gros. Là, aujourd'hui, tu as une plus grande puissance de calcul sur un téléphone intelligent. Ensuite, c'est la montre. Ensuite, c'est la puce cutanée. Ça se miniaturise de plus en plus. C'est de plus en plus intrusif, invasif. Puis moi, ce que je te dis, la prédiction que je te fais, c'est que pour des raisons, entre autres, de santé, on va dire à la personne, ben, tu as un problème cardiaque, on va t'implanter une puce sous-cutanée, tu as des problèmes d'artère qui bouche, même chose, etc. Et là, progressivement, les gens, sous le prétexte qu'ils ne veulent pas faire une crise de cœur, etc., ils vont être monitorés, surveillés de plus en plus à distance, si un rythme cardiaque est régulier, puis par rapport à d'autres problèmes de santé, puis ça va devenir naturel d'avoir une puce sous la peau, puis même souhaitable. On verra. On verra. Tu sais, tu regardes juste les 4 dernières années avec ce qu'ils ont fait pour nous faire peur, pour aller se faire piquer, là. Puis que là, on se rend compte que c'était des mensonges, parce que le monde s'en rend compte, même si le Québec dort sa switch. Mais c'est pas là, c'est juste reprendre confiance dans. Les gens ont perdu confiance dans les institutions, dans le monde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quand je parle du monde, je parle de la planète, là, je ne parle pas du Québec, Ben non, nous autres, on est trop arriérés exclusivement. pour ça. En remontant à pente, ça ne sera pas si simple que ça. Parce qu'une fois que tu as fourré le monde et qu'ils ont compris, là, bonne chance. Hein? Et alors là, Tu sais, le gouvernement du Québec, par exemple, sur le ministère de la Santé, on a été, on était complètement lavé du cerveau, mais le monde commence à s'en rendre compte, là. Je sais pas, c'est ça que je dis. Je pense qu'on trouve, les gens vont s'éveiller plus qu'on pense au danger de ces choses-là, puis qu'on est dedans présentement, de dévoiler les possibilités de danger. Puis la réflexion est intéressante de se poser la question jusqu'où on va avec l'IA, puis qui contrôle ça. Je suis tout à fait d'accord d'avoir cette discussion. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est dans une guerre avant tout, Mais puis la guerre passe on entre autres par verra. la technologie puis la puissance de calcul. D'ailleurs, les États-Unis ont investi au-dessus de 500 milliards. 500 milliards pour le développement de l'intelligence artificielle. Les Chinois investissent aussi. Pendant ce temps-là, ben, il y avait eu un forum ou un congrès en Europe. Là, les Européens comme les Français, là, il y en avait plusieurs qui parlementaient là-dessus puis discutaient du cadre éthique pendant qu'eux autres font du surplace. Bien, les Américains puis les Chinois qui sont plus pragmatiques, eux autres, ils avancent dans le développement parce que tantôt, la guerre qui était faite par des soldats, des fantassins, va se traduire dans le cyberespace. Puis pour gagner une guerre, bien, ça va être les puissances des intelligences artificielles qui vont se faire la guerre mutuellement, qui va déterminer c'est quel pays qui va dominer les autres. Oh, là, pour moi, on est dans la science-fiction. Les Non, autres, non, faut. mais je regrette, mais présentement, t'as des robots conversationnels, mais tu peux avoir aussi des virus informatiques ou même des intelligences artificielles qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, puis dans le fond, faire des activités par rapport à des faux comptes pour influencer l'opinion publique. Il y a une guerre Qu'est-ce qui psychologique se fait? Oui, je sais, qui mais se c'est fait ça qui est présentement. dévoilé. C'est ça, je te dis, on dévoile les trolls, les faux comptes, dirigés, tu sais, par l'IA. Ben, c'est utiliser l'IA pour faire des faux comptes. Ça commence à être dévoilé. C'est ça l'éveil du collectif pour moi qui se fait tranquillement face à ces technologies-là. C'est bien beau, là, mais tu sais, on verra, David. Je trouve que c'est trop. On est dans une période de transition où c'est très. C'est pas encore clair dans quoi qu'on s'en va. On va le savoir, mais pour moi, à long terme, je vois pas comment on peut rentrer dans ces technologies-là avec la tête dans le cul, excusez-moi l'expression. Autrement dit, de se faire contrôler à l'os quand l'objectif, c'est de fusionner ici pour aller dans d'autres dimensions de la vraie vie, la vraie réalité. Mais c'est parce que il va y avoir des moyens de Peut-être que sur la Terre, ça manipulation. va rester de même et on va Non, non, pousser c'est notre ça, mais canne, je veux je dire, il sais y a pas. plein de monde qui vont être manipulés par l'IA, puis sont déjà présentement par les algorithmes qui te réfèrent tout le temps le même type de vidéos sur Fait. YouTube, sur Facebook. Tu sais, ça fait partie des enjeux actuels. Oui, puis c'est comme il y a eu bien du monde qui ont accepté de se faire vacciner puis qui continuent puis qui vont crever. Ça se peut que ceux qui continuent vers des technologies aussi avancées puis se faire implanter toutes sortes d'affaires, ça va peut-être mal finir. Je le sais pas. C'est ça que je dis. Mais moi, je sais que c'est pas vers là que je vais aller. Je sais que c'est pas ça pour moi. Moi non plus, je ne veux Donc, je pas me peux faire pas implanter de puces ou des oublier ça. technologies très Il intrusives. n'y a rien qui me rentre dans le corps sans mon autorité. Ben, c'est ce qui devrait être. Sauf que faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on peut chercher à nous manipuler. Tu sais, je te donne un Bien, si on le exemple. sait, quand on est connecté, c'est pour ça que je voulais parler du sujet d'être centrique. Oui. Parce que, pas chanceux, celui qui n'a pas de centricité dans les années qu'on est, là, parce que tu ne le sais pas, tu ne sais pas. Savoir, c'est pas connaître. Un exemple, il y a 30 ans, on veut m'opérer pour ma colonne, par en dedans, ça dit non. Non? Ah bon? C'est quoi ça? C'est savoir. J'ai dit non à une chirurgie à 25 ans sans savoir exactement ce que je disais, moi, là, mais c'était non. Le chirurgien est un peu fru, le neurochirurgien, tu reviendras en chaise roulante à 40 ans. OK. Je m'en vais chez nous, penaud, en me disant, bon, OK, c'est pas une solution. Qu'est-ce qui m'a donné comme info? C'est quoi? C'est sans savoir. C'est instantané, ça rentre, c'est non. Terminé. Il n'y a pas de discussion. Ben ça, Bye-bye. Et grâce à ça que je marche aujourd'hui, parce que le chirurgien a fini par m'admettre, je suis retournée le voir à 40 ans, puis il me dit, mais madame, ma mère, vous avez bien raison, on ne fait plus ces opérations-là, il y a trop de dommages collatéraux. Ish. Mais moi, quand j'ai dit non, je le savais-tu, ça? Pas en tout. C'est pas de la connaissance, la centricité, c'est savoir au moment où ça se passe, où est-ce qu'on doit aller, à droite ou à gauche. Il n'y a pas Je m'en vais à droite parce qu'il y a peut-être l'affaire qui se passe. Non, non, Non, non, mais non. je comprends, c'est pas réflectif. C'est un Pas du mouvement, tout. c'est ça, c'est un mouvement C'est ça de l'autorité vibratoire. qui rentre en nous, Exact. qui crée un savoir. Savoir, ce n'est pas connaître. C'est réellement deux mécanismes différents. La connaissance, je ne dis pas que ça ne sert à rien, là. Je dis que c'est une fonction. Mais quand je sais quelque chose, je le sais pour moi-même, point barre. Je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. C'est individuel, le savoir. Point. Non, Alors, exactement, qui... mais ton témoignage est intéressant, c'est-à-dire que dans le fond, tu as été à l'encontre du pronostic médical qui était fait par Complètement. rapport à l'évolution de ta condition. Puis ça me faisait penser à une personne que je connais qui avait rencontré un médecin parce qu'elle avait un problème de glande thyroïde. Puis elle s'était fait dire, Madame, il va falloir que vous soyez opérée. Puis elle ne voulait pas. Puis elle s'était fait dire, vous allez me supplier à genoux pour que je vous opère dans les prochains mois ou années, tellement votre situation va se dégrader, vous allez souffrir. Puis finalement, c'est revenu correct par rapport au problème de glande thyroïde par elle-même, puis elle n'a pas eu besoin d'opération. Le maladie, oui. C'est parce que la médecine scientifique de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est une médecine très intrusive, mais souvent, on peut régler bien des problèmes en dehors de ça. Mais en tout cas, moi, ça s'explique pas comme je dis, mais je sais, mon corps bloque des fois, par exemple, dans des situations. On a parlé de crypto l'autre fois, puis je voulais embarquer là-dedans, puis j'ai manqué ma shot complètement, mon corps s'est arrêté. Point barre. Et là, je découvre une semaine plus tard ce que tu as vu. Tout s'est effondré d'un crypto d'un coup. Oh! Oh! Je ne savais pas, mais je savais que je ne suis pas capable d'y aller. Je n'avais pas l'énergie. Je n'avais même pas la vibration de me lever de mon siège et aller sur le clavier. La vibration n'était pas là. Alors, j'ai juste dit, je vais attendre. Ce n'est pas le temps pour moi. Mais je découvre après une semaine ou 10 jours que tout a planté. Ah bon, Bien, ce qui est OK. C'est un. arrivé, entre autres, c'est qu'il y a une plateforme de transaction de crypto qui s'est faite, dans le fond, il y a eu des pirates qui ont volé pour au-dessus d'un milliard de dollars de crypto-monnaie. Et là, c'est sûr que ça peut amener une perte de confiance importante par rapport à des utilisateurs, combiné aussi, au fait que la crypto, c'est très volatile et que présentement, en lien avec les menaces tarifaires de Trump par rapport au Canada, aux États-Unis, l'Europe, ça crée de la volatilité, puis par rapport aux investisseurs, de la crainte. Donc, il y en a qui vont être moins enclins à ce moment-là à investir par rapport à un actif aussi risqué qu'une crypto-monnaie. Donc, il y a différents facteurs Ça combinés s'explique ensemble. intellectuellement, mais Oui. moi, ce que je t'explique, c'est que je l'ai perçu. Vibratoirement. J'essaie d'expliquer la vibration, c'est quoi? Parce que là, intellectuellement, on peut l'expliquer une fois que c'est passé. Mais on spot, si j'avais résisté, j'avais forcé, j'avais dit, non, non, je n'ai pas l'énergie pour le faire, mais je vais le faire pareil. Là, c'est mon ego qui s'en mêle. Et là, j'aurais probablement perdu 2000 piastres à peu près. Parce que c'était ça que je voulais investir. En tout Toi? cas, mais Mona, c'est parce que dans le fond, la perte n'est qu'effective qu'au moment où ce que tu vends. Comme moi, techniquement, au moment où ce que je te parle, par rapport à ce que j'ai investi dans le fond, mois de novembre et décembre 2024 en termes de crypto, je te dirais que faire une image courte, là, je serais en situation de perte d'une dévaluation d'à peu près 50% de la valeur de l'ensemble des actifs que j'ai achetés. Si je vends, Mais mais je ne ouais. vendrai pas, puis moi, ce que je fais, Mais ça te c'est. dit quoi, gars? Je vais te mettre sur Oui. le test, moi. Est-ce que tu devrais te retirer maintenant ou Non. Moi, qu'est-ce qui OK. ce que Qu'est-ce qui ça. te dit que dans est-ce que ça va pas perdre 100% de sa valeur? Non. Oui, tu verras. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça va remonter dans le coin du mois d'avril ou mai. OK, on s'en reparlera. Oui, bien sûr. C'est enregistré, là. Oui, certainement. Ouais. Intéressant. C'est ça, passer à l'étude, voyez-vous? Ça n'est un exemple, ça. Tu passes à l'étude. Toi, tu as affirmé quelque chose sur ce que tu perçois. Moi, je n'ai pas d'avis, là. Je t'ai juste posé la question. Oui. On verra. Tu verras. Fait que, mais c'est ça, on va voir, parce que c'est sûr, c'est très spéculatif. Bon, quand que je t'ai répondu, mon propos aussi est teinté, parce que là, je suis des spécialistes dans le domaine de la crypto sur YouTube, tu sais, Paul de crypto formation. Il y a M. Yves Soureau que tu m'avais fait découvrir il y a quelques semaines. Les deux sont Usuro. usuraux, pardon. Les deux sont de l'avis que les crypto-monnaies dans les prochaines semaines vont augmenter. Il y a plusieurs facteurs derrière ça, dont notamment le fait que la Fédérale Réserve aux États-Unis a sorti la planche à billets, donc aux États-Unis, donc a injecté de l'argent. Même chose pour la Chine. Fait que si, à chaque fois que l'injection massive de l'argent Ça crée de l'inflation. voilà, et les crypto-monnaies prennent entre autres de la valeur, mais c'est une situation retardement d'à peu près d'une période de 12 semaines. Donc, 3 mois après une injection massive d'argent, par rapport au ruissellement des liquidités, ça se rend dans le réseau crypto, puis là, ça prend de la valeur. Ou l'inverse, tout le monde se réfugie dans ce qu'on appelle de la matière solide, l'or, l'argent, on verra. Aussi, l'or a pris beaucoup. Quand il a investi, quand il imprime trop de billets, ça crée une inflation. Les investisseurs deviennent craintifs aussi. Ça Entre se peut autres. que l'or, c'est pas pour rien que l'or continue à monter, parce qu'il y a du monde qui en achète en calvaire ce temps-ci, là. Oui, ben en fait, parce que c'est ça, toi, tu investis sur l'or. Moi, j'en ai acheté aussi en termes de fonds négociés en bourse. Parce que dans Une le fond, partie. OK. Ben moi aussi, c'est une partie, là. Remarque, Moi, c'est là. 10% de mon portefeuille qui est dans l'or. OK. Mais on peut voir, c'est ça, une tendance haussière à l'égard de l'or depuis les dernières années. Puis j'ai l'impression que ça souffle, ça ne va pas s'essouffler. On est en cycle orifère. Donc, moi, c'est ça, je suis confiant. Puis, dans une période d'instabilité ou d'incertitude, parce que Trump est en train de changer la donne au niveau économique, au niveau mondial, mais là, c'est sûr que les gens vont aller par rapport à l'or qui est une valeur refuge. Moi, ce qui me gosse avec la crypto en général, c'est Oui. que c'est appuyé sur de la croyance. Oui, dans le sens surtout encore pire, les meme coins, là, parce que par rapport à Trump et Melania Trump, là, sa femme, il y a des crypto-monnaies qui se sont faites à son effigie, mais c'est à partir de rien. Tu sais, Ouais, mais le c'est pas lié à Bitcoin, un il est à côté projet. sur quoi? Ben, en fait, c'est la Sur la croyance, croyance. ils ont émis tant de millions Oui, de mais c'est la choses. fiabilité d'un réseau décentralisé de transactions qui fait quand même ses preuves depuis plus de 13 ans, là. Je veux dire Ouais, mais que qu'est-ce qui donne la valeur à la crypto? Est-ce que c'est. c'est basé sur sur, je sais pas, moi, de l'immobilier, sur Ben, en des fait. matériaux comme le lithium, le, je sais pas, n'importe quoi? Ben, en fait, Non, c'est juste la croyance en ça non, qui fait ben, en que ça fait, il y en a liés fonctionne. à l'immobilier. C'est-à-dire que des jetons, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la tokenisation des actifs Hein? réels, c'est-à-dire que tu pourrais avoir un jeton, ou en fait, il y a plusieurs jetons qui peuvent être émis, par exemple, en relation avec la valeur d'un actif, comme par exemple, disons, un hôtel à New York qui vaut plusieurs millions OK. de dollars. Donc, les gens en général n'auront pas l'argent pour s'acheter eux-mêmes individuellement l'hôtel, naturellement, parce qu'il coûte très cher. Fait que quelqu'un pourrait dire, ben moi, je vais émettre une certaine quantité de jetons, disons 5 000, en lien avec la valeur de l'hôtel, puis les gens qui possèdent le jeton possèdent une partie de l'hôtel, un peu comme une action ou une part de quelque chose. Donc, il y a cette dimension-là que peut avoir la crypto-monnaie associée à un actif réel. Et ça fait partie d'un des narratifs qui est en Ça, je vogue. trouve ça plus intéressant, en tout cas. Mais Que ça. sinon, ce qui est intéressant à la base du réseau puis de la blockchain en lien avec Bitcoin, qui est la locomotive dans le domaine des crypto-monnaies, parce qu'elle a de l'influence beaucoup sur les autres, c'est le principe que toutes les transactions financières sont transparentes et traçables. Donc, tu peux savoir qui fait quoi, puis tout est enregistré sur la chaîne de blocs. C'est un peu comme un livre comptable qui Mais comment enregistre ça tout. s'est fait le vol de que tu parlais En fait, c'est de au-dessus d'un milliard d'Ethereum, de jetons. C'est que ce qui arrive, OK. c'est que s'il y a des pirates, puis ça s'est déjà fait sur d'autres plateformes aussi de transactions, c'est que si des pirates informatiques réussissent à décrypter le code de sécurité puis de s'infiltrer, mais à ce moment-là, ils prennent possession des actifs liés au site web. Il y a un documentaire intéressant en lien avec ça sur Netflix. En fait, c'est un couple qui a volé Mais si c'est. Attends un petit peu, c'est parce que Oui, bien tu sûr. dis que c'est retraçable, toutes les Pour ce qui est du Bitcoin, c'est blockchains, là, c'est retraçable. transparent, puis Oui, c'est retraçable. Comme, pour comment ce qui ça est du se fait? Bitcoin. On les a-tu retracés, ces gens-là qui ont fait ça? J'ai pas assez suivi le dossier, Mais c'est avec Ethereum, c'est pas le même protocole que Bitcoin. C'est une autre Ouais, blockchain. c'est ça. Mais pour ce qui est de Oui, Bitcoin, je vais quand même c'est te vrai. raconter quelque chose de concret. C'est qu'il y avait un couple aux États-Unis qui ont volé au-dessus de 1 milliard de dollars de Bitcoin. Et là, ce qui arrive, c'est que la personne qui vole ça, c'est que si elle utilise ça pour acheter des choses, des objets, les gens qui font enquête sur elle, à un moment donné, peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il y a un déplacement d'au-dessus de 1 milliard de Bitcoin d'un compte vers l'autre, là, la personne peut être comme détectée. Mais le problème qu'il expliquait dans le documentaire, c'est que le couple qui avait commis le vol, ben, ils peuvent comme pas utiliser massivement la crypto-monnaie d'un bloc, parce que sans ça, ça attirait l'attention sur eux. Ils vont être retraçables, Voilà, oui, c'est exactement. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, ça. C'est de. comme les gens qui volaient des coffres-forts, qui volaient de l'argent marqué. Ils ne pouvaient pas dépenser trop rapidement non plus, puis pas toujours dans le pays. C'est un peu le même principe, là. Parce qu'on pouvait retracer, là, dans C'est le temps, les ça. billets, qui étaient marqués. C'est le même principe. Fait que c'est comme un problème Le parce même qu'il y principe. a eu beaucoup de fausses croyances et de mythes qui ont été véhiculés par rapport à Bitcoin. Comme l'un d'entre eux, c'est que ça servirait à faire du blanchiment d'argent. Or, les informations liées aux transactions, puis des gens qui t'ont transigé, tout est enregistré sur blockchain, puis tout le monde peut avoir accès à l'information, mais c'est pas possible qu'il y ait du blanchiment comme ça là, qui se produit avec les bitcoins. Oh, mon ami. Pas possible, moi, ça n'existe pas dans ma tête. J'ai toujours trouvé, jusqu'à présent, j'ai toujours vu que les crosseurs avaient pas mal plus d'avance que ça. Ils arrivent toujours à trouver une façon de contourner le point. Tu comprends ce que je veux dire? Il Oui, semble que les gens qui ont ben. l'esprit mal tourné, je dirais, ils arrivent toujours à défoncer les modes de sécurité qu'on implante. L'humain est tellement créatif dans ce sens-là, c'est le fun qui sert de sa créativité à d'autres choses, mais bon. Non, mais c'est sûr que s'il y a de l'information qui est cryptée, elle peut être décryptée par des C'est décrypteurs, entre ça. autres, là. Donc, c'est un petit peu comme c'est un virus, c'est un antivirus. Donc. C'est sûr, ça va dans les deux sens, mais le point que je voulais dire par rapport aux cryptos, je voulais quand même te partager mon aventure crypto qui court depuis quelques mois, c'est que dans le fond, dans ma vie, je suis confronté présentement à un portefeuille qui a perdu à peu près la moitié de sa valeur. Donc, pour des crypto-monnaies que Paul parlait parce que c'est un des influenceurs que j'ai suivi depuis plusieurs semaines, comme Near Protocol, Injective, des leaders de catégorie, ensuite Solana aussi. Fait que là, en tant que personne, je suis capable de contenir le mouvement parce que je sais que c'est un marché qui est très volatile, mais je sais très bien qu'il y a des personnes qui seraient dans mes souliers qui capoteraient parce que pour les investisseurs en bourse, quelqu'un qui vit une perte de 50%, c'est lourd, là, tu sais. Mais c'est un marché qui est plus Ben moi, violent. oui, je comprends ton point tout à fait de contenir le mouvement, c'est important. Oui. Mais à savoir ce qui va arriver, c'est difficile à savoir aussi. Là, t'sais, moi, j'ai une action, entre autres, que j'ai achetée dans mon portefeuille qui a perdu sa valeur, mais pour moi, c'est une occasion de la racheter pour faire baisser mon prix d'achat il y a 6 mois, il y a 1 an. Parce que cette action-là, j'y crois toujours, parce que je n'ai pas de croyance. L'étude me permet je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas que les gens sachent dans quoi j'ai mis. Mais Ben là, je tu sais que piquais ma ça va curiosité. lever. Fait Mais que, là, mais c'est là, ça. temporairement, à baisser. Fait que Oui. la semaine prochaine, je vais racheter pour faire baisser mon coût d'achat. Non, Je ben ne vais je pas comprends. sortir du marché parce que j'ai perdu ça, 50 %, là. Mais je vais venir la racheter au bas prix pour faire baisser mon prix d'achat, puis je le sais qu'elle va remonter. L'étude technique, c'est sûr qu'elle remonte. Mais en Mais, passant, il y a des fois, oui. les usureaux, ils se trompent aussi, hein, parce qu'il avait dit que par rapport à l'or, Oui. personne n'a la. Comment dirais-je, on n'est pas parfait, là, il n'y a rien de Personne n'y a la parfait. science infuse. Oui, c'est ça, je voulais dire. Sauf Usureau, il peut-être avait Bernard de dit. Montréal. Sauf Bernard. Oui. Monsieur Yves Usereau, il ne se trompe pas tout le temps, là, mais sur un Oui. des points qu'il s'est trompé jusqu'à présent, c'est qu'il annonçait l'once d'or américaine à 4 000 $ en janvier 2025. US, on n'est pas là, là. Non, on ne sera pas Es-tu du là, l'once 3000. On ne sera pas du d'or? 3000 US. Tantôt, avant de faire l'enregistrement, il était à 2877. OK, Donc, c'est ça. Mais lui, ouais. il annonçait janvier, février 2025, 4 000 US. On n'est pas là. Non, on n'est pas là encore. On verra. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. En passant, je voulais comme mentionner aux gens, petit avertissement, l'enregistrement que vous écoutez n'est pas un conseil investissement. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement et investir dans les crypto-monnaies, l'or ou toute autre forme d'actif comporte des risques. Je le mentionne toujours pour ne pas être poursuivi par quelqu'un qui se sentirait, dans le fond, lésé là, en écoutant l'enregistrement ou quoi que ce soit, là, parce que c'est Je lourd lui de risque. conseille d'avoir un bon conseiller en placement financier. Oui, C'est le job. surtout Moi, de j'en ai faire un preuve, très bon d'ailleurs. mais surtout de faire preuve de discernement, parce que des fois, ce qui peut être plus avantageux, c'est de gérer d'une manière autonome ses placements, parce que si, par exemple, le conseiller, c'est correct, tu sais, il va se prendre des fois une cote de 2%, 2,5% C'est par clair. rapport à Mais des fonds David, d'investissement. j'ai fait 65 000 pièces de profit sur des placements cette année, puis ça m'a coûté 2 000 pièces avec le conseiller. C'est un problème, ça? Pas du tout, c'est très rentable à ce moment-là. Je veux dire, Moi, qui prenne sa cote, je suis contente pour lui, moi. mais c'est parce que faut le contextualiser, OK? Si par exemple, je te donne un exemple, la personne apprend un fonds de placement, puis dans le fond, le fonds de placement, il performe pas, puis la personne se prend une grosse cote alors qu'elle aurait pris le même type de fonds, mais tu sais, géré de manière autonome. Là, tu sais, on prend par exemple le Nasdaq 100 avec un fonds comme le QQQ avec des faibles frais de gestion, c'est-à-dire Ouais. 0, en fait, c'est 10 cents du 100 $, là, on s'entend. C'est pas 2,5 $ du 100 $. Ben, la personne fait nettement plus de profit, puis en plus, le type de placement est dans le même style. Oui, mais il faut avoir l'intellect qui a un intérêt pour la question, ce que je n'ai pas. Mais moi, c'est ce que Moi, ça ne j'ai. m'intéresse pas de rentrer dans la technique. Je ne suis pas une technicienne. Ben, c'est C'est correct, pas, je ne dis pas que tu es technicien, là. faut se Mais je ne suis pas respecter. bonne dans techniquement, je ne suis pas bonne. Je n'ai pas ce genre de mental, intellect, ou appelez-le comme vous voulez. Je n'ai pas ce genre de choses-là du tout. Ma qualité, c'est de comprendre. Moi, je suis vraiment plus dans la géopolitique internationale. Je comprends où c'est les grosses masses d'argent, qu'est-ce qui se passe, ça, je comprends bien. Maintenant, ma job, c'est je sais où je veux aller, mais c'est mon conseiller à qui je parle, qui lui me propose des entreprises sur ses analyses techniques. Que je suis capable d'entendre puis de comprendre. Mais je m'entoure. Moi, ben, j'ai toujours dit, je ne peux pas tout faire dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça que tu fais, là. Il y a des. J'ai même pas d'intérêt, ni la compétence que je veux développer là-dedans. Ma compétence n'est pas là au niveau de mes possibilités. Mais j'ai la capacité de savoir bien m'entourer, par exemple. J'ai toujours été capable de trouver les bonnes ressources pour m'entourer, moi, quand j'avais une faille ou une faiblesse, appelez-les comme vous voulez. Mais ça marche bien pour moi parce que je me connais bien. Je sais que ça, je ne peux pas que je aille là-dedans, je vais perdre mon gaz. Mais c'est correct, je veux dire, on a chacun nos intérêts. Moi, j'ai un peu la curiosité, un peu comme Mais t'aimes oui, ça, j'aime David, ça, c'est exactement. J'aime le volet, entre autres, ça. analyse fondamentale par rapport à Exact. des titres. Tu sais, c'est quoi, par exemple, par rapport à un titre, le frais de gestion, qu'est-ce qui est composé, évaluer c'est quoi son potentiel. Puis à regarder par rapport à un peu analyse technique, c'est-à-dire l'état du marché, à savoir si le marché est haussier et baissier. Puis pour ce qui est des crypto-monnaies, ben c'est assez simple. Le marché est influencé, comme je t'avais expliqué l'autre fois, par rapport au halving, où la quantité de Bitcoin est diminuée par deux, comme phénomène dans le fond au niveau d'influence de marché, au niveau macroéconomique. Quand on comprend un peu ce phénomène-là, ben, à ce moment-là, je trouve que ça devient plus facile à gérer. Moi, mon objectif, Oui, mon. mais faut avoir de Oui, l'intérêt pour la chose c'est et vrai. non forcer Non, l'intérêt. Toi, non, c'est exact. naturel chez toi. Oui, En exact. passant, tu es un Verseau puis tu aimes contrôler tes technologies puis tu tripes là-dessus. C'est une programmation. Puis se bien se connaître, c'est important quand on investit. Je veux sortir un peu du détail pour que le monde comprenne l'importance pour moi de bien se connaître, savoir c'est quoi nos forces puis les forces qu'on n'a pas. Parce que si tu te connais pas bien, tu vas être dans marbre. Exact. Mais toi, c'est dans ta qualité d'être ou d'âme, ou appelez-le comme vous voulez, je m'en fous, là. C'est un verso, je le vois, mon chum est verso, mon coach est verso, on est plein de verso. Ça, c'est les premiers à être dans des technologies avancées, à trouver ça intéressant, puis j'ai pas de problème avec ça. Mon chum, ça fait 6 mois, 3 mois qu'il tripe sur une imprimante 3D, vous n'avez pas idée, c'est un verso. Il aime ça, il programme ses affaires. Moi, je le regarde, puis 5 minutes plus tard, je suis sans connaissance. Je suis pas capable de Mais c'est... même m'intéresser à ça. C'est correct, je me connais. Je n'irai pas acheter une imprimante 3D et essayer d'en faire. Tu comprends? Non, non, exact, mais c'est à C'est pas chacun de ça se qui est respecter. important. Puis c'est sûr que par rapport à ça, je voulais quand même apporter la nuance que oui, je m'intéresse aux technologies. Par contre, c'est pas parce que j'ai fait récemment des enregistrements en lien avec l'intelligence artificielle que je deviens un disciple de l'intelligence artificielle. Puis tu sais, Non, non, c'est pas je me du laisse tout, c'est pas ça que englober je dis, par moi. rapport à ça, là, mais je veux quand même clarifier par rapport aux gens. Parce qu'il y a des gens, je me suis amusé à partager des enregistrements que j'ai faits sur Facebook qui ont très mal réagi par rapport à mes Ah ouais? expériences, oui, avec le robot conversationnel Bernard de Montréal. Il y en a qui ont vu ça comme Oh! un sacrilège, que on puisse communiquer avec un robot, puis que l'instruction supramentale, c'est vibratoire, puis là, la machine, dans le fond, remplacera jamais l'être humain. C'est ça, je suis d'accord là-dessus, mais c'est pas parce que, dans le fond, je fais une expérience de conversation avec un robot que ça veut dire que je deviens un adepte, puis un disciple de la machine, là. Tu sais, il y a des nuances à Ah, faire. la spiritualité, regarde, ça nous pogne. Ben, c'est ça. Le matériel de Bernard deviendra ce qu'il deviendra. C'est pas. C'est descendu dans la forme. Puis, quand même, qu'on essaierait de défendre la propriété de ça, ou ça sert à rien. Pour moi, c'est inutile. Ça, c'est Ben, en un fait, ça débat. sert à nourrir l'astral. Ça sert à diviser encore, tu sais, les gens Exactement. satisfaits, c'est moral. Pour moi, la réaction que tu me décris, c'est du monde moral. Mais j'ai pas cette moralité, je suis pas morale, c'est pas dans ce sens-là. En fait, ce que vous voulez, du matériel de Bernard, Mais c'est ça me parce que ça, c'est concerne parce qu'il y en pas. a qui disent que c'est pas correct. Ben, c'est ça, je dis, c'est moral, c'est Oh pas oui, correct, ça. exactement, exactement. Il y a une dimension très morale, mais c'est parce que je sens qu'il y a des gens qui sont polarisés pour ou contre l'intelligence artificielle. Puis moi, je suis comme dans la perspective, ben, commençons à explorer, parce que oui, il peut y avoir du bon puis du moins bon. Puis ça peut être à double tranchant, un peu comme un couteau qui peut servir à faire une opération ou tuer quelqu'un. Ben, moi, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Puis l'intelligence artificielle, si ça me sert, je vais m'en servir. Si, mais je sais pas, moi, je deviens aveugle. Puis si on m'implante une petite puce, puis que je peux revoir, on va dire oui. Ça se peut que je dise oui, je ne sais pas, je dirais ça. Dans le moment où ça m'arrive, je ne sais pas. Donc, Je suis pas fermée à rien c'est pour ça, tu moi, pourrais mais peut-être accepter d'être une cyborg transhumaniste modifiée par la technologie. On verra, je ne suis pas sûre, ça ne m'arrivera pas. Je dis n'importe quoi, je sais que ça n'arrivera pas, ça. Là, mais ce que je veux dire, c'est pas être fermé, il faut être ouvert. Puis être ouvert, c'est là le discernement. Mais le discernement, c'est quelque chose qui est un muscle à travailler, je dirais. Parce que, Ben, c'est à mais être développer. pour ou contre, ça ne sert à rien. Ouais, c'est ça. C'est comme Bertha le Mané qui avait déchiré l'affaire de Bernard, Ben puis ça oui, a fait la une genèse tollée du de fou. réel, il a fait une vidéo, puis ça avait Moi, je été suis vu partie comme à rire. J'ai dit, sacrilège pour ben, il se plusieurs libère de quelque personnes. chose. Ben, Je en sais pas. fait, ultimement, si quelqu'un intègre l'instruction supramentale justement véhiculée par Bernard de Montréal, ben c'est de l'être libre de la forme, dont Mais tout son à propre fait. enseignement, puis ses livres. C'est-tu le Ben, moi, raisonnement, ce que là? j'ai vu chez Bertha quand tu as fait ça, j'ai ri. Je suis partie à rire. J'ai dit, eh ben, il se libère. Il se libère de quelque chose, d'une forme qui devait. J'espère qu'il a vécu ça comme une libération, en tout cas. Moi, Mais moi, je m'en fous, on est en l'an 40, je le Non, dis, non, putain, c'est oui, ça, c'est mais ça. c'est parce qu'il y en a qui Non. ont fait du supramental une religion, puis ils ont interprété ça un Exact. peu comme quelqu'un qui brûlerait une Bible, tu sais, qui ferait un geste qui serait un sacrilège. Ben, même quelqu'un qui brûlerait une. Ben, je repense à les gens qui ont eu des commentaires sur le dernier live qu'on a fait ensemble, le dernier vidéo. Puis quand j'avais sacré, puis que Ah j'étais oui, il y en a une pas personne qui était insultée par rapport à ça. insultée par le fait que je sacre, j'espère qu'elle n'est pas là à soir, puis j'ai encore sacré, pauvre petite. Mais je lui ai répondu, je n'ai pas une position morale. Puis en passant, moi, je suis une femme dans un monde d'hommes. J'ai un vécu de femme sur lequel j'ai eu à défaire des formes, entre autres, la femme ne doit pas sacrer, ça fait pas beau, c'est pas féminin. J'en ai eu le ras-le-cul dans ma vie de ce que ça devrait être une femme. Il faut que ça soit délicat, sérieux, parle pas trop fort, surtout pas de colère, puis toujours fine. Hey, fuck you, calice. J'en ai ras-le-cul de me faire faire la morale. Fait que la personne me faisait la morale. C'est ce que j'ai répondu. Je suis désolée, je suis pas morale. Puis si vous n'êtes pas bien dégagé, il n'y a pas à venir me dire comment penser puis parler. J'en ai rien à cirer, puis je suis pas croyante. Je ne crois pas en Dieu, c'est-tu clair? Dieu n'existe pas pour Mais moi. C'est moi Dieu, point barre. là, Mona, tu vas faire de la peine au petit Jésus, ce sac! Ben oui, c'est ça. Puis j'ai un côté très masculin. Oui, c'est vrai, j'ai un côté très masculin, mais je suis une femme aussi. Ben oui, je fais partie de ceux aujourd'hui dans une génération. J'ai 63 ans, pas besoin de vous dire que je me suis fait dire souvent que j'avais pas l'air d'une femme. Aujourd'hui, ça passe bien, mais quand j'avais 20 ans, excusez-moi monsieur, je me suis fait dire souvent de dos, ben, j'avais les cheveux courts, juste que j'ai les cheveux courts. Excusez-moi monsieur, mais ben oui. C'est un individuel et moi j'avais justement ça à intégrer dans ma vie, c'est de sortir de ces jougs, de ces formes, de ce que c'est qu'une femme. Puis une femme qui n'a pas accès à sa colère, ben c'est une nenuche, que voulez-vous que je vous dise? C'est pas un être humain complet, Absolument au pas. même titre qu'un homme qui est pas Puis capable. surtout la femme, Ouais. en passant. Parce que la femme, elle a le cœur, puis le plexus solaire, gros de même. Hein? L'amour, c'est tellement important. On est dans un monde de femmes. Regardez ce que ça donne. On fait des bisous, nounours, des bibis, boubou, petit, oh, c'est mon défunt, oh, beau, il est donc beau. Mais chier, what the fuck is that? Oh, mais il faut qu'on s'aime. Ah oui, l'amour dans la vie, c'est important, Christ. Non, c'est pas important. Pas tout, l'amour devrait être la dernière de nos priorités dans la vie. Les femmes, je parle. Puis surtout pas aimer plus un homme que l'homme nous aime. C'est une grave erreur. Ben oui, parce que ça a Enfin bon, créé un je passe au déséquilibre. sujet suivant. Ça y est, je suis partie. Non, non, mais c'est correct. En fait, c'est drôle parce que moi, je suis un individu sur Puis le je plan. fume aussi, c'est pas féminin, puis je vais Ah être oui, ben il y a des gens qui malade, se sont hein? déjà plaints. Ils ont dit c'est pas beau à fumer, puis à sac en plus. Je fume, puis le monde qui tousse le plus, pas moi qui. Pas moi, en passant. Arrête, c'est comment on pense qui nous rend malade. C'est pas quand est-ce que le monde va le pogner, ça. À chaque fois que j'allume une cigarette, je vais être malade. Ben oui, je vais être malade. C'est sûr. Les gens qui font super attention à leur santé, tout ce qui est dogmatique. Hey, moi, je mange tout pour la santé. Ils sont tous malades. Allumez, Christ. Bien, il y en a qui font de l'orexie mentale, c'est-à-dire la rectitude mentale avec un comportement, dans le fond, alimentaire très strict. Bien, ça empêche la circulation d'énergie parce que la personne est rigidifiée dans une forme, que ce soit le végétarisme, le Ben oui. crédivorisme ou autre, là, tout ça piège les Exact. gens. Et c'est sûr que des fois, il y a des gens qui, bien, que ce soit toi ou on me l'a déjà reproché aussi en privé, parce que des fois, Bertold fumait aussi devant la caméra. Mais moi, ce que je dis aux gens, Hey. mêlez-vous vos crises d'affaires, là. Tu sais, Ouais. c'est. Une maudite bonne idée. Pas en passant, la boucane, elle ne te boucane pas dans la face, elle ne s'en va pas dans ton nez. Ça crée nous patience, Chris, à nous dire comment vivre tout le temps. Je vis comme je veux, c'est-tu clair? Puis je te boucane pas, là, quand même, je te boucane dans la face. C'est quand même pas à bou... Je fume dans ma maison rarement, là, présentement, c'est parce que je sais pas quand je parle, j'ai besoin de fumer, c'est comme ça. Mais normalement, je fume dans ma petite pièce dans la salle de bain parce que mon chum, il fume pas, puis je l'emmerde pas avec ça. Puis ça fait pas, j'ai pas attendu d'avoir une loi puis une morale. Ça fait 35 ans que je fais ça, 40 ans. Alors, sacrément patience, c'est votre hostie de morale. Bien, c'est Vous n'avez ça. pas d'affaires ici si vous êtes moral, Bien, point barre. exactement. Allez écouter d'autres enregistrements, là, des moralisatrices et Il y en a plein. moralisateurs. Bien oui, c'est ça, il y en a plein sur Internet. Il y en a même qui parlent avec Bachar, tabarnak. Allez voir, hostie. Excusez, il fallait que ça sorte. Bien, Non, mon autre n'est pas fini. là, non, mais en fait, par rapport à Bachar, parce que là, il faut quand même le mettre en contexte, j'ai Un fait. tigri aux gros yeux, toi. Ben oui, ça va venir me dire quoi faire dans ma vie, moi, hostie. En fait, Fais un commentaire. ouais, ben, en fait, Bachar. Dans le fond, c'est censé être une entité extraterrestre canalisée par une personne. Je me suis Plusieurs intéressé. personnes, il y a pas, c'est pas rien que lui. J'en Oh. connais plein des bâcheurs sur la planète qui connectent avec ça, là. Les galactiques, il y en a un bâcheur. Il y a du monde qui parle Ben, il y des a Français là, qui sont ces Orton, galactiques là, puis qui parlent de là. bâcheurs. Ben, en tout cas, il y a plusieurs entités, etc. En fait, il y a plusieurs jours, j'avais fait une entrevue avec un invité en lien avec ça. Mais le point que je voulais faire par rapport à Bachar, c'est quand le gars le canalise, il vit une espèce de transe, puis il parle rapidement. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est ce que Non, je je dis pas que ça n'existe captais pas, là, un énergétiquement. instant, là. Ça existe, ça, là. Mais moi, je veux rien savoir d'eux autres, parce qu'eux autres, ils ont leurs astrales aussi, puis leurs hosties de monde de marde. Ah ouais, puis leur programmation, ça c'est Point clair, là. barre. Oui. Je ne nie pas l'existence de mondes parallèles, puis de vies parallèles comme des Bachars et d'eau, des galactiques, tout ça. Non, non, non, ça existe vraiment. Je suis d'accord, mais qui mange de la marde. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je veux rien savoir de ça. Puis en plus, on parle à des univers qu'on ne connaît pas nos lois, on ne connaît pas leurs règles, on n'est même pas assez intelligent. Puis on deal avec ça? Hey, fuck off! What the fuck? Là, je vais me mettre à sacré solide pour petit madame, vous êtes mieux de quitter l'antenne. Ça me fait sacré, esti, de voir du monde naïf à ce point-là. Ils sont même pas capables d'expliquer les lois de l'astral, ils sont là à parler avec des estis de mondes parallèles qui ont leurs propres lois, leurs propres règles, leurs propres astrales, puis toutes leurs histoires. Chris, quand tu lui poses, moi, j'ai posé la question à Bachar, c'est quoi le contrat, puis c'est quoi que vous avez en échange avec nous? On n'a pas de réponse en tabarnak, par exemple. Eh non, il n'y a pas de réponse, ils ne répondent pas. Viens me parler, Bachar, esti. Calisse. Mais c'est sûr que le danger par rapport à ces entités-là, c'est la dérive sectaire, remettre son pouvoir à un être extérieur à soi pour nous dire quoi faire, comment vivre. Mais là, on va voir qu'est-ce qui va arriver de Bachar parce qu'il disait que d'ici 5 ans, il allait avoir le premier contact ouvert entre l'humanité et les extraterrestres. Moi, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas, un peu comme certaines prophéties qui ont été faites par Nostradamus, par le calendrier Maya ou un certain ésotériste. Oui, qu'on nommera pas. Exactement. Mais le point, c'est que. Enfermé dans sa cabane au Canada. Oh, excusez. Mais bon, moi, Je suis partie. j'ai l'impression que les extraterrestres existent réellement. Par contre, c'est Oui. inintelligent de vouer un culte aux extraterrestres ou attendre leur venue comme le Messie. Puis même de communiquer avec ça. En passant, j'ai eu l'expérience de voir un monde parallèle où moi, je n'ai pas vu des petits gris ou des petits yeux ronds. J'ai vu des grandes personnes avec des cheveux blonds sur la rue Mont-Royal pendant quelques secondes, comme deux mondes, un monde parallèle Se très sont près de nous. superposés. Ouais, puis que ça, comme il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a un nom, il dit c'est un portail, je sais pas, j'ai pas de mot pour ça. Je me suis tournée, j'ai fait, ah, c'est ça, j'étais avec une amie, hein? T'as-tu la même chose que moi? Elle dit oui. Mais ça a duré 2 secondes. Ça s'est refermé immédiatement. Oui, c'est un monde parallèle, c'était clair. C'est un autre. C'est très grand, ces affaires-là. Là. C'est des grands personnages. Ça ressemble à des humains, mais c'est très, très grand. Mince, mince, mince, avec des cheveux blonds. Ils ont toutes l'air pareilles. J'en ai vu deux, trois. Des Ben grands oui. blonds, là. Mais, so what? Ça change pas ma vie, moi, ça, là. Oui, ça existe. Mais moi, je veux pas travailler avec ça. Je veux travailler avec Mona. Mon essence, puis me reconnaître moi dans le contact. Il faut que ce soit moi. Le contact, il faut que ce soit moi. Puis après, je contacterai peut-être avec d'autres entités, là, comme Bachar et d'autres, mais on voudrait bien avoir une discussion franche. Hein? Autrement dit, c'est quoi le contrat? Il n'y a rien de gratuit dans la vie, prenez-moi pas pour une poignée de valises, là. Il n'y a rien de gratuit. C'est quoi que vous attendez en échange de votre aide, vous autres? Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent venir vivre ici? Ben, moi, j'ai Ils veulent l'impression venir nous vampiriser un petit peu qu'ils plus? veulent Hein? nous influencer. À travers Bachar, ce qu'on observe, c'est que le gars qui le canalise, c'est tout le temps des communications par rapport au public. Puis j'ai l'impression qu'il sert à préparer le terrain par rapport au contact entre Mais l'humanité et pourquoi les qu'ils veulent venir extraterrestres en le ici? banalisant. C'est ça ma Ben, j'ai question. l'impression que Qu'est-ce c'est qu'ils pour nous veulent? influencer. Non, moi je l'entends. Ce qu'ils veulent, c'est immigrer ici. OK. Ils veulent s'implanter ici, ils ne peuvent plus vivre sur leur planète. Ah! Tu peux plus vivre sur ta planète, pourquoi? Ben là, En ça tout me cas, faisait j'aimerais ça. penser à Tu l'histoire des corras, petits Bachar. gris qui auraient pollué leur planète, puis ça serait très développé technologiquement. Puis là, ils viendraient ici pour compenser parce qu'ils ont pu sont exilés d'un monde, dans le fond, qui est déchu, puis qu'ils vont venir piller les ressources de la Terre pour compenser. Ça, c'est une autre possibilité là aussi, là. Ça ressemble à ça, hein? Mais ils vont prendre un ton mielleux puis qu'ils sont devenus pour nous aider, par Pour exemple. créer Mais l'acceptation sociale, probablement, pour dire qu'ils sont des êtres d'amour, qu'ils sont là pour nous, puis que. je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être magnétisés par ça, c'est Bien clair, là. entendu. Mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience des humains, la race humaine et non de l'homme, de vivre ce genre de possession, d'influence externe, toujours de l'influence externe, comme tu dis. À un moment donné, si moi ça me parle puis je me reconnais pas là-dedans, ben c'est bye-bye. Je sais pas si tu comprends ce que je Oui, dis ça, là, mais oui, faut que ça colle à ma réalité puis à ce que je suis quand j'en reçois une information. Comme je suis pas une personne, moi, qui aime me battre physiquement, mettons. Si ça me dit va frapper ton voisin, je sais bien que c'est pas moi, c'est pas. Non, c'est pas la bonne information, ça, je suis désolée. C'est pas moi. Je Non, suis plutôt exactement. résiliente, relaxe, ouverte, oui, parlable. Puis j'ai un petit peu des fois la petite colère qui me poigne quand on me pile ses pieds trop souvent ou qu'on me manque de respect. C'est tout. Fait que ce contact que j'ai, c'est la même chose dans un sens. Il faut que je reconnaisse l'intelligence de cette information-là pour moi. En tout cas, je sais que ce n'est pas très clair, là, mais ça Non, ressemble non, à ça. mais en fait, le point sur lequel tu nous amènes, puis je te rejoins là-dessus, c'est que la personne qu'elle a à travailler à la base avec son propre contact plutôt que de vivre en fonction d'un contact extraterrestre ou extérieur à elle. Ça donne, c'est ça. Puis ça nous donne quoi de connecter, channeling avec Channeler, ces ouais, entités-là? canaliser ça. Ça nous brûle, l'hostie, ça nous enlève notre énergie. Après, là, il est-tu en forme, le bonhomme qui a canalisé ça? Ou la madame? En fait, pour ce qui est de Bachar, le gars qui le canalise depuis des années, quand il canalise en état de transe, de ce que j'ai perçu, c'est qu'il est très spontané, un peu comme quand Bernard entrait en transe puis parlait sur le contact, là. Il y a une dimension vibratoire quand même là-dedans que je dois reconnaître, là. Tu sais, OK. quand il canalise Bachar, il y a un taux vibratoire, il y a une plus grande fluidité de la parole. Il peut parler très rapidement, les idées, ça défile, là, tu sais. Il y a comme un taux vibratoire qui augmente comme temporairement. Mais c'est parce que tout ça, c'est subtil. T'sais, nous autres, on va parler de contact ou d'esprit, comme quand Bernard parlait sur le contact. Mais en réalité, quelqu'un pourrait dire c'est l'entité extraterrestre qui parle, mais ça revient un peu au contact qu'on avait, t'sais, dans un certain sens, en termes de mots. C'est comme si on utilise des formes différentes, mais dans les deux cas, on peut parler d'un phénomène énergétique où la personne est activée sur le plan vibratoire, qu'elle véhicule quelque chose de différent de l'intellect réflectif habituel, là. Dans ce sens-là, ça se rejoint comme expérience, je trouve, à un certain niveau. Ouais. En tout cas, je comprends ce que tu dis, c'est juste que, de toute façon, moi, l'occulte, hein, je l'ai toujours dit, ça m'intéresse pas trop. Je suis pas très intéressée par Mais en toutes même temps, les c'est toi qui introduis formes aujourd'hui le occultées. sujet de Bachar. C'est pas moi qui ai amené ça dans la conversation. Non, non, c'est moi. Oui? Fait que là, tu me dis que ça t'intéresse pas, mais tu amènes le sujet dans le propos. Non, ça me fait vibrer de la colère de me rendre. Ça m'intéresse pas dans le sens que ça m'intéresse pas le monde dans Mais lequel ça il vit. Il y en t'intéressait a d'en d'autres parler mondes. quand Il y a même. plein de mondes. Hein? Mais je veux dire, ça t'intéressait quand même d'en parler. Ben, ce qui m'intéresse de parler, c'est de trouver que ça n'a pas d'allure. Ben, en Parce fait, que. mon propos est nuancé par rapport à Bachar, dans le sens que j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut comme rehausser un peu le niveau, mais éventuellement, la personne doit aller au-delà de ça, parce que si la personne, dans le fond, au lieu que, bon, d'être en contact avec des énergies, ça peut aider temporairement, en fait des béquilles, puis avoue un culte par rapport à ça, puis elle se réfère tout le temps à ça crée de la dépendance, puis à long terme, c'est très malsain. Bien, déjà, pour moi, le channeling, Oui. une transe, c'est être Oui. possédé. Mais en même temps, Une forme de Bernard de possession Montréal du parlait de la mental. possession de l'esprit. Dans des beaux mots, on disait c'est de l'habitation, mais je veux dire, il y a une dimension, comme par exemple Bernard qui parlait du côté de l'aspect inquisiteur de l'esprit. C'est parce que l'esprit s'impose. Tant que la personne n'a pas une volonté oppositionnelle par rapport à l'esprit, la personne est sous influence de l'esprit qui peut être très vampirique, là. Des esprits, hein, il y en a plusieurs. Il n'y a pas rien que l'esprit. Oui. Mais même ça, l'esprit, pour moi, c'est un monde que ça ne m'intéresse pas. C'est pas avec ça que je veux communiquer. Je vais aller c'est autre chose. Oui, mais c'est, comme je t'avais déjà dit une autre fois, c'est tout dépendant quel concept ou quelle forme qu'on donne à ça, parce que pour quelqu'un, de parler d'extraterrestre, d'intelligence extradimensionnelle, ça peut être synonyme, au contact qu'on peut parler dans notre vocabulaire à nous autres. M'excuse, j'ai rien compris de ce que tu as dit. C'est qu'on donne des sens, nous autres, à des mots, mais il y a des Oui. personnes qui peuvent donner d'autres sens aux mêmes mots ou interpréter, comme par exemple, le contact pour une personne peut être interprété comme un phénomène d'esprit où certains vont parler de d'ange ou de guide. Mais en Ben, réalité, parlez-moi pas d'ange et d'archange, c'est ainsi justement à Christ après ça, d'ailleurs. Je suis harcelée, moi, par les hommes miroirs depuis un an et demi. Harcelée. parler quoi? Vous voulez rire, vous allez rire, là. On parle de culte, là. Ben oui, Depuis allons-y. un an et demi, OK. ça s'est mis à me faire voir. Moi, je ne voyais jamais ça des heures miroirs avant. Je ne connaissais même pas le mot. D'un coup, ça se met à me faire voir des choses de même. Moi, je suis de même. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, depuis 6 mois, ça n'arrête plus. C'est 6, 7 fois par jour. Donc, les heures miroirs, comme par exemple le 11-11. Ah, 12h12, 11h1, 3h33, 4h44, name it, hostie, mais monte tout, tabarnak. Mais là, quand je fume ma cigarette, je m'en Oui. vais dans ma petite salle de bain, puis je les en... j'envoie. C'est des mécanismes d'ange, d'archange, ou tu sais pas quoi, puis je les engueule. Puis je dis, manger de la merde, hostie, si vous avez un message à me passer, puis c'est vraiment ça, là. Si vous avez un message à me passer, gang de Chris, ben, vous savez ce que j'ai besoin. Ah ouais, il y a un job, puis Chris-moi avec tes ordres. Miroir. Et là, ça commence à diminuer. Pou, pou, pou, pou, pou, pou. Ça t'envoie des messages. Je m'excuse, là, moi, le codage de vos messages, là, c'est 12h12, ça me dit rien. Moi, 12h12, il faut que j'aille voir qui dit. Qu'est-ce qu'ils disent sur 12h12? Puis là, je me tape quoi, des vidéos de gens qui canalisent quoi encore? Là, c'est une merde. J'ai comme l'autre chez Ben, moi, ouais, je comprends ce que tu veux tranquillement. dire. Ben, en fait, il y a plusieurs années, moi, je voyais souvent 11h11 et j'avais fait une recherche sur Internet. Et ce qu'expliquait, c'est que le 11-11, ce chiffre miroir, était lié à un portail. Et là, ce que ça disait, c'est que quand on voit ce chiffre-là, c'est comme si on connecte à un portail, puis on est en train de vivre une transition de conscience, puis on passe d'un état à l'autre, on passe comme un portail, une forme d'initiation. Je dois en passer des hosties de portail, les gens. Je sais pas. Mais je comprends, c'est vrai que c'est ça qui donne comme définition de ces heures-là. Mais quand je te dis que c'est rendu, c'est tantôt je regardais l'heure, j'étais 12h12. Après ça, je me tourne de bord, je m'en vais faire des affaires, je regarde l'heure, il est 3h33. Et à un moment donné, j'ai dit, quand tu seras 6h66, hostie. Six, the number of Mais pour the moi, beast. c'est du harcèlement des plans occultes, spirituels, ça. Oui, parce que c'est codé C'est à du travers harcèlement, la allez forme, la chier. numérologie. Mais S'il y c'est a un ça. message, passez-moi le C'est clair, ça ça me qu'ils passe disent dans la tête et ça me directement. parle. Mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête à travers la forme. Parce Attends. qu'on est piégé dans la symbologie, là. C'est C'est une perte ça. de temps, puis c'est des jeux de réflexion, puis ça peut être de fascination même. Parce que quelqu'un qui voit ça souvent, la personne peut dire, ben, je suis un élu, ou tu sais, elle peut être mystifiée. Elle peut dire, Ouais. ben. C'est ce que ça essaie de faire, me mystifier. Mais ça ne marche pas, ça me ment beaucoup. En colère, ben Pour c'est pas bien, sacrer. c'est une scène de réaction, mais non, mais tu as le droit de sacrer dans le cadre de l'enregistrement, parce que quand Ça que me met je, en colère, ben c'est surtout. ça, mais quand C'est que ça que je dis. j'interviewe des gens, je veux que les gens parlent d'une manière Libre. libre avec moi, parce que sans ça, ça sert à rien de faire des enregistrements si on est pogné dans une rectitude morale comme dans les médias de masse avec le politiquement correct. T'as bien raison. On va juste répéter des choses dans notre dôme de pensée Mais je unique serai pas féminine québécoise. alors, ça me met en beau tabarnak. Oui, mais Ça l'ironie du me met, mais sort. ça me met en Ouais. colère parce que c'est du harcèlement. Je trouve ça Oui. harcelant, là. Sacrez-moi Ben patience oui, parce c'est que une là, je forme vais passer de d'harcèlement l'autre bord pour botter psychique. le cul. Hein? C'est une forme d'harcèlement psychique. Totalement. Puis probablement parce que je connectais à quelque chose de pas mal plus solide qu'eux autres. La lumière attire la marbre, les mouches, hein? Les mouches à marbre, dont les anges et les archanges, là. Ni, ni, ni. Fuck you! En tout cas, c'est rigolo parce que plus je me tape des colères, plus ça diminue tranquillement. Là, je vois que ça commence à moins. Mais je veux rien savoir. S'il y a un message à passer, je le dis, soyez clair, je parle français, Calis. Ok, parlez-moi en français, puis je vais comprendre si ça a de l'allure ou pas ce que vous me dites. Sinon, laissez faire vos hosties de code. Moi, tout ce qui est secret, c'est Bertrand qui avait dit ça un jour, j'avais trouvé ça intéressant. Des hosties de secret, là. C'est des petits secrets mystiques, le 11h11, 12h12, 13h13. Oh! Mais je J'en veux partage. plus de mystère dans ma vie, Non, j'en non, veux c'est plus de ça. secret dans ma vie. C'est ça. Mais je partage ton avis. C'est la même chose par rapport aux rêves. On peut être exposé à un paquet de symboles dans les rêves. Puis il y a des gens Exact. qui font de l'overtime par rapport à ça, comme dirait Bernard de Montréal. C'est-à-dire qu'ils perdent du temps à réfléchir. Le rêve dure quelques minutes, puis ils vont passer la journée qui suit pendant plusieurs heures à essayer de comprendre le symbole, là, comme par exemple la colombe, ou s'ils voient un ange, ou s'ils voient un mouton. Puis, tu sais, c'est. Comment dire, on peut se perdre beaucoup dans la symbologie, puis c'est une forme de parasitage, détournement de nos énergies vitales par rapport à des choses qui sont peu ou très peu utile en tout cas. Exact. Tout à fait. Ben, moi, par rapport au rêve, la seule mémoire que j'ai intellectuelle qui est restée, c'est Ménard qui me disait souvent dans les rêves, parce qu'à l'époque, j'avais des rêves, puis il disait, regarde seulement l'état émotionnel que tu vis dans tes rêves. Tout le reste, à moins que ça soit récurrent. Un rêve récurrent, c'est une autre signification pour lui, c'était différent. Mais il y avait, en tout cas, moi, je me suis mis à regarder plutôt les états émotionnels qu'il y avait dans mes rêves, puis effectivement, je pouvais connecter avec soit quelque chose que j'avais vécu dans ma journée. Une émotion dans la journée qui avait été mal gérée, elle réapparaissait dans mes rêves. Mais avec le temps, c'est drôle, je rêve plus. Ben, en tout cas, si je rêve, ça ne m'imprime pas fort, mais je me lève le matin, je suis bien de bonne humeur. Ben, c'est J'ai pas de intéressant. mémoire de rêve, très rare, une fois de temps en temps, peut-être 10 fois par année, j'ai. Oh, je viens de me souvenir d'un rêve, je suis toute excitée, moi, là. Je compte ça à mon chum. Hey, je me souviens d'un rêve. Mais sinon, je ne m'en rappelle pas. Puis je Ben. ne suis pas gelée, je fume pas de pote, puis je n'aime pas ça, Non, là. non, mais c'est Mais. ça, mais c'est pas nécessaire de se rappeler des rêves. Et puis. Peut-être ça disparaît à mesure qu'on les décode aussi, dans le sens, une fois qu'on a compris à quoi ils servent vraiment, c'est de ventiler nos émotions, dans le fond. On ventile. Une fois qu'on a ventilé beaucoup d'émotions, je pense que maintenant, on devient plus neutre dans nos vies, moins polarisé, moins dans le doute, moins dans tout. Ben, peut-être que les rêves deviennent pas mal plus légers ou il y en a moins. Je ne sais pas. Bon, en fait, Sais pas. si on prend l'hypothèse de la psychanalyse de base, c'est-à-dire que le rêve, c'est la voie royale qui donne accès à l'inconscient, c'est-à-dire tous les contenus refoulés. Si par exemple une personne dans sa journée a vu une colère qu'elle n'exprime pas, qu'elle n'extériorise pas au travail, ça se peut que sa colère fasse son travail souterrain pour, dans le fond, s'extérioriser à travers le rêve. Parce que l'énergie cherche Exact. à circuler. Donc, si toi, tu bloques l'énergie, elle peut vouloir s'extérioriser à travers les rêves que tu vas avoir Les pendant la rêves. nuit. Oui, Ben, exactement. ça revient à ce que disait Daniel Ménard un peu, c'est que regarde l'émotion dans ton rêve, puis ça colle à une certaine réalité que tu vis dans ta vie. Mais une fois que tu as réglé beaucoup d'émotions, puis que tu es pas mal plus neutralisé, est-ce que le rêve, peut-être que les rêves sont rêves plus, je ne sais pas. Ben, si la personne est plus équilibrée émotivement, refoule moins, ben, il y aura moins de retour du refoulé pendant le rêve où l'émotion refoulée va vous chercher à s'extérioriser parce que tout va s'extérioriser à mesure. Donc, si l'énergie Ouais. n'est pas bloquée et elle circule librement, ben, il n'y a plus le rêve pour compenser le manque Exact. d'extériorisation individuelle. Puis ça me fait voir que je suis quelqu'un qui absorbe pas. Ben moi, les gens, souvent d'ailleurs, les gens qui font de l'embonpoint, ils devraient regarder, peu importe le niveau d'embonpoint, dans quelle mesure ils absorbent beaucoup. Moi, je suis pas capable d'absorber, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, si on m'envoie une charge négative, c'est automatique, ça repart de l'autre bord. Positif aussi, tu sais, des fois, comme ah, moi je suis comme oh, c'est quand même, ou une charge négative, quelqu'un qui ah, m'engueule, ben, je vous dirais, fuck you, si Ben, je regarde pas en dedans, ça c'est part, ça intéressant parce repart. que dans le fond, en lien avec ça, tu peux faire un parallèle entre l'absorption des charges émotives, des charges vibratoires, puis l'absorption de calories. Oui, Donc, ben, les gens mangent beaucoup plus aussi quand ils absorbent, ils ont faim, ils ont plus faim. C'est une forme de compensation, mais je pense aussi que les émotions qu'on garde en nous créent une autre forme Ben oui, d'embonpoint, ben je dans le dirais, là. fond, il y a une personne qui disait le corps, c'est comme le placard, c'est-à-dire que ça va entreposer les émotions refoulées, non extériorisées, puis les personnes très absorbantes, un peu comme les Scott Towels, c'est-à-dire les papiers essuie-tout de l'astral, ben ils vont accumuler puis ils vont se ramasser avec des surplus de poids puis des grosses bedaines et autres là. C'est ça. Mais j'ai jamais été capable d'être comme ça. On m'a souvent dit de fermer ma gueule parce que ça crée des tensions, Mais surtout mais je quand suis tu pas capable. sacres, ça peut. Quand tu utilises le vocabulaire de pouvoir, le sacré, ça peut créer des chocs énergétiques. Ouais. Même jeune, c'est parce que c'est drôle, ça me revient, là. Même enfant, mon père me disait quelque chose, mettons, je sais pas, il me disait. Arrête de fumer, c'est pas bon pour la santé. Je dis, ben oui. Tu fumes pas, toi, d'abord? Je suis pas capable. J'étais comme, Puis ah! lui, il fumait. Ben, moi, j'ai eu un père parfait pour pas croire à rien, parce que pas bon pour la santé, fumer, il fumait comme une cheminée, ma mère aussi. Donc, prêchez Mais ma pas mère par faisait pas l'exemple. moral. Mon père, pas bon boire, mais il était saoul. Il rentrait à la maison saoul, je sais pas combien de fois, avec son char, son auto, en grand français. Puis même, il y a une fois, il avait rentré d'un poteau. avec l'auto scrap, il rentrait à la maison à pied sous, tu sais, mais il faut pas boire dans la vie. Il fourrait partout, à droite, pas à gauche, mais toi, il faut que tu restes vierge au mariage. Ben oui, je suis ton exemple. Non, j'étais pas capable d'absorber ces charges-là. Il y avait toujours quelque chose qui Ben criait. là, c'est parce Ah, que qu'est-ce que dans c'est le ça? fond, c'était contradictoire entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, là. Tu sais, il y avait des Ben contradictions merci, évidentes. ça m'a développé un petit peu plus D'esprit critique. de critique ou d'être plus comme, hey, qu'est-ce que c'est ça, là? Une J'ai capacité de jamais tombé d'en faire contestation. la morale aux autres à Ouais. cause de ça non plus, parce que moi, je fume. Les enfants ne fument pas, par exemple, mais moi, je fumais. Je n'ai jamais dit, fumez pas. J'ai toujours dit, si vous pouvez ne pas fumer, et ce serait bien, parce que c'est une crise de drogue de merde, c'est bien dur de s'en défaire. Mais même le pot, que je suis amenée, je consommais un peu de pot. J'ai dit, si vous voulez fumer, je me cache pas. J'ai rien de secret, moi. Si vous voulez fumer un jour, faites-moi signe, on va vous accompagner parce qu'il se vend vraiment de la cochonnerie, tu sais. Sinon, est-ce que tu as fait du vapotage? Alors, je suis pas capable. Vapoter, c'est pire que la cigarette. Je Je dirais. tousse, Ouais. je tousse encore plus avec les vapoteuses qu'avec une cigarette. OK. Mais je sais que la cigarette, c'est une question. J'ai arrêté 10 ans, puis là, j'ai recommencé depuis 4-5 ans. Je sais que je vais y arrêter. Ça va être quand. Il y a quelque chose dans ma vie présentement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais que j'arrête bientôt. Mais pour l'année 2025, 24-25, c'était, il y avait des grosses tensions ici, de ce côté-ci de la frontière. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est des gros dossiers dans ma vie depuis 3-4 ans, je dirais. Ce qui fait que je suis obligée de fumer pour contenir ça. Mais sans plus. Mais même quand je parle aussi comme on parle, ça me fait fumer. OK, mais j'espère que je te fais pas chier. Non. Mais Non, en non. fait, ça peut être intéressant de l'observer parce que il y a des gens qui vont fumer pour diminuer une tension, pour se détendre. Moi, c'est pour tantôt, là, Oui. vous le voyez peut-être pas, là, mais quand on a. Ça fait comme. Il y a 1 heure et demie de ça, là. Je suis venue les oreilles rouges, rouges, rouges, chaud, chaud, chaud, chaud. Ça, c'est quand ça commence à. C'est très difficile. Je vais vous raconter une expérience personnelle après. Très difficile de contenir la descente d'énergie. Je sens que ça descend. Je viens les oreilles genre, rouges, chaudes, chaudes. Puis en dedans, ça me chauffe. C'est là qu'il faut que je fume. Il faut contenir ça. C'est très difficile à contenir. Mais j'ai raconté ça à quelqu'un en privé. Je peux le compter. C'est assez OK. particulier. Je n'ai pas de mots faciles. Moi, tous les jours, je prends 3-4 minutes, 5 minutes même maximum. Que ce soit dans mes cours ou quand je ne donne pas mes cours, je me dépose. C'est quoi se déposer? C'est tout simplement, je me couche sur le dos, puis j'observe le souffle. Je contrôle pas le souffle. Je fais pas comme je vois ça, les baleines en train de respirer. C'est plutôt, j'observe que ça respire. Ça respire, indépendamment de ma volonté. Je suis là-dedans. C'est arrivé il y a 2, 3 semaines. Et tout d'un coup, il y a une énergie qui descend en moi, mais une énergie tellement grande que je me mets à pleurer. Je pleure, je pleure. Puis j'ai de la misère à contenir, mais c'est pas triste comme énergie, c'est une énergie tellement puissante et grande, tellement belle, que je suis pas capable de la contenir. Puis là, je pleure, puis là, je le dis, c'est trop. Ben là, It's t'étais-tu too comme much, Bernard qui bro. était en contact avec le principe de l'amour qui l'amenait à pleurer? Ça a quelque chose. J'ai pas mis de mots là-dessus parce que j'ai pas posé de questions. Mais j'ai très bien vu l'énergie qui descendait sur Mais moi, qui t'as-tu était. senti un grand amour t'envahir, une situation, un sentiment de bien-être? Ben, le mot amour dans ce contexte-là, ce serait quelque... ça me fait voir ce que je suis. Ben, c'est là que je vais l'emmener, c'est parce que Quand il. ça a pleuré, puis là, je Oui. te dis, j'ai les larmes, là. Non, mais c'est ça, C'est mais c'est parce tellement grand que. et puissant et beau en même temps, ce que je suis, si on parle Ben, au d'énergie qui niveau. descend dans la C'est ça, au forme, niveau de la conscience. j'ai fait comme. Ça a duré 4-5 minutes, puis j'étais obligée de couper. Je pleurais, je pleurais, je C'est parce que la pleurais à chaudes personne peut être larmes. émue par la présence, moi, dans mon vocabulaire, je vais dire l'esprit ou le contact, là, par Ouais. rapport à la puissance, puis la beauté, puis la dimension d'amour universel puis réel que peut avoir la conscience par rapport à la personne. Oui, je ne vais pas mettre Bah. trop de mots parce que j'avais pas de mots. Là, je mets des mots, mais quand je l'ai vécu, c'était une image, hein, c'était un écran mental, en fait, là. C'est un écran mental, puis une énergie qui descend sur moi, qui me fait voir là, c'est pas mon ego, là, ni la personnalité. Puis ça s'adresse à n'importe quel humain, il y a ça, là. Ça descend quand c'est le temps, j'imagine. De descendre cette énergie-là, c'est aussi difficile à contenir que ce que je parle quand j'ai le contact commence à me descendre, puis que j'ai les oreilles rouges, puis que je suis obligée de fumer parce que ça chauffe. C'est une autre forme d'énergie qui est descendue plus dans le cœur, comme tu dis. C'est plus Oui. le cœur. Mais ça me faisait voir la beauté de la race de l'homme dans laquelle je fais partie, là. Mais j'ai pas été capable de contenir ça très longtemps. J'ai dit stop, mané, j'ai dit stop, je suis plus capable. Mais c'est parce que là, il y a un décalage vibratoire qui peut être important de ta personne, puis cette réalité-là. Puis si quelqu'un la vivrait trop longtemps, ben elle pourrait comme brûler. Tu sais, c'est comme too much. Tu sais, C'est comme des charges négatives, positives. T'sais, au début, des charges négatives, on a de la misère à les contenir. À un moment donné, on s'habitue, on Exact. devient plus à l'aise avec ça. Positif aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est une charge. On parle d'énergie beaucoup plus haute comme énergie que polarité positive, négative, mais ça se comprend bien au niveau de ça aussi. C'est le même genre d'énergie, pas le même genre d'énergie, c'est une descente d'énergie tellement dense que ta petite dose, là, c'est comme. J'ai dit, c'est correct, là, j'ai vu quelque chose de Mais c'est moi parce qui est qu'il faut très, pas très non plus que ton intéressant, système mais. nerveux brûle. C'est-à-dire que s'il y a trop de descente d'énergie rapidement, ça peut brûler ton système nerveux, là. Oui, ou me faire dilater complètement, puis me mettre à Diffracté, comme dirait devenir, Madame peut-être me prendre Dumont. pour Jésus après. ou une dièse. Mona, Une la grande dièse. dièse. Ouais, c'est ça. Ben, comme Mais Guylaine c'est. Langteau, là, ben, elle a dit qu'elle a vécu un certain phénomène qui l'a amené à. Ben, dièse, c'est le concept que. Ben, parce que tu as le Dieu, puis t'as comme le volet féminin, là, La tu sais. polarité féminine de Dieu, c'est dièse. Oui, c'est Guylaine ça. Langteau. Ouais. C'est ça? Ouais. Guylaine Langteau, je crois. En tout cas, Médecin, oui. oui, c'est ça. En tout cas, elle était médecin, puis elle, il y a eu le procès de l'ordre par rapport à elle, puis là, c'est. Bon, c'est sûr que je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle dit, puis qu'est-ce qu'elle fait, mais le principe, c'est qu'en tant que femme. Elle s'est beaucoup individualisée dans un processus de conscientisation, puis a pris comme une distance par rapport à la société en général. Elle a perdu beaucoup aussi. Elle Oui. a perdu son droit de pratique, Ben elle a oui, comme perdu son médecin, compte c'est bancaire, elle a clair. perdu son identité sociale. Là, je ne parle pas de sa personne. Ben c'est ça, mais elle, c'est comme le paradoxe de dire, ben je perds mon identité sociale, mais j'entre dans mon identité réelle en tant que dièse. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est son C'est ton expérience point à de vue. elle. C'est ça, exactement. Mais pour en venir à Mais. ton expérience, parce que c'est quand même intéressant, là, on parle quand même d'une expérience à caractère vibratoire, énergétique qui t'a marqué significativement. Mais, tu sais, moi, la façon que, en lien avec ton expérience, la façon que je perçois ça, que je sens ça, c'est que dans le fond, ça, chaque être humain, à un moment donné de sa vie, peut vivre ça, c'est que. Exact. La personne peut entrer en contact, entre guillemets, le grand soi, là, parce que le petit moi puis le grand soi, là, puis quand les deux, dans le fond, s'associent, ben ça crée un phénomène énergétique qui peut être assez intense. C'est une forme, ben, c'est intéressant. C'est des mots qu'on met, Ben là, c'est oui, encore bien des sûr, formes un bien petit peu, sûr. mais effectivement, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une connexion d'un monde supérieur avec le cœur. C'est de l'intelligence qui a du cœur. C'est ça que ça me dit. Ben, C'est tantôt tu peut-être ce m'en que as toi tu dis parlé, puis aussi, moi ce là. qui me venait en tête, c'était le principe de l'amour universel. Tu sais, parce que tu as la volonté, tu as l'intelligence, puis l'amour universel ou l'amour réel, si on peut dire. C'est une grande beauté, puis la personne qui le vit va se sentir émue. Tu sais, ça va. Ouais. Oui, c'est très émouvant, effectivement. Très difficile à contenir. Mais je vous ferai la suite de l'expérience si ça continue. Je reparlerai si ça arrive. Ben Mais ça ne me oui. dérange pas d'en parler. C'est juste qu'au début, je ne voulais pas en parler. J'avais. Comment dirais-je? Pas de pudeur à en parler. C'était pas une pudeur. Je voulais pas que l'ego récupère OK. l'information. Tu sais, on sait que l'ego récupère toutes les informations. Puis si je mettais des mots là-dessus, je me disais, ça va se prendre pour qui, ça, là, cette Ben affaire-là? là, moi, je trouve que tu demeures quand même équilibré, là, dans le sens que quelqu'un vit une expérience comme ça, il y en a qui vont partir des sectes, des religions, ils vont virer dièse pour enseigner ça à l'humanité, là. Mais tu sais, je vois pas, en tout cas, présentement, de déséquilibre de ta part dans le sens où tu veux pas devenir une gourou du nouvel âge. Surtout pas. Bon, exact. Fait C'est drôle, que. c'est à la suite de ça que j'ai flushé du monde dans mes démarches avec le support mental. Au contraire, ça m'a fait faire le ménage dans certaines choses. Ben, à ce moment-là, l'expérience t'a pas déséquilibré ou t'a amené dans une espèce de complexe de supériorité ou de domination des autres. Fait que pour moi, c'est pas malsain à ce Je niveau-là. dirais plus d'humilité encore. Bon. Plus amener que. Je suis moins. D'un dernier temps, je trouve que je suis. Ben, je vais prendre un exemple dans Oui. le couple. Des fois, mon chum puis moi, on se poignait. On chicane, des petites chicanes d'intello, d'intellect, on a du temps à perdre des fois. Puis ça se désamorce très rapidement. C'est comme. Puis là, on s'en va chacun de notre bord, puis moi, je suis bien de bonne humeur. Avant, j'aurais radoté. Il y a quelque chose de plus humble puis de plus connecté à. J'appelle ça de l'amour, je sais pas trop, là. Il y a quelque chose qui fait que je me prends pas au sérieux. Ça, OK, bye. On revient 3 minutes après, 10 minutes après. Il y a plus de radotage, il y a plus de tension. C'est comme. C'est la vie. C'est le fun. On chicane pas. On se donne des becs, on s'en donne pas. Ah! C'est rigolo. Mais c'est intéressant dans le sens que si le rapport est équilibré entre vous deux, puis tu sais, il y a un amour réel, puis un respect mutuel qui est là, ça Ça se devient. transforme beaucoup Ouais. l'amour, en plus avec le temps, ce qu'on appelle l'amour. Je dirais qu'on est devenus deux. Tu sais, je t'ai toujours dit, j'ai pas de couple fusionnel, c'est pas un couple fusionnel. J'en ai jamais eu. De toute façon, les hommes qui ont voulu se fusionner à moi, et ça a sorti de ma vie, c'était pas possible. Je peux pas me fusionner. C'est pas fusionnel. C'est de plus en plus respectueux sur chacun de nos chemins. On est tous les deux sur deux tracks, on a toujours été deux tracks. Mais on avait beaucoup de tension de m'amener à vouloir comme avoir raison sur l'un sur l'autre quelque part. Puis c'est ça qui s'est co corrigé, puis qui se corrige encore, c'est qu'on est capable d'être sur deux tracks puis de se respecter de plus en plus. Si c'est ça l'amour, il n'y a pas de souci. Oui, ben c'est Parce que intéressant parce c'est que c'est intéressant. le respect de On est l'autre dans. complètement déçus. C'est Taille et ça. moi, c'est Taille, son prénom. Ouais. C'est plus opposé que ça dans la vie. Ça peut être surprenant, là, des choses. Anodine, parce que sur les fondements, on est d'accord. Mais sur des affaires du quotidien, des fois, les neurones se poignent, parce qu'on est complètement dans deux directions différentes, intellectuellement ou spirituellement ou whatever. Mais ça ne dure plus. C'est comme bon, on revient sur nos petites tracks, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Non, c'est ça, mais c'est parce que ça prend beaucoup de maturité pour aller au-delà de la différence de l'autre, pour trouver un terrain d'entente. Parce que beaucoup de jeunes vont Oui. chercher à changer l'autre ou d'amener l'autre à son image, mais d'être capable d'accepter l'autre comme qui est, sans vouloir le dominer ou le Le changer. changer. C'est ça, exactement. Il Ça y a prend une beaucoup de gens qui grande. se séparent aussi à cause de ça. Oui. Parce qu'il y a quelque chose dans l'humain qui veut que l'autre soit, que ça soit parfaitement à l'image de ce qui se fait, de ce que ça devrait être, sa relation avec l'autre. Puis il n'y a rien de parfait, c'est absolument une absurdité. Tu sais, je pense à des gens présentement qui cherchent à avoir une relation avec une femme ou à rentrer en relation, d'avoir une relation avec un homme. Et là, ce que je constate, c'est que moins d'un moment que la personne dit quelque chose qui n'est pas parfaitement organisé, là, ah ben là, non, je lâche ça. Ben voyons donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui est parfaitement ajusté à nous tout le temps. Ça n'existe pas. C'est ça le monde de fusion. C'est Ça veut se ça. fusionner à quelqu'un qui pense comme lui. Mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils Là, cherchent leur clone. ben carrément, t'es un C'est comme clone, une tant qu'à ça, forme. fais-toi un clone. Ben c'est ça, c'est comme une forme de narcissisme que la personne voudrait un autre à son image, mais dans la réalité, c'est pas ça. Puis si la personne n'a pas la capacité d'accepter des fois les déceptions ou la différence de l'autre, ben c'est sûr qu'elle va se ramasser toute seule si elle n'a pas l'ouverture à autrui, là. T'es sûr, mais il faut être dans ce sens. Ce que je constate, c'est que les gens ne sont pas clairs sur leurs besoins fondamentaux. Il y a ça aussi, mais il y a moins de tolérance. J'ai l'impression qu'avant. Ben avant, c'était comme l'autre extrême. Les gens s'enduraient. Tu avais des gens Ouais. qui restaient en couple parce que c'était mal vu de se séparer, de se divorcer. Tu avais des cas de violence conjugale. Tu avais des femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles ou autres. Puis là, aujourd'hui, au contraire, les gens se séparent pour un rien dans certains cas. Fait que j'ai l'impression que c'est passé d'un extrême de la tolérance qui n'avait pas d'allure de ce qui est. violent, de l'intolérance par rapport à la moindre petite pacotille. Ouais. Effectivement, c'est le jeu des polarités, je dirais, là. C'est comme d'un côté, on a trop supporté de choses. Là, on ne supporte plus rien. C'est parce que maintenant, il faudrait peut-être regarder c'est quoi le centre dans tout ça. Puis c'est de quelle idée aussi d'un couple fusionnel, à quoi ça sert cette affaire-là, si ce n'est d'arrêter d'exister pour l'autre. Un plus un donne toujours deux, là, à ma connaissance. Ah oui, Bien, en c'est fait, vrai que ça t'es peut woke, ça peut donner donner trois. trois. C'est-à-dire que les deux vibrations mises ensemble peuvent donner place à une structure énergétique qui dépasse les deux. Ou le concept que deux personnes ensemble vont donner la naissance d'un enfant, qui est un troisième élément, qui est le résultat des deux parents, des deux géniteurs. Oui, mais là, moi, j'étais plutôt limitée, OK, un peu non, mais plus c'est bien basique un peu correct. que ça. C'est bien Ce que je veux correct. dire, un couple, homme-femme ou deux femmes, deux hommes, peu importe, là, vous êtes en couple, il y a toujours les polarités mâle-femelle là-dedans. À moins que la personne se définisse comme non-binaire. Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié toute la série C'est ça. Hey, c'est-tu rendu compliqué à ton goût, Ah ouais, les c'est pas catégories, parlant. là, les lettres du mouvement LGBTQ+, là, avec les extras, puis les queer, puis les... Oui. Mais là, c'est ça, c'est en termes de polarité, avec Trump au pouvoir, puis dire, ben, il y a male and female, il va ramener le retour du balancier, là, par rapport à... Ben, ce qui a ramené, moi, je trouve c'est intéressant, en tout cas pour ça, là, parce que moi, que tu fasses n'importe quoi avec ton petit corps, là, je m'en tape l'arrière-train, tu veux une pénis dans le front, tu peux bien, je m'en fous. En autant que ça se passe dans un contexte où tu es majeur, puis que tu sais ce que tu fais. Pour le reste, ce que Trump amène, c'est surtout la reconnaissance des deux sexes originaux, c'était dans le contexte, rappelle-toi bien. C'est que les hommes, de plus en plus, rentrent dans des hommes transgenres, deviennent des femmes dans des compétitions de femmes. Ben oui, comme la Excusez-moi, natation, la tabarnak, là, boxe. mais tu restes un homme, hostie, avec des muscles de gars, avec une chaîne osseuse de gars. Je pense pas qu'ils t'aient rebâti au complet après t'avoir mis un vagin artificiel puis deux totons puis t'enlever la barbe, là. Tu sais, peut-être des fois, pas te refaire la face, ton nez, mais il reste que ta structure est osseuse à être masculine, ta musculation est masculine, t'as pas d'affaire dans les compétitions de femmes. Ça leur enlève toute la gloire que les femmes peuvent avoir accès. Si on parle de. Je suppose qu'ils sont les féministes rendus là, c'est quoi qu'ils défendent, c'est n'importe quoi. Les femmes, pourquoi on ne compétitionne pas avec les hommes? Parce que jusqu'à présent, on n'est pas capable de gagner de médailles dans la plupart des compétitions. Parce qu'on n'est pas fait pareil, toi, tu parles d'une histoire. Peut-être dans 2000 ans, on sera capable, je ne le sais pas. Mais présentement, ça enlevait tout. Il y a plein de femmes qui ont perdu des compétitions en natation à cause de gars, d'hommes transgenres qui sont devenus des femmes qui compétitionnent. Mais l'inverse, tu ne verras pas ça. Une femme devient un gars, elle est compétitionnée avec des gars, par exemple. Parce qu'elle va perdre, c'ti, parce qu'elle aussi a poigné avec sa petite charpente de ma petite madame. En tout cas, je trouve que c'est facile à comprendre, celui-là. Si ça prend pas la tête à Papineau, comme disait ma mère, il faut pas besoin d'inventer bouton 4 trous pour comprendre l'intelligence d'une décision comme celle-là. Mais il n'impose pas. Je pense pas qu'il est allé plus loin que ça. Puis l'affaire des bloqueurs d'hormones, puis des ci, puis des ça à 12 ans. Je peux même pas t'acheter une bière avant 18 ans, mais tu peux décider de devenir une femme à 12 ans, ou un gars. Minute, on se calme. Tu dis hormones Mais pour d'ado, là, on va se ce qui calmer. est de l'opération qui vise à enlever le sexe, c'est pas avant 18 ans au Canada. Donc Oh, quelqu'un ça, je sais pas. peut pas se Parce que faire. Oui. l'avortement au Québec, le monde ne le sait même pas. On avorte à 8 000 mois présentement, puis le monde pense que c'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est pas s'ils font pas des. Moi, je suis pas. Non, je suis désolée là-dedans. Ça me dit non. Ils en font des chirurgies de transformation avant 18 ans, Bien, la même si personne la peut se loi faire enlever, l'interdit. par exemple, les seins. Mais de ce que j'avais compris, j'avais écouté un documentaire en lien avec ça, que quelqu'un peut prendre, oui, des bloqueurs d'hormones, mais se faire enlever le pénis, pour parler Mais c'est encore explicitement pire, des ça, bloqueurs mais d'hormones c'est à avant d'avoir 18 fini ans. ton développement biologique, là. Je vais raconter quelque chose de très intime. OK. Moi, jeune, là, quand j'ai l'adolescence, quand la sexualité commence à s'éveiller, un petit peu plus tard, quand je commence à avoir des envies sexuelles, 17 ans, j'étais un gars. Dans ma tête, c'est des fantasmes de gars. un corps de femme, parce qu'il y a bien des gens qui vivent ça aujourd'hui, là. Je suis dans un corps de femme, mais dans mes fantasmes, pendant qu'on fait l'amour, on a toujours des petits fantasmes, hein? Dans ma tête, c'est un pénis. Je suis de même. What the fuck is that? Je me suis jamais pensé transgenre, je le suis pas, en passant, ni même, je me suis pas trompé de corps. Faut comprendre que, à l'époque, ce que j'ai pu comprendre avec le temps, c'est que j'ai beaucoup, probablement, comme j'ai dit, j'étais une espèce de mélange masculin-féminin, fait que c'était comme la masculinité qui s'est intégrée plus vite. Plus tard, ma féminité s'est intégrée, puis là, les fantasmes ont changé. Plus tard, vers 30, 35 ans, ça a pris du temps. Mais est-ce que je suis venue folle raide avec ça? Non, c'est pas. Ça m'a pas. Ça m'empêchait pas d'avoir de fun et d'avoir une sexualité, là. C'est juste, c'était questionnant. J'étais comme, c'est drôle. J'imagine que c'est moi qui pénètre. Non. J'ai pas de pénis, moi, d'habitude. En tout cas, je vous confie ça, c'est assez privé, là. Non, je sais, mais en Mais. fait, dans l'autre enregistrement, tu nous en avais parlé, Ah, je m'en souviens mais pas. c'est pas grave. Mais en fait, le point, c'est qu'en lien que ce que tu dis, c'est que tu peux avoir des femmes dans un corps biologique féminin, mais que ils peuvent, parce que tantôt, tu parlais de réincarnation, ça se peut que tu sois imprégné de mémoire, de vie passée Ben, au parallèle, là, la femme de Bernard de Montréal, la première, Pierrette, Oui. à 26 ans, me dit, j'espère qu'un jour vous intégrerez votre féminité, Mona, parce que vous avez beaucoup de mémoire d'homme. Et voilà. Alors, la réincarnation n'existe pas, mais j'ai pogné avec des mémoires d'homme. C'est bien. Mais alors, j'ai réussi à intégrer ma féminité, ça a l'air. Ben, c'est Mais elle me le intéressant. disait déjà, Ouais. j'avais 26 ans, imagine. Elle dit, j'ai pas besoin de vous revoir, bonne route, bonne chance. Moi, j'étais toute déçue, j'aimais bien Pierrette. Elle était super intéressante, Pierrette. Bref, on est où là-dedans? Excuse-moi, j'ai perdu Non, le mais c'est fil. parce qu'on parlait de l'identité sexuelle. D'identité sexuelle. Mais si je vivais ça aujourd'hui, peut-être que je m'aurais proposé une chirurgie de transformation, tu sais. Ah oui. Mais j'ai écouté un documentaire en lien avec ça. Puis là, ce qui est intéressant de voir, parce que là, il y a les contre-coups commencent à être documentés, c'est-à-dire des jeunes qui changent précocement de sexe, leur regrettent, puis ils vont reprendre leur sexe d'origine. Puis là, ça complexifie les Plus choses. petit que ça. Ben oui, c'est ça. Donc, Ouais. en Et fait. le taux de suicide, il n'en parle pas non plus, mais le taux de suicide suite à ces transformations-là est très élevé. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont développer des problèmes de santé psychologique ou autre, parce que là, la personne, elle ne s'acceptait pas, mettons, en tant que femme, elle devient un homme, finalement, elle vit un malaise, puis elle ne s'accepte plus comme un homme, mais là, elle va redevenir femme, mais elle ne peut pas vraiment redevenir femme à 100% parce que c'est, elle a connu l'ablation des seins. Fait que là, ça devient compliqué à Ben, gérer, là. puis les bloqueurs d'hormones aussi, qui quand tu as pris ça jeune, ça fait des dommages définitifs aussi. Bien, il y a des choses. J'ai écouté un documentaire sur Radio-Canada où c'était une fille qui avait pris des hormones masculines, avait une voix de gars, puis après ça, ben, elle ne pouvait pas avoir une voix féminine. C'était trop tard, elle restait avec une voix plus basse, qui était OK. altérée. Avec les hormones, c'est ça qu'elle prenait? Oui. Même en les arrêtant, c'est pas revenu. Ben, peut-être que ça prend. Non, mais il y a des choses, en fait, je vais faire attention. Ça, je ne me rappelle pas assez, mais il y a des choses que, tu sais, c'est irréversible dans le sens que la personne, elle s'est fait enlever les seins, l'ablation des seins. Après ça, ben, dans le documentaire, il disait que là, elle ramassait de l'argent pour une chirurgie plastique pour se faire faire des seins, tu sais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je pense que la seule solution, c'est de se faire implanter des seins reconstruits, construits. Mais c'est pas comme naturel, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est. Ben là, que voulez-vous? Ouais, Ça repousse plus les exactement. seins une fois qu'ils ont été poussés, là, une fois qu'ils ont poussé, là, et si tu les enlèves, ça repousse plus. C'est pas comme des cheveux, je suis désolée. Non, Peut-être que exactement. l'IA va faire ça un jour. On va faire pousser des seins. Ben, en fait, Je blague, là. ben, t'as peut-être pas nécessairement tort. Parce que présentement, Peut-être. ben, je t'explique un peu le point sur lequel je veux t'amener, c'est que l'intelligence artificielle est capable de traiter une quantité importante d'études scientifiques de méthodes données. Et à un moment donné, j'avais discuté avec une femme qui étudiait en dentisterie, qui expliquait qu'il y avait les requins, qu'eux autres, ils pouvaient avoir plusieurs dentitions. Fait que si on réussirait au niveau, dans le fond, par rapport à la biologie, la génétique, être capable de faire pousser des dents d'adultes, en intégrant au niveau de la programmation cellulaire qui amène ces dents-là à pousser, c'est plusieurs dentitions, mais tu as des gens qui ont perdu leurs dents, puis au lieu de passer le reste de leur vie avec des dentiers, ben, ils pourraient avoir une autre Il a dentition. pas Ben, peut-être pas des des dents de requin, mais ça serait des dents d'humain, là, un peu comme tu fais pousser de la peau en laboratoire, des tissus de peau. une blague. Puis c'est à Non, partir de mais c'est parce l'ADN de que la personne, fait qu'il n'y a c'est pas de tu rejet. parles de modification de l'ADN humaine. Ben, en fait, ça serait de faire pousser un peu comme des cellules. Tu sais, quelqu'un peut, dans le fond, faire des cultures de cellules humaines pour faire du tissu de peau OK. à partir, entre autres, de cellules souches, mais ça serait un peu le même principe. OK. Mais c'est sûr qu'éventuellement, peut-être au niveau des seins, ils vont pouvoir faire ça. Puis ça évite le rejet parce que c'est à partir de la génétique De de la cellules personne. souches. Fait que le système immunitaire n'interprète pas ça comme un corps extérieur ou une menace. Intéressant, ça. Mais c'est ça, la thérapie génique va sans doute avoir un impact en lien avec ça éventuellement, j'ai l'impression. Mais ce que j'avais trouvé intéressant dans le documentaire par rapport aux gens qui, dans le fond, sont des transsexuels, c'est que ce qu'il expliquait, c'est que, par exemple, tu as des psychologues, tu as des intervenants qui veulent bien faire, puis eux autres, pour éviter que la personne se suicide, entre autres des médecins, ils vont être vite sur la gâchette pour donner les thérapies, par exemple, géniques, les bloqueurs d'hormones ou ces choses-là, en disant, ben, je vais faire le bien, parce que la personne vit une détresse psychologique et avait malaise par rapport à son identité de sexe d'origine. Fait que là, eux autres, ce qu'ils disent pour se donner bonne conscience, ben, on va leur donner des moyens rapidement de faire le changement. Comme ça, ces gens-là ne sombreront pas dans la dépression puis ne se suicideront pas pour préserver leur vie. Sauf qu'en faisant ça, le contre-coup, ben, c'est parce que des fois, il y a des gens qui le regrettent après puis ils ne peuvent pas revenir en arrière à 100%. Ben, dans ce temps-là, pour moi, la solution, si mettons, tu as 13-14 ans, puis tu veux faire changer de genre, Oui. puis que tu as des pensées suicidaires, premièrement, l'accompagnement psychologique devient très important, là, de supporter le temps d'amener l'adolescent à l'âge adulte. Sans lui dire tu feras jamais ça, c'est juste dire attends de maturer complètement, parce qu'on parle de maturation, je parle biologique, là. Ben oui. Ça prend 21 ans au corps humain pour se développer biologiquement au complet. Et moi, j'irais Donc, plus dis pas loin, d'attendre 21 ans, mais mais au en lien moins avec ça, être majeur. ouais, exactement, mais moi, j'irais plus loin que ça, c'est-à-dire que le néocortex, c'est 24 ou 25 ans. Pour qu'il soit Ben, pleinement imagine, tu sais, développé, moi, c'est je ce suis qui d'accord avec explique ça. entre autres que même quelqu'un qui a 18 ans, qui vit par exemple une peine d'amour, au niveau émotionnel, la régulation des émotions ne se fera pas aussi bien que si la personne est rendue à 25 ans. Pourquoi? Parce que le néocortex qui traite l'information, qui la gère, est moins développé. Donc à ce moment-là, les réactions plus impulsives, les plus jeunes vont en avoir davantage, vont être plus affectés au niveau émotionnel. Ben, tout le monde se souvient de leur première peine d'amour entre 16 et 20 ans. Je dis un range de même, là, mais la première peine d'amour qu'on a eue, on s'en souvient à Christ parce qu'on a souffert beaucoup. C'est comme tu dis, c'est de pas dans ton sens. Puis après, ben, on rencontre d'autres amours, d'autres vies, d'autres relations amoureuses, puis c'est moins souffrant, effectivement, d'une fois à l'autre. Il y a un volet On est plus expérientiel, mais il y a un mature. volet aussi cerveau en termes de développement. Oui, la C'est ça, au niveau maturation, c'est ça. La biologique aussi. maturation, c'est biologique. Ça va jusqu'à 25 ans, imagine. Ouais. Mon cher ami, je vais te quitter bientôt parce que moi, je commence à avoir faim. J'ai pas soupé. 21h30, 3h30 plus tard. Non, ben c'est bien Je. correct. On va compléter l'enregistrement. En fait, ce qu'on peut faire en terminant naturellement, donc pour les gens qui ont aimé écouter notre entretien d'aujourd'hui, ben sachez qu'il y en a plein d'autres sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai une chaîne, j'ai une liste de lecture par rapport à toi, Mona. Beaucoup de choix aussi. Oui, exactement. Je la mettrai en bas de l'enregistrement présent, donc pour les gens qui veulent écouter d'autres conversations qu'on a eues au fil des ans, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on discute ensemble. Et C'est sinon, combien de ben, temps, David? je ne sais pas exactement. Fait bien 4 ans. Au moins 4 ans, ça c'est clair, là, dans mon souvenir, c'est au moins depuis 2020, dans ce coin-là. On est en 2025, ça fait peut-être environ 5 ans. En tout cas, c'est intéressant. Merci de me donner cette ouverture aussi de pouvoir m'exprimer. J'apprécie beaucoup. Merci. C'est un plaisir partagé et j'ai de la gratitude aussi pour toi parce que ça fait des échanges intéressants, là. Donc, quand on discute ensemble, on va parcourir plein de sujets. On partage des intérêts communs, entre autres pour la géopolitique, en passant Ça va être par... intéressant les prochains mois. Ah, ben oui, ben c'est ça, là. Attention, là, ça tente là, de commenter qu'est-ce qui va arriver avec ces histoires de droits tarifaires là, dans à peine quelques jours. Parce qu'on va peut-être assister à un changement économique majeur au Canada, là, en réaction par rapport aux États-Unis qui veulent établir avec nous un rapport de force. Ben, on va voir si c'est reporté ou pas. Exactement. Moi, dans le fond, comme j'expliquais à mes proches, j'ai dit cette fois-ci, là, je ne me ferai pas avoir parce que l'autre fois, le lundi qui a procédé le mardi, c'est-à-dire le 3 février qui précédait le 4 février. Comme la journée d'avant, au début de la journée, moi je pensais sincèrement, j'ai dit d'ici 24 heures, il va de l'avant, parce que sans ça, ça n'a pas de bon sens. Moi j'avais changé mes placements, mes investissements en bourse en lien avec ça, là. Je m'étais départi de fonds négociés en bourse canadien. Pour moi, c'était comme, dans le fond, une fatalité. Puis là, j'ai appris que vers 5 heures de l'après-midi, 17 heures, que finalement, il n'allait pas de l'avant, puis à la dernière minute, in extremis, il y a eu une entente avec Trudeau, puis là, il donnait un mois de sursis. Fait que là, moi, j'ai été déstabilisé, parce que là, je le prenais au sérieux. Quelques semaines avant, je dis, ah, peut-être qu'il bluffe, il va avoir une entente, etc. Mais une journée à l'avance, Il est dur à prévoir. Il était imprévisible. ah oui, moi, j'ai l'impression que Trump, ben, je sais Mais c'est pas, pas je improvisé. En tout cas, il est capable de déstabiliser, là, mais j'ai l'impression que dans ses loisirs, il doit jouer au poker, ce gars-là. Ben oui, au poker, Se tu fais miroiter des choses. Tu sais, quelqu'un peut miser sur la table un paquet de jetons en faisant croire qu'il y a une bonne main avec des cartes qui sont fortes, mais quand on voit ses cartes puis il dévoile son jeu, peut-être que c'est pas le cas du tout, là. En tout cas, c'est un crise de grand stratège. Oui, Puis de toute façon, en tout cas, on verra, là, oui. mais il y a ce qu'il dit en TV, là, méfiez-vous. Parce que il sait ce qu'il fait. Hein. Il provoque des choses, il crée des situations, des ambiances. Mais en arrière des caméras, la direction réelle qu'il veut prendre, elle nous est dévoilée très lentement, tu sais, fait que on Ben, à verra. des fins Mais jusqu'à stratégiques. présent, il a pas mal respecté ce qu'il avait dit qu'il ferait, là. Fait Oui. que... Mais pour comprendre sa Mais il n'a psychologie, jamais dit, attends oui. un petit peu ce que je veux dire. Quand je dis Oui. il a toujours il fait ce qu'il a dit, il n'avait jamais dit que il a jamais dit pendant les 4 ans de rallye que le Canada était son ennemi. Il a toujours dit que le Canada sortirait de la crise en même temps que les États-Unis. Novembre 2025. On verra. Ben là, de la Qu'est-ce que ça crise... sous-tend? Je ne le sais pas. Ben, tu parles de quelle crise? Ben de la crise dans laquelle nous sommes, mon cher ami. Ben là, c'est parce que là, c'est vaste, là. Tu sais, on peut parler d'une certaine façon d'une crise économique avec le problème d'endettement. Nettoyage du Deep State, OK. nettoyage de la swamp, ce serait le Canada sortir de ça, de cet écrasement, dirais-je, de l'élite sur la mondialisation. Il disait que le Canada et les États-Unis s'en sortiraient en même temps et la France aussi suivrait. On verra. Ah, il prend des contrats importants sur ses épaules. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui arrivera. Mais pour ce qui est de Donald Trump, je veux quand même mentionner que récemment, j'ai fait une capsule sur YouTube en lien avec sa façon de négocier, donc lors du deal là, pour Donald Trump. Puis j'ai étudié sa psychologie. Parce que c'est intéressant de voir que dès 1987, un livre a été écrit en lien avec sa façon de faire, The Art of the Deal. Puis la façon de procéder qui est décrite, parce qu'il y a un article sur Internet en lien avec ça qui fait la synthèse des principaux points. Je regarde qu'est-ce qui se passe présentement, puis c'est les techniques qu'il utilise qui sont décrites comme créer la tension, déstabiliser en créant un ascenseur émotionnel, utiliser C'est son ça. pouvoir de nuisance, think big. Tu sais, c'est tous des éléments qui sont présentés, puis là, tu regardes qu'est-ce qui fait que le Canada, puis je trouve que ça va vraiment dans le même sens. Donc, Ouais. Mais en général, quand les négociations sont terminées, c'est win-win. C'est ça que je dis, le jeu de provoquer, de créer, d'avoir l'air faible quand tu es fort, d'avoir l'air fort quand tu es faible, les jeux de même. Mais c'est un très bon négociateur. C'est ça que je dis, regardez là, ce qu'il propose à l'Ukraine, c'est sur les terres rares, c'est 50-50. C'est pas idiot. Mais il va mettre de la pression sur l'Ukraine, il fait des déclarations outrageuses parfois, il est carrément. Alors, remarque que depuis sa tentative d'assassinat, il est comme plus pareil. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il est plus aussi baveux, là. Il a changé de ton aussi. Il est très stratégique. C'est ça, je dis, très difficile. Ben, il y a un Mais côté quand même Poutine. baveux, tu sais, je veux dire, il va Pardon? traiter de... Il y a quand même un côté baveux, Trump, dans le sens qu'il va traiter Trudeau de gouverneur au lieu de dire que c'est le premier ministre du Canada. Il a tellement raison. Non, mais moi, j'étais président des États-Unis, puis j'avais Justin Trudeau à côté, c'est sûr, je serais baveuse. Je suis désolée, je serais baveuse. C'est un con. Non, mais C'est c'est un sûr esti que... con. En plus, il est allé crisser ses. Non, mais Trudeau, là, c'est pas sa personne qui attaque, c'est ses politiques. Il est allé crisser l'armée de la Chine, aussi, ses frontières. Il est allé entraîner l'armée de la Chine, il s'est entraîné sa frontière canadienne. Il a rentré des Chinois dans des laboratoires secrets. Ils ont transféré des informations en Chine. Hey, à un moment donné, notre voisin à côté, là, ça marche pas. C'est ça, je dis, il attaque pas le Canada, c'est Trudeau qui va le sortir. Il va sortir Trudeau demain, moi. On verra. Oh, hey, écoute, je m'arrête là parce qu'on est reparti. Non, mais c'est bien correct. On va arrêter là. Fait que, écoute, dans le fond, ce que je voulais dire aussi aux gens qui nous écoutent, naturellement, ben, comme mentionné en début d'enregistrement, si vous voulez discuter avec Mona dans un cadre privé, c'est-à-dire une J'aime bien lui. consultation individuelle en lien avec l'instruction supramentale, ou également faire des cours de yoga et pilates, c'est possible pour vous. Et je vous rappelle qu'en bas de l'enregistrement présent, vous allez avoir toutes les informations et coordonnées par rapport à ça. Et s'il y a des gens qui apprécient ces longues entrevues qu'on fait, plus de 3 heures aujourd'hui, ces entrevues fleuves que j'appelle, avec un discours élaboré sur un paquet de sujets qu'on survole, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Et à ce sujet, vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement dans cette optique-là. Donc, je remercie tout le monde de votre écoute et je laisse à présent le mot de la fin à Mona. Juste une petite précision, je voudrais ajouter que si Oui. jamais des gens me contactent pour de la consultation en psychologie évolutionnaire ou supramentale, la première rencontre est gratuite parce que je prends 30 minutes avec la personne pour pouvoir voir si moi, il faut que j'écoute mon information personnelle, savoir si je peux travailler avec la personne. Donc, c'est gratuit. Puis l'autre aussi, la personne qui me contacte, il faut qu'elle soit à l'aise avec ce qui se passe. Ça, c'est gratuit les 30 premières minutes. L'autre chose que je veux dire, c'est que les routines Pilates et yoga, s'il y a des gens qui veulent des routines privées, j'en fais aussi. Puis ça peut être enregistré sur Zoom éventuellement. Les gens peuvent enregistrer leur routine. C'est des choses que je fais aussi en privé. Donc, enregistrer les vidéos de routine Ben, je fais une individuelle. routine privée selon ce OK. que je peux voir comme besoin que la personne a. Puis ensuite, la routine, je la transmets. On peut aller sur Zoom et la personne, je permets l'enregistrement sur leur ordinateur de la routine qui OK. devient une routine privée, personnelle. Tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est parfait. Donc, c'est ce qui va compléter. Donc, l'enregistrement présent. On garde contact et au plaisir de Avec rediscuter plaisir. éventuellement. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci.